Radio Debout, nous sommes le 69 mars et c'est parti pour la Radio Debout en direct de la Place de la République jusqu'à minuit avec une grosse nouveauté ce soir dans les Nuits Debout. C'est une nouvelle forme d'AG, une nouvelle forme d'Assemblée Populaire. Donc on va tout de suite aller écouter ce que ça donne et puis un petit peu plus tard dans la soirée, on aura quelqu'un de la Commission Démocratie qui viendra nous expliquer comment ça marche. Voilà, on écoute un petit peu l'Assemblée Générale. Donc on rappelle aussi qu'il y a un site internet qui s'appelle question.nuitdebout.fr/75mars qui rassemblera l'ensemble des propositions qui seront retenues pour l'ordre du jour de la semaine prochaine, qui sera opérationnelle à partir de demain midi. Donc sur ce site, vous pourrez donner vos avis sur les propositions, mais en fait, vous pourrez voter pour ou voter contre. Mais en tout cas, on a choisi de ne pas faire de vote numérique sur les conseils de la commission numérique parce que le vote numérique est toujours contestable, c'est-à-dire que c'est le propriétaire du serveur et des données qui reste le propriétaire du vote. Donc on peut facilement, le vote sera toujours contestable, donc on pense que physiquement, ça sera toujours plus simple. Donc ceci a peut-être l'air d'une entracte, mais ça n'en est pas une. On continue. Il nous faut deux personnes pour tirer au sort. Je crois qu'il y avait deux personnes qui s'étaient manifestées. Ça serait super de. On les a tirées. Elles sont tirées déjà. Par ailleurs, les personnes qui s'en vont, ça serait très sympa de nous ramener les cartons. Et s'il y a des personnes qui sont arrivées qui n'ont pas de carton, vous pouvez faire un signe et Pascal passera dans l'assemblée pour les distribuer. Et rapprochez-vous, rapprochez-vous, parce que là, il y a pas mal de gens qui sont partis devant. Donc peut-être c'est... Enfin, on espère que c'est pas... Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Enfin, là, il y a des gros trous devant. Remarque, ça permet à certains de s'allonger, ce qui est pas mal aussi. Donc rapprochez-vous, n'hésitez pas à vous rapprocher, surtout ceux qui sont là-bas au fond, derrière, et qui ont vachement envie de s'asseoir. Vous avez la place devant. Ok, merci, on va les lire. C'est les dernières. Il les a pas mis. Ne faites pas la lecture. Parce qu'il faudrait faire une interruption pour qu'un vote qui n'a rien à voir avec ça ait lieu pour action parce qu'ils ont besoin d'une réponse demain pour montrer que ça continue. Donc la commission action veut vous faire une proposition, mais. Non, mais. Oui, mais c'est pas ça. S'ils l'ont maintenant. C'est pas une proposition. Elle veut un vote d'action rapide pour demain qui n'a rien à voir avec ça. Oui, je suis d'accord. Test. Non, mais ça y est, aucun problème. Pendant qu'on tire au sort, moi je propose de faire ça, c'est pendant qu'on tire au sort les propositions, il y a, comme on reste en AG, donc l'AG ne redevient AG ordinaire, on va dire, et la commission action veut le sentiment de l'Assemblée de ce soir sur quelque chose. Donc on va les laisser le présenter, donc c'est hors test processus de vote, c'est pas une action à... C'est pas quelque chose sur lequel vous déciderez la semaine prochaine, mais c'est juste une proposition immédiate. Et on cherche encore quelqu'un pour le tirage au sort des propositions. Donc on va laisser la commission action faire leur proposition. C'est pas la commission action, mais on va les laisser se présenter pour leur action. Bonsoir, on est la commission grève générale du coup, mais on est dans le pôle lutte debout avec la commission action. Et alors on a un camarade postier qui va intervenir parce qu'il y a une assez bonne situation en ce moment dans le 92 à la Poste. Enfin, il va vous expliquer ça. Et moi, j'interviendrai après pour vous parler de la journée du 10 où se construit quelque chose avec les cheminots dans la perspective d'une grève reconductible des cheminots le 18. Enfin, intervenez, mais faites-le en 4 minutes pour respecter un peu le temps de parole un peu de tout le monde. Pas de souci. Salut, moi, c'est Xavier. Je parle pour Sud Poste 92. Simplement, c'est pour vous expliquer... que là, il y a 3 bureaux de poste dans notre département, des facteurs, qui ont voté de se mettre en grève reconductible à partir de mardi. Pourquoi on se met en grève reconductible? Parce qu'on en a marre des salaires de misère, on en a marre des suppressions d'emplois qui font qu'on fait le même boulot, de plus en plus de boulot en réalité, à de moins en moins nombreux, parce qu'on en a marre d'avoir des collègues intérimaires qui font le même boulot que nous et qui risquent de se faire virer à n'importe quel moment. Mais si on fait grève reconductible maintenant... C'est parce qu'on a l'impression qu'avec ce qui se passe ici, il y a la possibilité que ça se généralise. Et que si d'autres font le même choix que nous, on pourrait arriver à une grève générale. C'est possible, on sent tous qu'il y a un petit peu ce climat-là. Donc on est venu déjà pour vous informer qu'il y avait un mouvement dans au moins, on espère, 3 bureaux à partir de mardi prochain. Mais aussi pour proposer à toutes celles et tous ceux qui ont envie d'aider notre grève à se reconduire et à s'étendre, une action de blocage économique, mais de blocage économique qui servira réellement à nous aider à nous mettre à plus nombreux en grève. Donc le rendez-vous, il est mercredi prochain à 18h à la gare de Saint-Denis. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. L'idée, c'est un blocage à la gare de Saint-Denis, gare RER. Voilà, gare de Saint-Denis, B, la gare B, RER B de Saint-Denis, pour toutes celles, Saint-Denis, la gare de Saint-Denis, pour toutes celles et tous ceux qui sont intéressés, venez vous inscrire au stand Construire la grève générale qui est juste à côté de l'infirmerie. Et on espère qu'il y aura plein d'autres que nous qui se mettront en grève reconductible, les cheminots, les postiers, les hospitaliers, les chômeurs, les salariés, tout le monde ensemble pour que la coupe déborde et qu'on fasse un petit peu sauter ce gouvernement et ce système de merde. On espère que vous avez proposé dans la boîte aux propositions une caisse de grève nuit debout. Ça serait une proposition qui pourrait être soumise, par exemple. Okay. Moi, je vais vous parler rapidement de la situation à la SNCF. Il y avait en fait une date de grève reconductible à la SNCF qui devait partir le 18 mai prochain. Et finalement, la CGT, le syndicat majoritaire à la SNCF, s'était retirée. De cette date de grève reconductible et c'est en train en interne en fait d'osciller et ça bascule a priori plutôt pour la reconductible 18 mais on n'en est pas encore sûr et donc avec des camarades cheminots on a fait un tract qu'on va distribuer dans la grande manifestation cheminote nationale le 10 qui appelle à la reconductible du 18 qui appelle à faire bouger les lignes pour que ça puisse partir. Donc étant donné qu'il y a le nouveau processus de vote qui a été mis en place mais que rien n'a été décidé en ce qui concerne les actions rapides, c'est-à-dire que ce genre de choses, ça ne peut pas prendre une semaine. Moi, j'avais proposé qu'on garde, tant qu'on n'a pas une meilleure solution, on garde le fonctionnement d'avant, c'est-à-dire que pour les décisions comme on lit un tract et Nuit debout valide ou non, on le lit une fois en assemblée et on considère que voilà. Donc, je vais vous lire, si vous voulez s'il bien. S'il vous plaît, on va simplement savoir si l'assemblée veut se prononcer sur ce tract. Ouais, c'est ce que je... Ben, alors, est-ce que vous voulez vous prononcer sur ce tract ? Jaune, c'est contre ou pour ? Ben, jaune, c'est pour et les roses, c'est contre. Donc, après... D'accord. Donc, si, donc, c'est bon. Ok. Très bien. Donc, je vais vous lire le tract. Donc, il y a eu jaune, hein, je crois, c'est ça. C'est le nouveau dispositif de l'Assemblée Générale où les gens votent avec des petits papiers ce soir. Il y aura quelqu'un qui viendra nous expliquer tout à l'heure. On est toujours donc en direct de la Place de la République sur Radio Debout. Et une des choses qui a mené la Nuit Debout, c'est évidemment la loi El Khomri. Mais la loi El Khomri était quelque chose qui était défini comme une sorte de goutte qui a fait déborder le vase, qui a conduit à Nuit Debout. Et dans ces nombreuses gouttes qui ont rempli le vase, il y a eu les abus de l'état d'urgence. Car je rappelle, nous sommes ici en France sous l'état d'urgence depuis les attentats du 13 novembre. Le soir du 13 novembre, c'est François Hollande qui a décrété l'état d'urgence pour 12 jours. Et puis le 26 novembre, c'est l'Assemblée nationale qui l'a reconduit pour 3 mois. Et puis le 26 février, ça a été de nouveau reconduit pour 3 mois. Donc on est encore sous état d'urgence, au moins jusqu'au 26 mai. L'état d'urgence, c'est quoi ? Ça permet aux autorités d'instaurer des couvre-feux. On a vu ça dans un quartier à Sens, par exemple. Ça permet de l'interdiction des rassemblements. Ce n'est pas le cas ici, à Nuit debout ce soir, mais ça a été le cas au mois de novembre, notamment autour de manifestations de soutien aux migrants. Ça a été le cas autour des manifestations contre la COP21. L'état d'urgence permet aussi des perquisitions administratives de jour comme de nuit. Il y en a eu près de 4000 aujourd'hui. L'état d'urgence permet aussi des assignations à résidence. Il y en a eu plus de 400. Toutes ces perquisitions administratives et ces assignations à résidence ont permis la condamnation de 65 personnes, mais pour des délits de stupéfiants et de port d'armes. Dans ces 4000 perquisitions, il n'y a eu qu'une seule enquête qui était liée à l'antiterrorisme. Les victimes de cet état d'urgence, les gens qui ont été perquisitionnés, assignés pour rien, ont été au début pas mal des militants écolos, mais pour la plupart des gens qui sont musulmans. On a avec nous Alim sur le plateau. Bonsoir Alim. Bonsoir. Toi, tu es une des personnes qui a été assignée à résidence. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé ? Voilà, donc moi, j'ai été assigné à résidence le 16 novembre, mais sur trois faits en fait. On m'a donné une convocation. Et sur cette convocation, il y avait écrit que je faisais partie d'une mouvance islamiste radicale, que au mois de mai, très précisément le 13 mai, j'étais aux abords d'un des domiciles d'un représentant du journal Charlie Hebdo et que je faisais des repérages du dispositif de sécurité qui était sur place et pour préparer, bien entendu, un attentat. sur la personne. Et le troisième point, que je finançais une mouvance terroriste au Yémen au sein d'une organisation de véhicules de luxe volés. Alors pourquoi ils sont arrivés à ces accusations-là ? Alors, la mouvance islamiste radicale, c'est que j'habite à Vitry-sur-Seine. Il y a deux mosquées. Une des deux mosquées, c'est une mosquée salafiste. Et que je suis parti avec eux au pèlerinage en 2007. Au pèlerinage à la Mecque, du coup. Exactement, au pèlerinage à la Mecque. Et le deuxième point, pour les voitures, j'ai été victime en 2007. J'ai été escroqué par un de mes voisins. Il m'avait vendu une voiture et qui était apparemment mis en coup d'assurance. C'était même pas une voiture volée, c'était, voilà, c'était une escroquerie en assurance. Donc la personne m'avait remboursé et j'ai été convoqué à la BRB, Brigade de répression du banditisme, au 36 quai des Orfèvres. Et j'ai eu juste une convocation à témoigner en tant que victime. En tant que victime. Voilà. Et alors l'histoire comme quoi tu surveillais le domicile d'une personne de Charlie Hebdo, c'était Charles, je crois. Alors, ouais, voilà. Alors en fait... En mai 2015. Ouais. Mais moi, je viens, j'ai grandi dans le 13e arrondissement, en face du stade Charletti, à Port-de-Gentilly. Donc je suis connu par tout le quartier. Et juste derrière chez ma mère... Malheureusement pour moi, il y a le domicile de cette personne-là. Donc ce jour-là, j'étais sur mon scooter avec mon téléphone portable à la main en train de parler avec ma femme en mode haut-parleur. Et donc là, il y a un monsieur, un civil, donc un policier en civil, il est venu vers moi et il m'a pris en photo. Il a pris trois photographies. Une en face, une sur le côté et une à l'arrière de mon véhicule où il y avait la plaque d'immatriculation, bien entendu, à mon nom. Donc de là, j'ai été convoqué à la brigade antiterroriste le lendemain. Ils sont venus chez moi le soir même, à minuit. Ils ont frappé, ils sont venus à plusieurs personnes, je n'y étais pas. Et là, ils laissent une convocation. Et mon cauchemar, il commence ce jour-là, en fait. Voilà. Et je leur ai fourni tous les éléments nécessaires pour être disculpé de cette accusation. Il y a eu juste un interrogatoire de 6 heures. À la brigade antiterroriste au 36, et de là ils m'ont relâché, ils ont vu que j'avais rien à voir avec tout ça, ils ont vérifié mes comptes bancaires, je suis gérant d'une SARL de remorquage, donc je les ai autorisés à rentrer dans mes comptes personnels, mes comptes professionnels, à rentrer dans mes téléphones, à vérifier mes ordinateurs, tout quoi. J'ai signé des documents en leur autorisant tout ça, afin qu'ils fassent bien leur travail. Ils m'ont dit, bah, écoutez, merci de votre compréhension et on vous tiendra au courant. Voilà, de là, donc de là, moi je suis reparti serein, la tête reposée. Donc là on est en mai 2015. Exactement. Et c'est du coup en novembre que tu as de nouveau des nouvelles de ça, le 16 voilà. novembre. Voilà, j'imagine la police débarque chez toi. Ils sont venus, mais manque de bol pour eux et heureusement pour moi, j'y étais pas. J'ai eu de la chance, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir subi la perquisition. Ils étaient venus pour, c'est mon voisin ensuite qui me l'a dit quelques jours après, ils étaient une vingtaine. Ils ont frappé à la porte. Et moi, j'étais chez ma mère dans le 13e. Je passe énormément de temps chez elle. Et donc là, je rentre chez moi. Deux jours après, j'ouvre la boîte aux lettres et je vois une convocation, en fait, pour travail irrégulier. Donc je ne m'attendais pas du tout à l'assignation. Je suis parti là-bas, à la convocation. Je crois que c'était pour un de mes employés. Peut-être qu'il fallait que je justifie avec un document. Et là, non. Là, quatre policiers autour de moi, un, deux, me prend le bras assez violemment. Ils me font monter dans leurs locaux et ils me font attendre une heure sur une chaise. Et au bout d'une heure, un d'eux se présente et me demande de venir signer ce papier, mais sèchement, froidement, sans explication. Et là, franchement, j'étais abasourdi, j'étais sur le choc. Pour moi, c'était une blague. J'essayais de me sauver de tout ça. Et donc ce papier disait que tu étais assigné à résidence. Ah ouais, que je représentais une menace et un danger pour la sécurité, l'ordre public, que suivant les faits mis sur le papier par les notes blanches, les fameuses notes blanches. Alors, les notes blanches, pour préciser, c'est des notes qui sont remplies justement par les renseignements généraux qui sont transmises à la police. Donc c'est par exemple sur une de ces notes que c'est marqué qu'on t'a vu voilà. En bas de l'immeuble de cette personne de Charlie Hebdo alors que tu étais en bas de chez ta maman. Voilà. Et les plus effrayants dans tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que ces notes blanches-là, on se demande est-ce que c'est du travail... Est-ce que c'est du vrai travail rigoureux qui a été fait ou est-ce que c'est juste un amas d'écrits? Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment du grand n'importe quoi parce que s'ils faisaient bien leur travail, ils auraient constaté qu'au mois de mai, j'ai été convoqué à la brigade antiterroriste et que je leur ai fourni tous les documents, qu'ils ont vérifié mon téléphone, qu'ils ont vu que sur mon portable, il n'y avait aucune photo pouvant donner suite à d'éventuels reproches sur, sur que ça soit sur ma pratique ou voilà, sur les accusations. Et donc non, tout ça, ça n'a pas été fait. Ils ont réuni plein de témoins, plein de d'écrits comme ça sur des notes blanches. Concrètement, voilà. L'assignation à résidence, c'était quoi pour toi ? Un calvaire. Alors moi, c'était se présenter déjà au commissariat comme un pseudo-terroriste, comme quelqu'un de dangereux. Déjà, c'est très humiliant à devoir pointer devant tout le monde, en fait, parce que le commissariat, c'est public, c'est pour tout le monde. Donc, j'arrive au commissariat, il disait mon nom. Ah, monsieur Abdelmalek, l'assigné, il est là pour signer devant plein de gens, de Vitry, donc les gens me connaissaient. Donc, on pointe 4 fois par jour. 4 fois par jour, on se fait fouiller de la même façon. C'est-à-dire, on nous voit tous les jours. Et de la même façon, on est fouillé de la tête aux pieds, on nous demande d'enlever nos vestes, d'enlever la ceinture, bref, c'était super humiliant. Et ensuite, on passe à 3 fois. Quand ils se sont rendus compte que le 15 décembre, ils se sont rendus compte qu'en fait, 4 fois, c'était illégal. Donc là, on passe à 3 fois. Il y a eu plusieurs cas comme ça qui sont passés de 4 ah à oui, 3. Ah oui, non, ouais, il y en a ouais, eu plusieurs, effectivement. Énormément. Alors que la loi prévoit 3. Exactement. Et ensuite, on a un couvre-feu. Donc en fait, on n'a plus le droit de sortir de chez soi à partir de 21h. Ça dépend, il y en a, c'était 20h. Voilà, moi, c'était 21h jusqu'à 7h du matin. Et on n'a pas le droit de sortir de la zone de la situation. Donc moi, pour moi, Vitry-sur-Seine, 7 jours sur 7, 24 sur 24, même jour férié, il n'y a pas d'excuses. Et on nous dit, si vous voulez sortir, faites un sauf-conduit. Mais il faut que ça soit vraiment pour une urgence ou quelque chose de vraiment, vraiment important. Toi, ça t'a empêché de travailler, par exemple ? Ah ouais, ben moi, je suis un mec de Paris. Je suis sur le terrain, je fais du commercial. Donc moi, dans mon taf, dans ma société, c'est de chiner les clients, d'aller renouveler des contrats et tout avec tous les autres garages sur Paris. Et là, j'ai été privé de ça pendant 2 mois et 4 jours. J'ai pas pu gérer aussi ma comptabilité, j'ai pas pu gérer mes rendez-vous. J'ai rien pu faire, en fait. J'étais paralysé. Donc ça m'a coûté 3 licenciements. J'ai licencié 3 de mes employés en l'espace de 3 mois. Les mois qui sont venus après, pourquoi ? Parce que voilà, j'ai été éliminé. Et je continue à payer mes charges, je continue à payer tout ce qu'il fallait payer, à assumer la paye des employés, en leur surchargeant le travail aussi. Voilà, ils ont été submergés par le travail. Ils étaient obligés de faire ce que je devais faire moi. Et donc du coup, il y en a qui ont lâché, il y en a 3 qui ont lâché. Après, j'avais plus d'argent pour les payer. Bref, ça m'a assez affecté, on va dire. Cette assignation, elle a duré combien de temps ? Elle a duré les 3 mois de l'état d'urgence ? Non, moi, je me suis pas laissé faire. Donc j'ai commencé à essayer de trouver une sortie à tout ça, à ce cauchemar. Donc j'ai entamé des procédures. J'ai fait appel aux médias, je suis passé sur complément d'enquête le 10 décembre pour prouver mon innocence. J'ai publié un article sur Le Parisien aussi. Et ensuite, voilà, j'ai fait appel à un des grands avocats de Paris, William Bourdon, et qui a su tout de suite commencer à prendre l'affaire au sérieux et à commencer à préparer la défense. Et de là, j'ai gagné devant le Conseil d'État. Le 22 janvier. Le Conseil d'État a levé ton assignation à résidence. Exactement. T'as été le premier où finalement c'est une instance de l'État qui a obligé le ministère de l'Intérieur à annuler cette mesure contre toi. Voilà, c'est ça. On a fourni toutes les preuves. Il y a eu 2 audiences. C'était spectaculaire. Normalement, il n'y a qu'une audience. Là, il y a eu 2 audiences. Le Conseil d'État a obligé le ministère à produire des preuves en plus, ce qu'ils n'ont pas pu faire parce qu'à la base, tout ça, c'était mensonger. Donc du coup, voilà, le juge a fait preuve de professionnalisme et a condamné l'État. On va continuer de discuter de ce sujet et d'analyser un petit peu ce que ça veut dire. Mais avant, on fait une petite pause en écoutant ce qui se passe à l'Assemblée Générale. On est toujours sur la place de la République à Paris. Expulsion des classes populaires, destruction des quartiers populaires par la spéculation. Alors, est-ce que le porteur de cette proposition, mais c'est la commission logement, encore une fois. Donc il y a 2 fois la commission logement. On appelle ça du bourrage des urnes. Il y a 2 commissions logement. Non, mais ça va, c'est une blague. Non, mais c'est une blague. Ne le prenez pas mal. Donc c'est une autre commission logement, c'est ça ? Donc c'est la proposition numéro 6. On va lancer le dé. Ah ben oui. Non mais c'est ce que je suis en train de dire. Juste que je suis en train de dire. Donc il n'y a pas deux commissions logement. Donc cette proposition qui est la même que celle de la commission logement. Enfin, je pense que on va la retirer parce que elle est où la commission logement, s'il vous plaît. Enfin, on va voir avec eux, mais. Qu'est-ce que l'Assemblée en pense ? Pardon ? Moi, je sais pas. Alors, on va faire selon le mode de... Bon. On va le faire passer dans le vote et puis on verra bien ce qui passe. Les personnes pour le fait de faire passer deux propositions de la commission logement lèvent le carton jaune et les contre, le carton rouge. Alors attention, non, on va faire selon le... On va voter ça selon les règles de vote du 33, les procédures du 33 mars, donc qui ont toujours été appliquées. Donc, qui veut prendre part au vote ? Donc, lever les deux cartons. On s'en fout. Qui veut prendre part au vote ? Lever les deux cartons, ça veut dire que vous êtes munis de l'équipement pour prendre part au vote. Donc, ceux qui sont pour gardent le carton jaune brandi. Et ceux qui sont contre, levez aussi en même temps, comme ça on voit la différence, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on dit ? Donc le scrutateur, le veilleur de la procédure du 33 mars, donc on va lâcher le micro, mais on va lâcher le micro, mais donc a priori, moi je serais pour, on va compter. Ouais. Donc les roses en haut, s'il vous plaît. Les jaunes en bas, s'il vous plaît. Vous êtes toujours sur Radio Debout, en direct de la Nuit Debout, depuis la place de la République, où on écoute un petit peu l'AG. Ce soir, c'est une nouvelle assemblée, je le répète. On expliquera tout à l'heure avec quelqu'un de la commission démocratie, mais on est sur le plateau avec Alim, qui a été un des 400 à signer à résidence, et qui a été le premier dont l'assignation a été annulée par le Conseil d'État lui-même. C'est pas le cas de tout le monde. Sur les 400, je le disais, il y a eu 400 assignations à résidence, 4000 perquisitions administratives, pour au final une seule enquête qui concernait vraiment l'antiterrorisme. Toi, finalement, je vais te provoquer un petit peu, tu as été un des chanceux. Ah ouais, avoir cette levée, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu vraiment se défendre. Ah ben oui, totalement. Il y a eu plein de d'assignés qu'ils ont vu leur recours refusé, soit par le tribunal administratif ou soit par le Conseil d'État. Et puis il y a tous ceux qui n'ont pas pris la mesure de comment se défendre pour engager vraiment des poursuites, pour essayer de faire lever, qui ont été dans l'attente. Moi, j'ai travaillé là-dessus pour différents documentaires et j'en ai rencontré plein. Et c'est vrai que toi, tu as eu la force de prendre les choses en main, de rencontrer William Bourdon, qui est quand même un avocat hyper reconnu, etc. Mais oui, en fait, avant tout, déjà, il faut combattre les notes blanches. Comment les combattre, en fait ? Ne pas les croire. Dire tout de suite, non, ça, c'est un mensonge. Parce que le but de ces notes blanches, le but de l'assignation, c'est de nous faire croire qu'on est cette personne-là. Et avant tout, il faut bien s'entourer. Mais malheureusement, on n'est plus entouré. Quand on est assigné, en fait, petit à petit, pendant l'assignation, et ça va très très vite, hein, au bout de 2 semaines, 3 semaines, il n'y a plus personne qui vous appelle. Tout le monde vous délaisse. Bon, après, on leur en veut pas, parce qu'on sait, voilà, il y a une parano qui se crée, il y a une atmosphère de peur qui se met en place. On se dit, c'est l'État, c'est le ministère, les services secrets, la police. Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, bien sûr. Et les gens, après, ils nous voient. Bon, moi, je sortais dans Vitry. Les gens, quand ils me croisaient, ils me demandaient, oui, légèrement, comment ça va et tout, mais sans plus. Voilà, personne ne m'appelait. Et ça, c'est pareil pour tous les autres assignés. Il faut savoir qu'on se retrouve dans une situation aussi où on ne peut plus travailler et on est chez nous. Donc déjà, on nous bloque au niveau de la défense. On ne peut pas se défendre, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller voir les avocats. Et on se replie tous vers quoi ? Vers une peur, vers une parano, vers une crainte. On se dit peut-être si on parle, on va nous faire encore plus de problèmes. Parce qu'il y a cette pression aussi de la police au commissariat. Elle est énorme, cette pression. Parce qu'à chaque fois qu'on vient au commissariat, où on veut demander quelque chose, on nous met une barrière tout de suite. On nous dit non, plains-toi au ministère. Nous, on n'a rien à faire pour toi. Et jamais on nous donne ce petit espoir de vas-y, tu peux te défendre. Non, parce que l'œil du policier, il se braque. il se met en mode accusateur, quoi. Il t'accuse. Il te laisse pas un peu d'humanisme comme ça entre toi et le service de police. Toi aujourd'hui, tu continues de te battre, pas pour toi, mais pour tous les autres assignés. Tu as monté un collectif. Exact. Mais en fait, je voulais avant. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'avant tout, d'abord, je voulais comprendre. Pour pas garder cette colère, je voulais comprendre. Pour pas me faire avoir aussi par ces ressentis qui sont énormes, je voulais essayer de comprendre. À me dire, Alim, est-ce qu'il n'y a que toi qui a été accusé à tort, ou est-ce que les autres assignés, ils sont comme toi? Donc là, il me fallait des réponses. Et ces réponses-là, j'étais obligé d'aller sur le terrain. Donc je ne me suis pas remis dans la vie de ma société, dans le monde, dont j'ai pas repris tout de suite ma vie que j'avais avant l'assignation. Donc je me suis investi, on va dire, auprès des avocats, auprès de quelques associations, auprès de contacts que j'avais, pour essayer de retrouver des autres assignés. Et là, quand j'ai commencé à écouter leur histoire, j'étais choqué. Et surtout leur besoin moral d'abord. Donc il fallait les soutenir, ces gens-là. Donc je me suis autoproclamé représentant des assignés. Voilà, il fallait que je le dise, il fallait que quelqu'un le fasse. Et malheureusement, comme il y avait un creux, un fossé énorme en France pour défendre tout ça, donc je me suis mis en avant. Et de là, en fait, ça a commencé à faire une histoire. J'ai commencé à défendre des assignés, à orienter des assignés vers des avocats, à les aider financièrement, à les aider aussi moralement, en leur amenant aussi de la nourriture, parce que les gars, ils travaillent plus, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, donc il ne faut pas les laisser à l'abandon. Et de là, en fait, je me suis dit, les gens aussi autour de moi, qu'ils ont vu ce combat et cette force, ils m'ont dit, Malim, vas-y, fais une association. Et donc de là, voilà, je l'ai dit ouvertement, même sur BFM, j'ai dit que j'allais faire une association, et là, on est en plein dedans avec des avocats et des autres personnes aussi qui travaillent avec moi. Les gens que tu as rencontrés qui ont été victimes, entre guillemets, de l'état d'urgence, c'est quel profil de personne? Alors là, il y a un panache. Qui, hein. Qui a été attaqué, en fait? Alors, il y a tout le monde. En quelques mots, il y a un gars de la RATP qui est GPSR. Donc, il y a le permis de port d'armes. Un Antillais converti, petite barbe, ça fait 17 ans qu'il travaille à la RATP. Et là, on le licencie, sans commission de licenciement, juste pourquoi? Sur le fait que le ministère a envoyé une lettre de notre blanche à la RATP pour leur dire, cette personne, elle est dangereuse. Et cette personne, elle va se servir, elle va aller chercher des armes au service de la RATP où ils cachent leurs armes. Mais en sachant qu'au service de la RATP, il n'y a pas d'endroit pour ranger les armes. Et après, il y a plein de cas. Il y a un restaurateur, il y a un mec qui dormait dans sa voiture, qui était assigné à Nanterre. Il dormait pendant les 4 mois d'assignation, là où il était assigné, on a réussi à gagner devant le Conseil d'État. Il était assigné dans sa voiture, donc tous les soirs, il dormait dans sa voiture. Les gens, en tout cas, qui ont été accusés, qui ont été assignés à résidence, c'est essentiellement des gens de confession musulmane. Bien sûr, au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas mâcher les mots, hein. Il faut appeler un chat un chat. L'état d'urgence, les assignations, elles ont été ciblées à 90% sur les Français de confession musulmane. Et qu'ils ont soit des signes extérieurs, ou soit peut-être juste quelques connaissances, voilà, des gens qui sont partis étudier, ou des gens qui prônent un islam un peu rigoriste, un peu orthodoxe. Mais voilà, il n'y a rien, c'est que des notes blanches, quoi. Pour toi, ça reflète un certain racisme d'État, où on peut se dire, c'est normal, parce que ceux qui ont fait les attentats se revendiquaient aussi de cette religion. Non, justement. Moi c'est plus... c'est même pas une question de racisme, c'est... Comment dire, il fallait du chiffre. Donc ils ont pris sur le tas, ils sont pas pris la tête, ils ont pris quelques personnes, voilà, donc 400 personnes. Ils se sont dit, on va essayer de faire quelque chose sur eux. Et c'est ce qui a été fait. Donc c'est même pas une question de racisme. Le racisme, il est là. Avec l'état d'urgence, sans l'état d'urgence, il n'y a pas un racisme, il y a une discrimination. Et maintenant, elle est passée sous quoi? Sous le nom de l'islam. Voilà, maintenant, allez, on peut se lâcher, on dit ce qu'on veut. Voilà, lui, il est radical, lui, il est si, elle porte un voile, elle est radicale, elle est sur le point de peut-être partir en Syrie. Donc maintenant, c'est des accusations. Et les médias aussi, ils alimentent ces rumeurs, on va dire, et ils essayent de créer une atmosphère de peur pour mieux contrôler les gens. Donc on n'est pas en mode... moi, je m'interdis de me dire « on nous stigmatise, on... » Non, ça, nous, on a des droits. Maintenant, on va se défendre avec nos droits. C'est ça le but de mon association aussi. C'est le but de ton association. Toi, tu me disais, t'es venu ce soir pour nous, pour la radio, mais t'es aussi venu plusieurs fois ici à Nuit Debout. Qu'est-ce que tu viens voir ici, ou qu'est-ce que tu viens trouver? En fait, j'essaye de... Je suis assez curieux et j'essaye de comprendre. J'essaye de voir où est-ce que ça peut ramener une lutte debout. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'étouffer? Est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? Et quelle est la motivation? Et c'est ça que je veux comprendre, parce que comme moi je suis en train de vivre un combat, et j'ai trouvé une motivation, donc j'ai envie de voir en même temps, j'ai envie de comparer ma motivation avec la motivation des gens de Nuit Debout. J'ai envie de voir vraiment ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont prêts à perdre, qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Parce que dans un combat, ça serait trop beau pour être vrai, mais dans un combat, il faut être prêt à sacrifier des choses. En tout cas, tu penses qu'ici, tu as trouvé des alliés, toi, pour ton combat à toi, ou tu as trouvé des terrains de convergence? En fait, c'est pas des alliés que j'ai trouvés, parce que avec le peu d'expérience que j'ai maintenant, c'est un bien grand mot, les alliés, mais j'ai trouvé quand même j'ai trouvé une convergence quand même. Sur quoi? Sur le fait de que les gens ils se battent contre l'état actuel. Et ça c'est une convergence, ça. Ça c'est vraiment un point qu'on a tous en commun, en fait. Peu importe le domaine dans lequel on se bat, en fait les gens ils sont en train de se battre. Et maintenant, c'est une pierre en plus sur l'édifice. Ça veut dire en s'alliant sur des convergences d'opinion, sur des principes et tout, eh ben on peut essayer de faire changer les choses. Donc c'est pour ça que je suis venu moi à Nuit Debout, pour voir, pour essayer de comprendre et voir vraiment est-ce que les gens ils sont impliqués, ou est-ce que c'est juste comme ça, ça parle et derrière il n'y a rien. Et alors? Ça parle pour terminer. Bon, c'est cru, mais j'ai pour habitude d'être franc, mais pour moi ça parle beaucoup. Voilà, franchement, pour moi, ça parle beaucoup, parce qu'il y a tellement de choses à faire, et je me permets de dire ça avec modestie, mais je suis quelqu'un qui est sur le terrain tous les jours, et j'aime pas dire ça, mais c'est une réalité. À moi seul, déjà, ce que j'ai réussi à faire, je me dis, alors ici, les gens, ils sont 100, s'ils sont 200, s'ils sont 300, qu'est-ce qu'ils peuvent réussir à faire? Et là, il y a un bug, pour moi, il y a un bug, parce que je me dis, moi, j'ai réussi à faire ramener des gens devant les médias, j'ai réussi à faire ramener des gens devant les tribunaux administratifs, à faire gagner ces personnes-là. J'ai réussi à faire gagner, on a réussi, quand je dis j'ai, parce qu'on a décortiqué les notes blanches, on s'est pris la tête, on s'est informé avec les avocats, on a passé des nuits à travailler dessus. Je me déplace sur mon scooter dans toute l'Île-de-France, j'envoie de l'argent pour que les gens qui sont assignés dans le sud de la France et tout, on leur fait faire des sauf-conduits, ils viennent sur Paris, ils viennent devant les avocats, ils viennent préparer leur défense. Donc il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Il y a des filles en ce moment qui sont exclues de leur lycée parce qu'elles ont des jupes longues. Donc pareil, on est en train de travailler sur ce domaine-là. Il y a des femmes, on leur enlève leurs enfants devant le juge des enfants. On est en train de se prendre la tête aussi sur ce combat-là. Donc et on est une petite équipe. Donc je me dis, une petite équipe comme ça, on est des fourmis, des soldats, on réussit à mettre autant de punch. Et sur un combat, je ne sais pas pour dire, mais qui est super difficile, parce qu'on est dans un domaine du discriminatoire, on est dans un domaine qui touche quand même, entre guillemets, l'état d'urgence direct, parce que ça, c'est l'islam, quoi, et c'est la confession qui gêne. Alors là, je me dis, à une petite équipe comme ça, tout ce qu'on a réussi à faire, ces gens-là, franchement, ici, ils se prennent plus la tête, ça peut aller plus loin. Et une petite chose, c'est personnel, faut pas tout le temps cartonner les médias. Franchement, moi, je le dis par expérience maintenant. Ah, tu l'as dit, oui, c'est ce qui t'a sauvé aussi. Voilà, moi, je le dis. Une personne, quand on est sincère, quand on parle de son cœur, quand on n'a rien à se reprocher, quand on est motivé par l'envie de se battre, le média qu'on va avoir devant nous, c'est un être humain avant tout, il a un cœur. Donc ici, on réussit à le convaincre de l'importance de ce combat. Franchement, il va y mettre du sien aussi. Donc les médias, il faut pas tout le temps être là à cartonner les médias, à dire ouais, ils vont changer les choses, ils vont mal former les choses. Non, il faut parler, il faut dialoguer, il faut mettre des choses concrètes. Et là, je crois que ça peut faire changer les choses. Alim, si on veut rejoindre ton association, il y a une adresse, un Facebook, quelque chose. Alors, si on veut soutenir. Voilà, alors là, j'ai fait une page Facebook, elle s'appelle tout simplement Parole d'assigné à résidence sous l'état d'urgence. Et voilà, là, on peut laisser des témoignages, on peut se rapprocher de nous, parce que là, on est en pleine création, justement. La sauce, là, il faut savoir que le monde de l'associative, moi, je ne m'y connais pas du tout. Et donc, on est en train d'apprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps. Mais bientôt, on va mettre une bonne plateforme. Facebook, okay, merci, c'est cool. Beaucoup, Alim, merci d'être passé ici à Nuit Debout. Et on va écouter encore un petit peu l'Assemblée Générale. Éducation, commission citoyenne, commission environnement, développement durable, hôpital, économie et sociale, migration, jardin potager bio, logement, université populaire, etc. etc. Et ça serait une application concrète, en fait, de la convergence des luttes. Donc si ça vous intéresse, on propose une première réunion demain à 19h sur la place pour commencer à rencontrer des gens. Voilà. Et donc l'idée, c'est que ce soit un lieu autogéré par les jeunes, pour les jeunes. J'ai même pas pris 4 minutes. Je suis trop sympa. Bon, alors on va demander à 3 personnes qui sont favorables à la proposition ou 3 personnes qui sont défavorables à la proposition. Trois personnes de venir s'exprimer favorablement ou défavorablement sur la question. Est-ce que vous pensez que cette proposition concerne l'ensemble de Nuit Debout Paris? Voilà, on aimerait 3 pour et 3 contre pour alterner, avoir plusieurs avis. Tu es plutôt pour? Contre? On aimerait des pour? Est-ce qu'on a des pour? Bon bah aucun pour cette proposition, ouais, d'accord, voilà. Pour un autre contre peut-être, pour faire comme ça on a 4 personnes. Bon. Alors j'ai peut-être un peu mal compris la proposition, mais moi, ça me semble être une proposition qu'on n'a pas besoin du tout de voter ici. En fait, depuis le début de Nuit Debout, il y a un principe de qui propose fait. La cantine n'a pas demandé l'aval à l'Assemblée pour lancer ça. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne idée ce que vous proposez. Mais il faut juste le faire. Et... Voilà, on a besoin de Nuit Debout pour le faire, parce que si on lance une campagne de crowdfunding pour récolter des fonds, ça ne tombe pas du ciel et à deux, on n'y arrivera pas. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Oui, mais encore une fois, c'est du qui propose fait. Et moi, je vous invite à vous entourer de personnes qui vont vous aider à faire ceci. Mais en fait, la plupart des cas où il y a eu où ce genre de choses, de propositions ont été faites, tout le monde est d'accord pour le faire, mais il y a très peu de personnes qui vont venir vous aider. Donc là, tout le monde va dire d'accord, mais vous n'aurez pas de personne avec vous. Donc le but, c'est de créer une commission, de vraiment essayer de trouver des gens qui vont venir vous aider concrètement dans votre groupe de travail, de votre commission, et de lancer le crowdfunding. Mais là, nous, on n'a pas besoin de voter là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais il faut trouver les gens pour le faire. Ce qui est différent de être d'accord. Oui, mais ça, après, c'est après. Alors, on va écouter maintenant un plutôt pour. Toi, t'es pour ? Bonjour à tous. Les raisons pour lesquelles je suis pour cette loi, c'est que ces jeunes qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue, ils vont finir où ? Avenue Foch, où on peut retrouver des enfants en train de se prostituer, à voler dans nos magasins pour les enfermer dans d'autres prisons. Je vous demande d'y réfléchir. Des enfants livrés à eux-mêmes, c'est des enfants qui sont en proie à des prédateurs. Et des prédateurs très méchants qui feraient du mal à vos enfants aussi s'ils le pouvaient. Et eux, vos enfants, eux, ils vous ont vous pour vous protéger. Eux, ils ont personne. Alors, on repasse. On va repasser d'abord à quelqu'un qui n'est pas pour, s'il y a. Bonsoir à tous. J'ai pas d'avis sur cette proposition. Je viens d'arriver à Nuit Debout et je voulais juste dire que je trouve que ça piétine et que cette organisation est pas du tout optimale. Et c'est très bureaucratique, c'est très on vote, machin, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, c'était un avis extrêmement intéressant sur la proposition. On est ravis. Mais ça, n'importe quel avis est de toute façon bon à entendre. Je rappelle que quand on demande des pour et des contre, c'est pour s'exprimer sur la question, la proposition qui vient d'être dite. Est-ce que vous pensez que cette proposition concerne l'ensemble du mouvement Nuit Debout ? Même si vous n'avez pas vraiment compris la proposition ou si vous avez un avis sur la proposition, c'est toujours bon à entendre. Donc on passe la parole pour faire un débat et que les gens en discutent. Et si n'importe quelle proposition vous intéresse, évidemment, rapprochez-vous des gens qui l'ont lancé, c'est toujours extrêmement intéressant. Donc, je vais proposer à quelqu'un de pour. Alors, moi, je suis absolument pour. Tous les enfants qu'il y a dans la rue, comme on en voit partout, et qui sont livrés à eux-mêmes, je pense qu'on a besoin, nous, on est tous parents, enfin, on doit tous les entourer, et je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore un contre ? En fait, je ne suis pas contre le fait que la proposition soit amenée ici. Au contraire, je suis plutôt pour. Parce que je pense que c'est un truc très important de créer un centre. Mais je pense aussi que ça nous concerne tous si ce centre est créé au nom de Nuit Debout. Et je pense que c'est pour ça qu'on va avoir le vote tout de suite. C'est pour décider si oui ou non, tous ensemble, on va prendre la responsabilité de créer quelque chose. Et ensuite, il sera débattu pendant une semaine de comment ça va être créé. êtes toujours sur Radio Debout en direct de la Nuit Debout, okay. Place de la République à Paris. Nous sommes aujourd'hui le 69 mars, donc ça fait 38 jours que se tiennent tous les soirs des assemblées générales, assemblées populaires, qui sont organisées par une commission, la commission démocratie. Et il y a avec nous Anthony et Manon. Bonsoir. Bonsoir. Qui sont sur la petite tente de Radio Debout. Et qui vont nous expliquer ce soir ce qui change dans cette Assemblée Générale qui est là depuis 38 jours. Ce soir, il y a un grand changement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Il y a des petits flyers qui s'appellent processus de vote ce soir. Vous êtes venus aussi avec des petits cartons. Les gens dans l'Assemblée Générale ont des petits cartons rouges, enfin roses et jaunes. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Alors ce Manon. Soir, on commence à tester ce processus de vote qui est un processus en trois étapes. Donc la première étape, c'est ce soir, c'est l'Assemblée des propositions. Où on invite toute personne qui le souhaite, à la fois des commissions, des groupes de travail ou des personnes qu'on a appelées propositions libres, à partager une idée, une proposition qui concernerait l'ensemble de Nuit Debout Paris. Donc quelque chose qui est de l'ordre des aspirations du mouvement, des objectifs, des grandes résolutions, revendications. Voilà. Jusque-là, les assemblées ne votaient pas. C'était juste des assemblées de parole. Alors en fait, si, les assemblées jusqu'à présent votaient, mais c'était des votes entre guillemets immédiats, c'est-à-dire qu'il y avait une proposition, éventuellement un petit débat, mais souvent rapide autour de cette proposition. Et le problème, c'est que derrière, quand l'assemblée votait, il n'y avait pas entre guillemets la structure humaine qui permettait que finalement ces votes soient vraiment enregistrés et aient une souveraineté et un impact sur le mouvement dans son ensemble. Donc là, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un système qui justement offrirait une meilleure souveraineté au vote et que c'est un processus effectivement qui se fait plus sur le long terme, sur une durée d'une semaine, pour que vraiment les propositions qui sont faites ce soir n'aboutissent qu'au bout d'une semaine, pour que vraiment il y ait pu avoir un gros débat autour de ça, du travail dans les commissions, dans les groupes de travail, pour que voilà, que ce soit des votes entre guillemets un petit peu plus solides et surtout qu'ils soient garantis, qu'ils aient un enregistrement un peu plus garanti que ce qui se faisait jusqu'à présent. Alors vu que vous faites partie de la commission démocratie et que c'est vous qui... Sur la place. Voilà, donc c'est vous qui participez à l'organisation de cette Assemblée Générale. On va écouter un petit peu ce qui se passe en Assemblée Générale et on va commenter en direct pour que vous nous expliquiez un petit peu, pour ceux qui ne sont pas du tout ici, qui nous écoutent, ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas à commenter, on écoute et on commente. On était 15 à s'être déplacés alors qu'on a fait des annonces à toutes les commissions. Alors là, apparemment, c'est une proposition qui concerne une action et j'ai l'impression qu'elle est très débattue. Et comme exactement comme lundi, on la prend en cours de route, donc c'est compliqué de commenter. Mais... on était moins que les réfugiés et moins que la police. À un moment, vous êtes là pour partir en action. On ne vous jugera pas si vous ne voulez pas être en première ligne. On ne vous jugera pas si vous n'êtes pas là pour vous faire gazer. Par contre, c'est inadmissible que dans un mouvement comme le nôtre, il n'y ait personne qui vienne en soutien. Au niveau du déroulé, simplement, du coup, là, j'imagine que c'est une réponse contre. La parole à une camarade de France Afrique qui s'est fait parquer. Plutôt pour, j'ai l'impression. Ah oui, ce serait un point technique. Ah, c'est un point technique, ok. Donc là, on est sur une prise de parole qui est un petit peu comme tous les soirs, on n'est pas sur une proposition, j'ai l'impression. On dirait, c'est difficile de savoir. En fait, on laisse quand même la place ce soir, même si l'Assemblée est extraordinaire, on laisse quand même la place aux informations urgentes. Apparemment, là, il y a une manifestation contre les opérations militaires françaises en Afrique qui a lieu dans le nord de Paris, je ne sais plus où. Nous avons été nassés, nous avons été tapés, nous avons été gazés, matraqués. Ah, on est plus à l'antenne. Certains d'entre nous ont été arrêtés. Nous avons dû mener une lutte sur le terrain de manière acharnée. Là, de toute façon, c'est vrai qu'un peu de soutien, ça ne fait pas de mal, ça fait du bon au cœur. C'était une manifestation qui, normalement, était lancée par la Commission France-Afrique, parce qu'il y a une Commission France-Afrique ici. On parle de convergence, ça aussi, c'est une convergence. Et la convergence se fait sur le terrain, elle ne se fait pas dans les mots. Il fallait vous faire un point d'information. On sort de Ballard, on devait arriver au niveau du ministère, sur la place Ballard, ils ont refusé. Les CRS nous ont refusé. On avait près d'une trentaine de camions de CRS pour une manifestation qui était déclarée. Et ils nous ont refusé le chemin, ils nous ont refusé l'accès. Et finalement, beaucoup ont reçu des gaz, beaucoup ont reçu des coups pour rien. Ils ont une militante qui était avec nous, ils l'ont traînée par terre, ils l'ont envoyée comme si c'était un sac de merde. Et ça, c'est exactement ce genre de choses qui se passe dans les manifestations pour le travail, contre la loi travail. Et bien ça, on l'a eu parce qu'on dénonce le colonialisme français. On demandait, cette manifestation, c'était pour demander le retrait de l'armée, de toutes les armées françaises du continent africain et que le pire pillage cesse. Parce qu'on ne pourra pas avoir de paix s'il y a du pillage. On ne peut pas avoir de paix s'il y a de l'exploitation. On ne peut pas avoir de paix s'il y a des meurtres, s'il y a des assassinats. On ne peut pas avoir de paix. Et on est toujours en direct sur Radio Debout, on récupère l'antenne de secours, on a un petit problème de connexion internet, mais on continue tout de suite en direct de la place de la République. Et on était donc avec la commission démocratie qui nous expliquait, alors c'est plus la peine de prendre les micros ni les casques, on est juste sur ce téléphone, c'est radio-téléphone. On ne peut plus commenter l'Assemblée Générale comme on avait commencé de le faire avant, mais vous faites partie donc de la commission démocratie sur la place. Ce soir, c'est une nouvelle forme d'Assemblée Générale avec un processus de vote, tu nous disais, qui durait une semaine. Mais ce soir, les gens votent quand même. Est-ce que tu veux nous réexpliquer le processus ? Oui. Alors ce soir, en fait, c'est donc l'Assemblée des propositions. C'est-à-dire que toute personne, nuit debout, que ce soit un membre des commissions ou... quelqu'un qui n'a pas participé jusqu'à présent en commission peut venir faire une proposition, la met dans une boîte. Dans cette boîte, on tire au sort les propositions qui passent à l'Assemblée. Et en fait, l'Assemblée, effectivement, vote, en tout cas s'exprime en disant « Ok, cette proposition-là, je synthétise un peu, mais cette proposition, elle nous intéresse. Nous voulons en débattre et voter dessus à partir de la semaine prochaine. » En fait, c'est une Assemblée qui, entre guillemets, filtre les propositions, dit « Ça, c'est une proposition qui intéresse Nuit Debout. On veut en débattre pendant la semaine. » Nuit Debout Paris, pardon, on veut en débattre pendant la semaine, puis la semaine prochaine, voter et valider cette proposition en disant « Ok, Nuit Debout Paris veut ça ». Donc ça veut dire que là, la proposition est validée en tant que proposition, qu'il va y avoir un débat pendant plusieurs assemblées et que c'est dimanche prochain ou... Samedi prochain. Samedi prochain qu'elle va être votée. Est-ce que vous avez un exemple de proposition qui a été mis en délibération comme ça ? Alors, il y a... T'as des exemples ou pas ? Manon ? Il y a... Ouais, on laisse réfléchir Manon. Il y a plusieurs propositions qui sont venues. Il y a par exemple je sais qu'il y a, il y a la commission langage des signes qui est arrivée avec des propositions, par exemple, pour... alors, je n'ai pas retenu les détails, mais c'est notamment pour améliorer finalement le statut des sourds-muets, notamment, et faire en sorte que Nuit Debout, finalement, mette en avant ces valeurs-là et le statut des sourds-muets qui doit être amélioré. Oui, alors il y a une autre proposition qui a été soumise aussi ce soir et qui a été invitée à se proposer au vote la semaine prochaine, qui concerne le rapport de Nuit Debout aux ressources naturelles et qui proposait que toutes les décisions prises à Nuit Debout soient prises sous le spectre des ressources naturelles disponibles sur Terre. Enfin, je ne sais pas les mots exacts de la proposition, mais ça concernait ces aspects-là. Donc il y a eu pas mal de débats, de personnes qui sont prononcées sur la question. Et notamment le fait que la proposition proposait aussi que les décisions soient faites sous le prisme du bien-être humain. Et donc certaines personnes mentionnaient le fait que le bien-être humain c'est assez large et proposaient que ce soit simplement réduit au prisme des ressources naturelles. Et du coup, les décisions qui peuvent être prises par Nuit Debout concernent Nuit Debout ou concernent tout le monde si l'Assemblée vote la régularisation de tous les sans-papiers par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Si l'Assemblée vote que Nuit Debout doit finalement revendiquer la régularisation de tous les sans-papiers, c'est inscrit comme une revendication de Nuit Debout. Voilà. Ça ne veut pas dire que Nuit Debout forcément va lutter pour la revendication, la régularisation pardon, de tous les sans-papiers. En tout cas, ça veut dire que c'est une revendication de Nuit Debout. Voilà, c'est principalement ça. C'est en gros définir quelles sont les grandes revendications de Nuit Debout. C'est le but de ce processus de vote-là. Mais du coup, est-ce que ça va pas commencer à créer des problèmes, le fait que Nuit Debout prenne des décisions comme ça ? Alors, je pense qu'il y a deux possibles réponses à ça. Déjà, la première, c'est que le processus de vote, on l'a proposé parce qu'il y avait des pratiques de vote qui étaient faites dans l'Assemblée. Et donc, on amène un processus transparent, clair, qui permet de justement clarifier les votes qui sont faits pendant l'Assemblée. Donc, c'est une première chose, c'est un processus qui essaye de clarifier et de rendre plus neutre et d'être dans un processus justement de perpétuelle amélioration des propositions, dans le sens où chaque proposition qui est votée peut être remise en question. Et proposée ensuite lors d'une prochaine assemblée des propositions. Et d'autre part, c'est quelque chose qui revient assez souvent, le fait que Nuit Debout Paris. Il y a beaucoup de personnes qui veulent porter des revendications, réfléchir en tout cas à ce que Nuit Debout pourrait porter. Donc nous, l'idée qu'il y a derrière ça, en tout cas personnellement, c'est pas forcément d'uniformiser tous les propos, toutes les pensées, mais de donner un canal d'expression justement à la multiplicité des pensées et des perceptions et des envies de Nuit Debout. Et voilà, donc les votes qui peuvent être faits, ils ne sont pas forcément dans un esprit d'aplanir absolument tout et que tout le monde soit dans un consensus absolu. Et on est justement en train de réfléchir à la manière dont le processus pourrait évoluer pour mieux percevoir les variations justement au sein de Nuit Debout en termes de support à une proposition et pas simplement avoir un vote oui, non. Et si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'en fait le processus de vote tel qu'on a essayé de le concevoir, c'est un processus de vote qui, enfin le vote en tout cas, ne doit être qu'un des modes d'expression de Nuit Debout. C'est pas le vote avec un V majuscule, c'est pas le mode d'expression avec une majuscule de Nuit Debout, c'est l'un des modes d'expression de Nuit Debout. Ça ne supprime pas les initiatives des commissions pour l'action par exemple, ça ne supprime pas les autres expressions et les autres modes d'expression, c'est finalement un autre mode d'expression de Nuit Debout. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un comité exécutif qui dira à partir de dimanche prochain, ça a été voté, c'est ancré dans le marbre et ça n'a pas pu être négocié, quoi, ou revu. Je vous remercie. Je crois qu'on va pouvoir retrouver notre antenne normale. On a récupéré notre antenne normale. On va pouvoir reprendre. Non. Ah pardon. Je suis toujours là. Ah ouais, encore. Mais du coup, est-ce que les assemblées vont continuer à être libres ou tout va être focalisé? Est-ce que là, vous me dites, ce soir, c'est des propositions, après, c'est des propositions qui sont mises en débat durant toute la semaine, et ensuite, il y aura le... Normal, on a récupéré notre antenne normale, on va pouvoir reprendre les micros, les casques. Ah, pardon, c'est toujours là. Mais du coup, est-ce que les assemblées... continuer à être libre où tout va être focalisé? Est-ce que là vous me dites, ce soir c'est des propositions, après c'est des propositions qui sont mises en débat durant toute la semaine et ensuite il y aura le vote samedi? Alors l'assemblée va être focalisée là-dessus? À ce stade, donc le processus est en trois parties. Il y a celle de ce soir, il y a le vote qui aura lieu donc le 14, et ce qu'on propose au milieu, c'est le mercredi 11. C'est ce qu'on appelle un assemblée consultative qui permettra donc de débattre, d'améliorer les propositions qui ont été faites. Mais sur le reste de la semaine, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour l'instant, le processus de vote n'intervient pas. Après, si des personnes veulent ramener leurs propositions et la rappeler à l'assemblée, ça peut être très intéressant. Mais pour l'instant, donc, le processus est sur une semaine et le débat a lieu principalement en ligne sur question.nuitdebout.fr sur l'onglet 39. Non, j'ai perdu les dates révolutionnaires. 69 mars. 69 mars. Et donc, toutes les propositions qui ont été faites ce soir sont sur ce canal. Et ensuite, la page 75 mars permettra de voir celles qui ont été retenues pour passer au vote le 14. D'accord, mais alors qu'est-ce qui se passe s'il y a une assemblée de vote, ça peut être une ultra-minorité qui est là ce jour-là par rapport au reste des autres jours? Je sais pas si alors, forcément tous les jours les mêmes gens qui sont à l'assemblée. Justement, pour faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse être là, on a lancé le processus bien en avance. On a mis ça en place un samedi après-midi, enfin un samedi fin d'après-midi, en disant que finalement c'est un timing qui permet à beaucoup de gens de se dégager pour venir là. Donc voilà, on essaie de faire en sorte que justement il y ait le maximum de gens qui soient là pour participer à ce processus de vote et faire en sorte justement que ce ne soit pas une petite minorité qui vote. Et il y a une autre possibilité, c'est que un vote qui aura été fait le samedi 14 mai, c'est-à-dire le 75 mars, pourra être, alors ça va pas être forcément facile, mais pourra être dévoté par une assemblée suivante si elle estime que ça a été une erreur de voter ça par exemple. Alors on va repartir tout doucement en Asie, on va rester quand même un petit peu pour que vous nous commentiez un petit peu et puis on va terminer comme ça. On écoute un petit peu l'assemblée générale. C'est pas un 80-20 pour le rouge, donc elle passe en... Là, on est en train de voter le prix du vin, peut-être. Ah, je ne sais pas, probablement. Non, mais là, on est en train de calculer le nombre de bulletins oui et le nombre de bulletins non. Enfin, bulletin, c'est pas le mot, mais de cartons oui et de cartons non. Samedi prochain, vont être réunis sur une page internet et vont être tirés en papier et être mis à la disposition des gens qui veulent les lire. À l'accueil et à la commission démocratie là, sur la place. C'est Mathieu qui est en train d'expliquer justement tout le processus de débat dont on parlait. Les gens tout seuls trouvent des soutiens, en quelque sorte, des aides. Toutes les propositions vont être mises en ligne pour permettre le débat. Et l'idéal, en fait, ce qu'on recherche aussi, c'est que des personnes puissent rejoindre les porteurs de propositions, les aider à améliorer leurs propositions, etc. Sur Internet, à aller voir ce site, c'est question au pluriel En fait, on invite vraiment les gens qui ont fait des propositions à venir sur la place dans la semaine et puis discuter avec le maximum de gens de leurs propositions pour effectivement les faire évoluer. Allez relire les propositions qui vous intéressent. C'est une logique d'impliquer un maximum dans le processus les porteurs de propositions. Les personnes qui ont présenté, leur envoyer des mails. Merci d'être venus en tout cas, Anthony et Manon. Continuez bien ce processus de décision, de vote, à réfléchir tout ça. Et puis on va continuer d'écouter l'Assemblée Générale avec une proposition qui arrive. Merci. Merci à Radio Debout. Alors si les jeunes isolés, le numéro 2, sont revenus, est-ce que vous êtes là ? Ils sont déjà passés, on les a déjà passés. On les a déjà passés. Pardon. Alors... On va passer à la commission qui s'appelle Transparence des comptes publics. Voilà, c'est madame. Je vous rappelle que si vous avez besoin, il y a des petits cartons roses et violets avec des camarades qui circulent normalement parmi vous pour vous en donner. J'invite toutes les personnes qui sont arrivées à se rapprocher. Celles qui ne sont pas encore assises à s'asseoir au fond, car ça permet à d'autres gens d'écouter encore plus. Et donc voilà, je vais passer maintenant la parole à cette dame pour la proposition transparence des comptes publics. Oui, bonjour. En fait, on parle beaucoup de démocratie, mais je pense que la base de la démocratie, c'est que les citoyens puissent gérer leur argent public. Tout citoyen, en fait, a le droit de connaître comment est dépensé l'argent public et comment sa quotité, son assiette est comptée. C'est l'article 14 et 15 de la Constitution. Il n'y a pas besoin de refaire la Constitution. Appliquons déjà tout ce qui se passe. Donc, ce que je propose, c'est que toute commune et collectivité locale doit obligatoirement faire figurer sur son site internet le compte administratif et les budgets annexes des 3 dernières années. Pourquoi ? Parce que un maire, maintenant on élit un maire tous les 5 ans, et puis ensuite à la fin, eh bien, il dit c'est bien ou c'est pas bien, enfin bref. Donc, il ne rend pas compte de son mandat. Normalement, un maire est responsable de la gestion. De la gestion du budget, mais c'est nous-mêmes qui devons décider comment ce sera financé. N'importe quel maire, pour se faire élire, va dire « ben moi, je vais faire une piscine ou un centre culturel ». Et avec la réforme territoriale, c'est très facile parce que ce n'est pas lui qui va payer à la fin de son mandat, c'est la communauté d'agglomération. Donc bravo, monsieur le maire, vous avez fait une piscine, mais ça n'a rien coûté aux gens de la commune. Donc c'est vraiment au niveau déjà des collectivités locales, il est très facile d'organiser des associations qui s'intéressent à la gestion de la collectivité et qui demandent des comptes aux maires. Donc le moyen qui est facile maintenant, c'est que le budget paraisse sur tous les sites des villes et des communautés locales, des collectivités locales. Ça paraît déjà sur certaines villes, par exemple Ville d'Avray ou d'autres villes, ont déjà publié sur leur site les comptes administratifs. Je pense que c'est la base de la démocratie locale. Merci beaucoup. On a une annonce urgente juste avant de vous poser les traditionnelles questions. Bonjour, je suis Dal de la commission infirmerie qui fait partie du pôle sérénité. Je viens prendre la parole en fait en mon nom pour rappeler que tout le monde parle ici de façon très binaire, à savoir homme-femme. Faut pas oublier d'éviter de copier sur la société déjà existante telle qu'elle fonctionne de façon binaire et oublier encore une fois les personnes trans, ça serait cool, tout comme on a essayé de rappeler pour le sexisme, les agressions sexistes, homophobes qui pouvaient avoir lieu sur la place, ben on le rappelle aussi pour la transphobie, ça serait cool de penser aussi à moi et à mes camarades trans, donc déjà d'une part. Un petit rappel aussi sur la commission féministe non mixte, donc à savoir femmes et minorités de genre, donc les hommes cisgenres, donc ce sont les personnes hommes, assignées hommes à la naissance et qui se définissent toujours comme telles. Donc ces personnes-là ne sont pas acceptées au moment de la commission non mixte. Il n'y a pas de souci, on peut répondre à vos questions par rapport à ça, mais évitez de faire du forcing ou de s'énerver autour de la commission féministe. Merci. Merci beaucoup. Donc, du coup, je ne sais pas si vous n'avez pas complètement oublié la proposition d'avant. Ça va. On a tous des cerveaux, des petits bouts de cerveau qui restent par-ci, par-là. Donc, je vais demander, si vous le voulez bien, trois personnes qui pensent que cette proposition semble leur concerne, selon elles, l'ensemble du mouvement Nuit Debout, et à trois personnes qui, bien évidemment, pensent que cette proposition ne concerne pas l'ensemble du mouvement Nuit Debout, si de venir s'exprimer. Rebessage. Donc voilà. En commençant plutôt pour quelqu'un qui penserait que ça ne concerne pas, s'il y a. Sinon, toi, Toussaint, c'était. Bon, on va commencer par Toussaint. Alors. Je crois que. D'accord. La loi du travail, je pense qu'elle est arrivée de nulle part. Et elle est arrivée de nulle part, c'était hallucinant. Et je pense que c'est dû à un gros lobbying. Ce gros lobbying, le problème, c'est que les élus, a priori, ils doivent ramasser de l'argent pour nous proposer ça, en dehors du salaire qu'ils sont censés recevoir. Et donc, la transparence, c'est très important. Ici, à Nuit Debout, on est la politique, la place de la cité, donc la transparence, c'est très important pour nous. Et donc cette proposition de transparence, je pense qu'elle est complètement dans Nuit Debout. Et par rapport à la lutte, c'est si on veut pouvoir lutter contre ce lobbying, c'est d'avoir des outils. Et la transparence, ça permet justement de contrer cette propagande des médias et des politiques. Et donc pour moi, c'est très important de... voilà. Pardon, mais c'est une minute pour tout le monde. Merci, Toussaint. Y a-t-il des gens qui... Oui ? Très bien. Vous écoutez Radio Debout. Radiodebout.net. République. Oui, donc on est toujours avec vous. Voilà. On est toujours sur Radio Debout, ouais, et on reçoit Philippe et Julien et Stéphane qui font partie de la commission LSF Langue des Signes Française qui sont là sur la place depuis 6 semaines maintenant qu'on voit tous les dimanches et on ne les avait pas encore invités sur le plateau de Radio Debout, donc voilà, on est ravis de les accueillir. Donc c'est Stéphane qui sert d'interprète et Philippe et Julien vont signer, donc il y aura un petit peu de temps en fait dans le moment où ils vont s'exprimer entre le moment où vous allez avoir l'interprétation de Stéphane, mais voilà, on est ravis de les avoir avec nous au plateau de Radio Debout. Peut-être est-ce que Lise-Marie, toi tu avais une première question, peut-être savoir, voilà, vas-y. Oui, alors pourquoi vous vous êtes rassemblés ici? Philippe qui vous répond. Au départ, nous on est venus ici par curiosité. On avait entendu. Bon, je suis quelqu'un qui milite depuis très très longtemps. J'avais créé ce qu'on appelle le mouvement des indignés. Je ne sais pas si vous avez donc avec un homme qui s'appelait Stéphane Hessel, donc que vous connaissez bien sûr. Et j'avais eu la chance de le prendre en photo. Et par la suite, j'avais pris d'autres personnes en photo faisant le signe des indignés, c'est-à-dire un peu les oreilles des chiens qui se dressent sur la tête. Voilà, et donc quand j'ai vu Nuit Debout, je me suis demandé au départ ce lien avec cette loi du travail, cette loi El Khomri, au départ je ne comprenais pas, est-ce que c'était ensemble, est-ce que c'était séparé, enfin c'est quelque chose que je m'interrogeais quoi. Donc un samedi, je suis venu, d'abord j'étais seul, et puis j'ai vu une grande affiche, enfin j'avais préparé une affiche avec marqué « Indignez-vous en LSF, indignez-vous en langue des signes française ». Avec donc la photo de Stéphane Hessel. Et j'avais mis un peu partout des affiches faisant la promotion donc, de cette idée d'indignation en langue des signes. Et après, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé « Mais est-ce que tu pourrais pas participer, toi, à l'AG ?» Et par hasard, il s'est avéré qu'il y avait un interprète qui était présent. Il est également ici. Donc il a pu un peu me traduire ce qui se passait au cours de cet AG. Et moi, j'ai pu comprendre, effectivement, face au débat qui s'organisait, face au thème qui était abordé, que vraiment, il était important que nous, la communauté sourde, nous soyons présents pour être entendus, pour participer à ce réveil, un peu une sorte de réveil des sourds, comme... voilà, et pour montrer que sourds et entendants, nous avons aussi une convergence dans les luttes et nous pouvons lutter ensemble. Voilà, donc c'est pour ça, donc après, le samedi suivant, il y a 5 personnes qui sont venues. Voilà, pareil, on s'est assis, on a écouté l'AG, on a regardé un peu ce qui se disait. Et puis, quelqu'un m'a dit, allez, il faut que tu y ailles, il faut que tu prennes la parole, il faut que tu t'exprimes à cet âge. Et là, j'ai dit, moi, qu'est-ce qui est important? C'est la langue des signes et son inscription éventuellement dans une 6e République, une hypothétique 6e République. Et l'inscrire dans le texte pour lui donner une valeur officielle à cette langue. Le souci, parce que nous, les sourds, on a un problème, c'est ce qu'on appelle l'implant cochléaire. L'implant cochléaire, c'est-à-dire un appareillage auditif qui nous permet de soi-disant entendre. Mais en fait, ça ne marche pas. Donc voilà, donc ça c'est un peu tout notre combat, c'est ce que je vais expliquer après par la suite. Et puis donc tout à l'Assemblée Générale donc, a écouté donc, ce discours où j'ai essayé de mettre en valeur cette langue des signes, où je parlais de notre oppression, etc. Et tout le monde a dit, ouais c'est génial, il faut que vous continuiez ce combat. Et c'est pour ça donc, on avait décidé que peut-être il faudrait créer une commission langue des signes française, une commission LSF. Et c'est ainsi que le dimanche suivant, eh ben, on a rameuté un peu tous nos potes sourds et on leur a dit, allez venez les gars, il faut venir. Au départ on venait un peu tous les jours. Et finalement on a décidé que un dimanche par semaine, en lien avec l'AG, donc on ferait une commission LSF, le premier thème étant sur la discrimination. Et il y avait à peu près 70 personnes qui sont venues, je pense, c'est pas mal. Voilà. Et puis petit à petit, donc, bah, ça, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et le groupe a grandi. Et chaque dimanche, donc, on change de thème. Et la commission en langue des signes aborde de nouveaux thèmes en lien avec la surdité, les sourds, la culture sourde, etc. Voilà. Et donc maintenant, il y a à peu près 40 personnes, je pense, qui sont régulièrement présentes. Et toi, Julien, tu es arrivé quand? Comment tu Alors, t'es inscrit Julien, dedans? Écoute, moi je crois que ça fait à peu près trois. Bah, je suis arrivé un peu après Philippe. En fait, bah, tu sais, dans la communauté sourde, il y a des rumeurs, on entend dire des choses à grosse à droite. Donc, par curiosité, je suis venu, comme expliquait Philippe. Et je suis venu, je crois que ça fait à peu près 3 semaines, peut-être 3-4 semaines, à peu près 4 semaines exactement. Et vous vous connaissiez déjà, vous? Oui, oui, non, tous les deux, enfin ça c'est Julien qui vous répond. Oui, oui, nous tous les deux, on est amis depuis très très longtemps, hein. C'est pas une surprise de se retrouver là sur la place de la République. Philippe. Voilà, en fait, tu sais, la communauté sourde, tout le monde se connaît, quoi. C'est petit comme on se connaît comme on est tous amis, enfin c'est petit. Nous, on est à Paris, et, bah, on connaît Paris comme notre poche, on connaît la communauté sourde comme notre poche. Hein. Ça, c'est... Alors, c'est vrai qu'à Paris, la communauté sourde, il y a encore des sourds qui arrivent, mais on connaît quand même pas mal des sourds. Donc pour nous, on a l'habitude, on a vraiment une culture qui est très riche, une expérience également, et c'est pour ça qu'on veut la mettre en avant. Et donc c'est pas étonnant que Julien soit présent et que notre présent soit là. Enfin, on se retrouve toujours un peu tous ensemble. Donc on vous voit le dimanche ici sur la place de la République, il y a des cours, vous donnez des cours de langue des signes. Tout à l'heure aussi je suis passé, il y avait le discours final du film Le Dictateur de Chaplin qui était signé sur la place. Donc il y a tout un. Vous êtes là. Vous êtes sur la place pour vous rencontrer, pour échanger, mais aussi proposer des activités autour de la langue des signes, sensibiliser autour de ces questions-là. Donc c'est vraiment ça aussi l'objectif pour vous en étant sur cette place. Philippe. Effectivement, au départ, nous, c'était vraiment l'AG, hein. C'était le combat. On n'avait pas pensé, par exemple, à créer un stand d'accueil en langue des signes française. Et c'est justement au cours de la commission, quand on a commencé à réfléchir entre nous, les sourds, on s'est dit, bah, peut-être qu'on pourrait doubler notre présence avec une commission en langue des signes et ensuite un stand, on pourrait dire un stand qu'on appellera les indignés en langue des signes ou en LSF, dans lequel on propose des dessins, on propose donc des ateliers en langue des signes pour sensibiliser autour de cette langue, de cette valeur. Informer au maximum, hein, c'est un peu ça notre objectif. J'ai également proposé qu'on fasse des photos, des portraits de différentes personnes avec des slogans, par exemple, qui reprennent un peu tous nos mots d'ordre et nos slogans pour qu'on puisse justement avoir une égalité au sein de la société. Des slogans autour de la santé, autour de l'emploi, autour de la justice, autour de l'accessibilité en général. C'est ça qui vraiment nous importe. C'est un peu le mot d'ordre de base. Voilà. Et puis, il y a des gens qui viennent, mais quand même... Donc ça fait depuis 5 dimanches, comme je disais. Mais c'est pas toujours très clair encore. J'ai l'impression que la sensibilisation autour de la langue des signes n'est pas finie. Et je remarque encore qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Bon, ça marche, mais c'est pas évident, quoi. Tu sais, mais faire changer les mentalités, c'est pas facile, d'où qu'elle soit, hein. C'est pas une critique méchante, hein, mais tu sais, à chaque fois on vient nous dire fais une commission, mais pourquoi faire, voilà. Donc on a besoin, je pense qu'on a le temps de la réflexion peut-être aussi est passé et qu'on aurait peut-être besoin aussi de rentrer plus dans le concret au niveau des actions. On va peut-être repartir du côté de l'Assemblée Générale quelques minutes et on va revenir pour justement parler de ces questions d'action et revenir sur la notion d'accessibilité qui est vraiment très très importante. Est-ce que cette proposition vous semble concerner l'ensemble de Nuit Debout Paris ? Ah, cette fois-ci je pense qu'on a... Votez tous s'il vous plaît, est-ce que tout le monde a son carton ? Non, là c'est clairement... Enfin, il me semble que c'est un... C'est plutôt rose. Hein, c'est un rose, c'est le premier. Donc, évidemment, ça ne veut pas dire que cette proposition est mauvaise. Ça veut juste dire qu'elle ne nécessite peut-être pas un temps long. On a donc madame pour les gens qui voudraient se rapprocher. On a son adresse aussi pour plus tard, on va la mettre. Je pense qu'on n'a pas prévu, mais je pense qu'on ne pose pas la deuxième question du coup, parce que si ça ne concerne pas, logiquement, on n'a pas à l'envoyer. Hein, on est tous d'accord sur ce point-là. Ok, alors à moins qu'il y ait un... Voilà, non, on peut passer à celle d'après, qui serait donc Benoît. Est-ce que Benoît est là ? Bonsoir à tous. Alors, ma proposition qui fait l'effet un peu d'un pavé dans la mare, j'imagine que je ne vais pas faire un grand consensus là-dessus, mais il faut réveiller les consciences, donc qui ne tente rien à rien. Ça consiste à réfléchir et à définir ensemble un moyen d'action qui ne soit pas forcément violent, même si, je l'affirme ici, je suis absolument pour tous les moyens d'action qui puissent permettre de faire trembler les institutions et notamment les moyens d'action les plus violents. La révolution ne sera pas un pique-nique, il faut bien qu'on en ait conscience. Donc j'ai appelé ça boycott de l'élection présidentielle parce que c'est assez facile quand même de considérer que c'est la mère des institutions. Notamment depuis il y a une vingtaine d'années où un cher Premier ministre dit de gauche, déjà Lionel Jospin, a réformé l'agenda institutionnel en mettant les législatives juste après la présidentielle, ce qui fait que l'Assemblée dite parlementaire se transforme juste en moyen d'accepter et de signer le desiderata des présidents de la République qui se succèdent. Que dire d'autre ? J'avais pris des notes. Oui, donc à la Bourse du Travail, il y a encore quelques semaines, si certains étaient déjà là, on était un certain nombre à avoir prêté un serment comme quoi on ne voterait plus jamais PS. Donc j'espère que les gens qui ont voté s'en souviennent et s'en souviendront. C'est à noter aussi qu'on me rétorque quand j'en parle autour de moi que c'est prendre un risque vis-à-vis du Front National et j'en suis bien conscient. La montée du FN est désastreuse, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut savoir qu'elle a bien été orchestrée depuis 30 ans par les deux partis dit de gouvernement qui se succède en alternance au pouvoir, que ce soit le parti dit socialiste ou l'UMP qui est devenu les Républicains. Et depuis une trentaine d'années, pour lutter contre la montée du Front National, on nous appelle au vote utile, donc pour s'assurer l'alternance entre le parti dit socialiste et l'UMP ou les Républicains. Donc je pose cette question et je soumets cette question au débat. Que fait-on pour 2017 ? L'abstention, ça fait peur. Ça peut prendre la forme d'un boycott, ça peut prendre la forme d'une annulation. Je n'en sais rien. En tout cas, je fais appel à l'imagination du plus grand nombre pour soumettre cette proposition. Merci. De retour sur Radio Debout, toujours avec Stéphane, Julien et Philippe. Alors, Stéphane n'entend pas. Ah. De la commission. De la commission langue des signes français, tu entends ? Oui. Alors, on voulait revenir un petit peu sur... Oui, excusez-nous. Voilà. on va revenir. T'as mis une oreille de l'autre côté, c'est trop joli. Merci. Oui, ce que disait Clément, c'est, il vous posait la question, savoir de, vous aussi, de quoi vous aviez envie de nous parler, qu'est-ce qu'il est important que l'on transmette. Et vous aviez évoqué la question de l'accessibilité à l'information et le rapport aux médias, et le fait qu'il y avait très peu d'informations en langue des signes aujourd'hui. Donc voilà, on voulait que vous nous en parliez un petit peu. En, voilà. Effectivement. Alors, je vais te donner un exemple tout simple. Quand il y a eu les attentats l'année dernière, en novembre, enfin, il y en a eu d'abord en janvier, puis ensuite en novembre, on l'a pu voir à la télévision, il y avait effectivement de temps en temps des sous-titres, mais en revanche, il n'y avait jamais d'interprète en langue des signes qui traduisait. Ce qui fait que nous, bah, on ne savait pas ce qui se passait. On voyait des messages sur les portables, on comprenait pas, ça partait dans tous les sens. Et nous, on a vraiment besoin d'une interprétation en langue des signes. Parce que la langue des signes, pour nous, c'est un peu comme vous pour la voix, quoi. C'est notre langue maternelle, c'est notre langue première, et l'écrit n'est pas une langue qui nous permet d'accéder à l'information de façon correcte. Les médias, par exemple les chaînes publiques, mais aussi les chaînes privées, devraient, à mon avis, embaucher des journalistes, par exemple, qui traduisent, qui s'expriment directement en langue des signes. Ça peut, il y en a qui existent, par exemple, des journalistes sourds. Il y en a deux, personnes sourdes, par exemple, qui peuvent très bien traduire, ou aussi faire appel à des interprètes en langue des signes, comme on le voit de temps en temps à la télévision, donc en binôme, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, il y a le journaliste qui parle, et de l'autre côté, il y a l'interprète en langue des signes qui traduit les propos du journaliste. Voilà. Le souci, quand même, c'est que le gouvernement et puis également le CSA, je ne les sens pas du tout motivés là-dessus. Et ils disent simplement, par exemple, dans la charte qui a été mise en place par le CSA, uniquement des sous-titrages. Et il n'y a pas une obligation à une présence d'un interprète en langue des signes, par exemple, lors des événements primordiaux ou vraiment importants comme les attentats, comme il y a eu là récemment. Souvent, en plus, l'interprète, il est de façon microscopique en bas à gauche ou en bas à droite de l'écran. On ne voit rien. C'est très compliqué à voir. Enfin, la langue des signes, c'est une langue visuelle. Hein. Si on ne voit pas l'interprète, ça ne sert à rien de mettre un interprète. Alors, vous avez en plus d'un côté l'interprète qui signe. On ne voit rien du tout. C'est tout petit. Il y a les sous-titres qui défilent à 30 000 km/h. On ne peut pas les lire. Bref, ça ne sert à rien. Donc, l'accessibilité, elle est naze. Voilà. C'est pour ça que nous, les sourds, le monde des sourds, on sait comment il faudrait qu'on se soit fait pour que ce soit adapté. Le problème, c'est qu'on ne pose jamais la question. Donc, c'est toujours très mal fait. Est-ce qu'il y a des pays, d'autres pays dans le monde ou d'autres exemples où, voilà, où y a, ces questions d'accessibilité sont posées différemment, où il y a vraiment un effort qui est fait dans les médias, dans les institutions publiques pour vraiment prendre en compte cette langue qui est votre langue maternelle, qui est la langue des signes? Philippe, oui, par exemple en Angleterre, également aux États-Unis, y a une accessibilité directe à la langue des signes. Je sais que par exemple tous les jours et au moins 2-3 fois par semaine, il y a une heure et demie, c'est pas un journal de 10 minutes, hein, c'est sur un créneau d'une heure et demie, il y a une information entièrement traduite en langue des signes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, quoi, parce que ça donne un confort. Et c'est sur les chaînes publiques, notamment, c'est payé par les impôts. Donc c'est normal, en fait, c'est un service public qui devrait être offert à tous les citoyens. Nous cotisons tous pour des impôts. Il serait normal que nous, sourds qui également payons la TVA, payons des taxes, etc., on puisse avoir un retour sur investissement et pouvoir bénéficier de la présence d'interprètes en langue des signes, notamment sur les chaînes publiques. Comment les gens réagissent à la commission LSF, les gens qui sont sur la place, qui n'étaient pas du tout forcément sensibilisés à cette question-là, quel type d'échange se lit, comment ça se passe depuis que vous êtes là, ça fait 5 semaines que vous êtes sur la place, comment, voilà, quelle belle rencontre vous avez pu faire et tisser. Alors, il y a Philippe. Alors, le problème, c'est qu'il y a effectivement pas mal d'entendants qui viennent ici pour nous regarder. En plus, il y a les interprètes en langue des signes qui traduisent nos discussions de la langue des signes française vers le français. Le problème, c'est que parfois, on a un problème. Par exemple, aujourd'hui, on a oublié de prendre le mégaphone. Donc, évidemment, les interprètes sont obligés de hurler, ce qui leur a tué la voix. Mais c'est pas très grave. Et il y a Julien qui rajoute. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de créer un pont grâce à la présence d'interprètes entre le monde des entendants et le monde des sourds, les interprètes donc qui viennent là, qui sont bénévoles, et donc de créer un lien. Jusqu'à présent, il n'y a pas de lien forcément qui se crée entre la société sourde et la société entendante, entre guillemets, bien sûr. Et là, la présence des interprètes sur cette place de façon ludique nous permet d'avoir vraiment des échanges vraiment intéressants. Voilà. Donc, mais évidemment, ça demande pas mal d'énergie et puis une organisation aussi, parce que le problème, c'est que les interprètes, on n'en trouve pas tout le temps. Et puis également, ils ne sont pas forcément volontaires. Voilà. normalement, ils ne peuvent pas travailler une heure de plus. Hein. Enfin, c'est, là, ils travaillent 3 heures, 4 heures, hein, ce qui est quand même assez, assez extraordinaire. Normalement, ils ont besoin de pause. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que pour nous, c'est quand même l'occasion de rencontrer des entendants et de faire part de nos difficultés, d'avoir un échange constructif, un pont entre deux communautés. C'est des relations humaines, vous savez, c'est tout simple. Il y en a qui vous posent des questions, justement, les entendants viennent... Qu'est-ce qu'ils interrogent, ceux qui viennent Alors souvent, la première question, répond Philippe, la première réponse que l'on donne, enfin la première question qu'on nous pose, c'est comment peut-on apprendre la langue des signes ? Voilà, ça, il y a une curiosité autour de cette langue, il y a une envie, mais et le problème, c'est que pour apprendre la langue des signes aujourd'hui en France, c'est hors de prix. C'est minimum 250 euros par semaine pour apprendre cette langue. Il n'y a pas de service public d'apprentissage de la langue des signes française, c'est-à-dire qu'il n'y a rien n'est fait au sein de la société française pour permettre cette communion entre la communauté sourde et la communauté entendante, puisque les cours sont payants et sont très chers. Quelles sont les prochaines actions alors que va mener ou que voudrait mener la commission LSF dans les semaines à venir pour justement continuer à créer ces ponts et ces passerelles ? Alors bah tiens, Julien, peut-être tu veux t'exprimer là-dessus, sur l'accessibilité peut-être ? Alors Julien, effectivement, nous, parmi les actions concrètes qu'on voudrait faire, bah, on en a parlé justement cet après-midi. Alors, c'est en cours de discussion, puisque vous savez, c'est avec la commission, l'Assemblée Générale, organisation qui valide. Donc on a aujourd'hui présenté notre projet. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bah, par exemple mettre en place la présence de personnes sourdes au sein des services publics qui sont embauchés, qui s'expriment en LSF, ce qui permettra comme ça un accueil pour nous de différents points d'accès en langue des signes française. Philippe, d'année demain, nous allons commencer à mettre en place des actions pour, par exemple, nous allons créer des vidéos en langue des signes française, des petites vidéos, avec des slogans, des phrases un peu chocs, pour donner un caractère pédagogique à notre action, pour pouvoir justement sensibiliser non seulement la communauté sourde, mais également la communauté entendante, puisque ces vidéos se seront sous-titrées et peut-être traduites en langue des signes, autour de, donc, de nos combats. Et puis, Julien, on veut également, dans le cadre de l'accessibilité, donc, comme je l'ai dit, donc, pour les services publics, parce qu'aujourd'hui, les services publics ne sont pas accessibles aux personnes sourdes. Quand on va à la CAF, quand on va à la Sécurité sociale, on ne peut pas rencontrer une personne qui sait signer. On ne peut pas... parfois, les personnes refusent de s'exprimer avec nous dans d'autres moyens, par exemple, par papier, etc. Donc, on n'a pas d'accès à la police, aux impôts. Si, par exemple, moi, je me fais voler quelque chose, je ne peux même pas aller porter plainte. Ou alors, il faut que je passe par le papier, par des phrases écrites. Enfin, c'est très compliqué. Donc, il n'y a aucun accès pour nous dans nos revendications. Également, par exemple, j'étais aux États-Unis il y a quatre mois de cela. Je suis allé aux États-Unis et j'étais donc dans une grande entreprise, je ne sais plus. Et ben, il y avait une réunion, je ne sais plus, sur le football. Il y avait un problème. Donc moi, j'ai dit, écoutez. Et au sein donc, de cette entreprise, il y avait des personnes qui avaient été spécialement formées à la langue des signes américaine, l'ASL, American Sign Language, pour justement permettre qu'il y ait au minimum un salarié qui connaisse cette langue des signes, qui puisse quand même faire un peu le pont, faire une sorte de médiateur ou d'interface avec les sourds. Voilà. Donc moi, quand je vois ce qui se passe en France, je me dis, mais c'est un exemple qu'il faut importer des États-Unis, au sein notamment des services publics, pour permettre que les sourds et les entendants puissent communiquer et que moi, je puisse avoir accès à ce service public qui est financé par nos impôts. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la question du travail, du coup. Oui. Juste pour finir, sur la question du travail, c'est-à-dire, vous faites quoi comme métier ? Comment vous gagnez votre vie ? Alors, Philippe. Pour le travail, comme on est... Ah, mon métier, pardon. Je suis photographe. Auparavant, j'étais comptable, je travaillais dans l'informatique, j'étais technicien informatique dans une société de comptabilité. Mais bon, c'était impossible à gérer parce qu'il n'y avait pas de... il n'y avait aucune communication possible avec mes collègues. J'étais complètement seul et isolé. Et donc, j'ai fait une formation, on m'a proposé une formation qui semblait plus adaptée à ma condition de sourd. Et donc, mais le problème, c'est qu'il n'y avait rien. Je ne pouvais pas évoluer dans mon poste de travail. Rien ne m'était proposé. Il n'y avait aucun contact humain, enfin il ne se passait rien puisque j'étais seul. Bref, j'étais un peu en déprime et isolé et opprimé. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé donc, de changer et devenir photographe. Voilà, et donc maintenant je suis photographe et vraiment ça se passe super bien parce que là j'ai appris les bases de la photographie et maintenant je suis totalement épanoui dans ce métier. Voilà, mais ce qu'il faut minimum, c'est. Ce qu'il faut par exemple dans une entreprise, il faut minimum qu'il y ait deux sourds. qu'il puisse s'exprimer à l'ASF. Sinon, bah, le sourd, il se retrouve seul, ses collègues ne lui parlent pas, ou peu, mais bon, c'est comme ça. Et il est tout de suite isolé. Julien. Alors, moi, je suis dessinateur industriel en projet, fabrique. Par exemple, je fais des plans pour des maisons et qu'ensuite, je donne aux personnes qui vont les construire, tout simplement. Voilà. Il y a Philippe. Voilà. Ce qui est en cours, c'est donc il y a une mise en place. Ah oui, c'est important à dire. C'est ce qu'on appelle un centre relais téléphonique qui a été validé par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Il faut que ça revienne encore à l'Assemblée nationale, c'est pas fini. Ce centre relais téléphonique, c'est une réclamation qu'on fait depuis plus de 10 ans au moins. C'est un combat depuis des années, qui doit permettre d'avoir des interprètes en visio-interprétation, ce qui permettrait, nous, de pouvoir communiquer avec, par téléphone avec des interprètes qui feraient la liaison entre l'extérieur, enfin la personne entendante, que j'appellerai au téléphone, et moi, grâce à la visio-interprétation et des caméras. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de sourds qui sont au chômage, bien évidemment. Voilà, et ça, il y a un problème. On sait qu'il y a un problème en France, un problème d'emploi et de chômage. Et la communauté sourde est encore plus frappée par ce fléau, tout simplement parce qu'on est handicapé et qu'on est rejeté de la société et qu'on a beaucoup de mal à s'inclure dans cette société française qui est très compliquée pour nous. Voilà. Et comme je disais, donc, par exemple, il n'y a pas de sourds à la police, il y en a peu dans les hôpitaux. Voilà. Et à Pôle emploi, il n'y a même pas de conseillers qui savent signer. Alors, on ne peut même pas aller réclamer et demander nos droits. Voilà. C'est toute la difficulté que nous avons. Le souci vraiment majeur, c'est plus de 50% des entreprises préfèrent payer les amendes exactement, plutôt que d'embaucher des personnes sourdes et d'atteindre le quota des 6%. Mais écoutez, merci beaucoup en tout cas Philippe, Julien et Stéphane d'être venus nous parler de tout cela au plateau de Radio Debout. On reste en contact et puis on prendra des nouvelles aussi dans les prochaines semaines. Et on se revoit dans merci beaucoup bientôt. Et bravo, merci pour cette interview et merci et bravo merci, à vous. Merci à vous, on va repartir du côté de l'Assemblée générale. Je vous rappelle que le site que vous faites pour dire. Ça serait dommage qu'il ne la propose pas. Oui, non, pas de. Personne ne connaît Mathieu. À ce moment-là, on la repassera. On va en retirer une autre. Je mets celle-là ici. On ne la lira pas, en revanche, si la personne n'est pas là, je pense, parce que pas la peine de donner de faux espoirs. Donc, est-ce que Gildo est là ? Gildo ? Si Gildo est là, qu'il lève un carton ou la main ? Non ? Personne ne le connaît ? On va en passer à un autre. Ah pardon, je crois que Gildo, il arrive ou pas ? Garde-le dans la main quand même. Ok, alors Léa, est-ce que Léa est ici ? Léa est là. Tu as 3-4 minutes. Bonsoir, je voudrais juste dire que j'annule ma proposition pour une raison très simple. Pour montrer à mes camarades, tous ceux qui étaient aujourd'hui en colère de ce qu'on est en train de faire, comprennent qu'il y a des bonnes volontés, qu'on est tous ensemble, que ce soit dans la lutte sur les barricades ou que ce soit en démocratie, en AG, en vote, en commission, là comme on est en train de le faire, de propositions. Et que tout ça, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Voilà. Moi, j'annule ma proposition pour une raison très simple, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont des choses à exprimer, qui concernent le mouvement de façon générale, et que effectivement, c'est le moment de vous exprimer, et que pour montrer qu'on est un mouvement ouvert, que c'est pas parce que je suis dans une commission que je vais faire ma petite proposition personnelle. Merci. Merci à toi, Léa. Donc, je crois que Gildo arrive. On va pouvoir entendre sa proposition. J'en profite donc pour dire qu'à partir de 22h, il y aura parole libre jusqu'à 23h, qu'à 23h, il a été décidé par les pôles structurels, puisque c'est eux qui ont la responsabilité par rapport à la préfecture, de couper le son. Ça ne veut pas dire que vous devez rentrer, ça veut juste dire qu'il n'y aura plus de sono. Après, chacun est libre de décider ce qu'il fait. Radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, c'est la radio debout. Je regarde, je suis un MacGyver, je fais la lumière. Je crois que je suis sur Radio debout, hein, c'est ça? Et bien toujours en direct de la place de la République, vous venez d'entendre l'AG et là moi je suis avec Malanjo qui est à la commission France-Afrique. Oui, bonjour. Salut. Alors toi aujourd'hui t'es allé à une manifestation qui n'était pas pour fêter le 8 mai, enfin pour un autre 8 mai je crois. Il y a un deuxième 8 mai, donc il y a le 8 mai pour la métropole et le 8 mai pour le, comment dirais-je, pour l'Afrique, pour les colonies. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ce 8 mai et de quelle année ? En fait, pendant que en 45, pendant au 8 mai 45, pendant que tout le monde fêtait la fin de la guerre, l'armée française d'un autre côté est en train de pilonner ses anciennes colonies pour leur faire comprendre que la promesse d'indépendance qu'ils leur avaient donnée, ben voilà quoi, c'était une farce. Qu'elle n'existait pas encore. Non, parce qu'en fait les bon. Je vais dire un truc, peut-être que les auditeurs de Radio Debout vont avoir les poils qui s'irrissent sur la tête. Mais pendant que personne ne voulait se battre contre l'armée allemande et qu'aucun généraux français ne voulait combattre l'armée allemande, il y a un homme qui s'appelle Félix Eboué, en Afrique, a refusé que la France soit soumise à l'Allemagne, a réuni les armées africaines et ont battu les armées allemandes italiennes dans la région de la Libye. Le général de Gaulle est parti en Afrique, a réuni une armée africaine en leur promettant que s'ils se battaient pour la France, les pays africains deviendraient des États indépendants. Ce qui ne s'est pas produit. Voilà, le 8 mai 1945, il leur a dit que c'était une farce. En fait. Et donc vous êtes allé aujourd'hui rappeler un peu ce 8 mai-là au ministère de la Défense, c'est ça ? Voilà, nous sommes allés dire au ministère de la Défense que la seule armée, le seul peuple qui n'ont jamais trahi la France, c'est-à-dire les peuples africains, puisque les peuples anglais ont trahi la France, l'armée américaine a trahi la France, les armées allemandes ont trahi la France, toutes les armées du monde ont trahi la France, les peuples africains n'ont jamais trahi la France, et pourtant les seuls peuples qui ont toujours soutenu la France sont mis en esclavage monétaire, militaire et économique depuis cette fausse promesse en 1945. Donc cette manifestation, c'était pour attirer l'attention sur la situation aujourd'hui en Afrique ou juste une commémoration de ce 8 mai 1945 à l'occasion donc, de plusieurs associations, dont l'UDC, la Brigade d'Antinégrophobie, le LKP. Alors c'est quoi l'UDC et le LKP ? Unité, dignité, courage. Ça a commencé par des Aérois et puis en fait ça s'est sorti avec d'autres personnes. Et donc plein de petits collectifs sont partis, se sont rassemblés pour aller devant le ministère de la Défense et leur dire qu'ils ont une histoire, faut qu'ils s'en souviennent. Enfin, la France a une histoire, faut qu'elle s'en souvienne. Et ça s'est déroulé comment cette manifestation alors ? Alors cette manifestation, nous sommes partis du métro Sèvres-le-Courbe et quelques personnes qui étaient là, donc bon, à la fin c'est une trentaine de personnes, donc on n'était pas des milliers. Les CRS nous ont encerclés et nous empêchaient de commencer la manifestation qui était autorisée pourtant, puisque c'est une manifestation autorisée, d'un point A à un point B. Et donc pour pouvoir démarrer cette manifestation, on s'est mis à faire à marcher au trot, vous savez, un peu comme les vous savez, l'Afrique du Sud, on s'est mis un peu à trottiner. Et donc nous sommes passés et 50 mètres avant la fin avant le point d'arrivée, les CRS ont décidé de bloquer, voilà. Donc vous êtes fait gazer, nasser, etc. Donc ils nous ont dit qu'on ne passerait pas et nous avons montré la feuille d'autorisation. Ils ont dit que c'est pas leur problème, ils ont les ordres que nous ne passerons pas. Et donc ça a été du gazage, des coups de matraque. Et vous n'êtes pas passé. Et pourtant, en parlant de manifestations, je cherche mes mots ce soir, sur la France-Afrique, justement, je crois que François Hollande, quand il était candidat, avait pourtant essayé, avait promis de changer les choses, non ? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que d'autres personnes de la France-Afrique, du mouvement France-Afrique, du collectif France-Afrique, enfin, du mouvement France-Afrique Nuit Debout, pourront vous en parler. D'autres personnes de Nuit Debout pourront vous en parler. Personnellement, je n'écoute plus les hommes politiques, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. D'accord. Et justement, dans la commission France-Afrique, qu'est-ce que vous faites exactement ? Parce que vous êtes là depuis le début, je crois. Oui, ça fait un mois et demi que, qu'on reçoit les Africains, qu'on fait que les Africains se parlent entre eux. On reçoit les Français, qu'on fait que les Français se parlent entre eux. Et qu'on invite les Français et les Africains se parlent entre eux. Que chacun, sans psychologue, même si nous avons pris rendez-vous avec, le mouvement Santé Debout, pour psychanalyser les Africains et les Français, parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai non-dit, il y a un vrai problème entre les Français et les Africains, entre les Français eux-mêmes et entre les Africains eux-mêmes. Et donc, on a demandé à Santé Debout de nous aider à psychanalyser tout le monde. Et alors, qu'est-ce que ça a donné pour l'instant, les premiers résultats de la psychanalyse ? Il y a du pour et du contre, en fait. Certains Africains arrivent en nous disant « Arrêtez de cracher sur la France parce que la France nous a aidés. » Et quand on leur sort leur dossier, ils disent « On ne savait pas. » Certains Français disent la même chose quand on leur sort les dossiers. Bah, soit ils disent « On va vérifier », soit ils disent « Ils nous insultent ». Donc il y a beaucoup de travail. Il y a un gros problème d'information aussi. Bah, tout à l'heure, quand on était en train de discuter, une dame est venue nous voir en disant qu'en fait, elle était venue justement à la commission France-Afrique et qu'elle avait entendu parler de faits et de choses dont elle n'avait jamais entendu parler avant. Oui, parce qu'avant de parler de faits et de choses, on discute avec les gens et on demande aux gens qu'est-ce qu'ils connaissent. Et on amène les gens d'abord à nous parler. Parce qu'on peut pas, nous ne sommes pas des professeurs, nous ne sommes pas des dictateurs de la pensée. Donc on amène la personne à réfléchir et à lui demander après qu'est-ce qu'elle en pense. Et c'est la personne en réfléchissant, toujours, qui se dit « Ah, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça ». Très bien, et ben on va s'arrêter là. Merci beaucoup Malanjo et on va aller faire un retour en AG pour voir justement ce qui s'y dit. Avec un mais, bon vas-y. Je crois que pour certaines personnes, ça... enfin... ouais. Peut-être qu'il faudrait remettre l'explication. Enfin, faut savoir que c'est une proposition d'un processus pour une organisation, enfin, organisation éventuelle du mouvement Nuit Debout, en expérimentation. C'est une expérimentation, donc, un essai, une expérimentation. Donc, il faut pas, enfin, faut essayer, c'est tout, quoi. Je dis juste qu'il faut essayer. Et oui, bien sûr, je suis pour. Et c'est une expérimentation. Il faut le prendre comme une expérience, une expérimentation. Ok, quelqu'un d'autre plutôt qui trouve que ça ne concerne pas tout Nuit Debout ? Est-ce que quelqu'un est plutôt non ? Oui ? Merci. Effectivement, cette question, la question de la capture du pouvoir, c'est une question centrale. Mais pour la travailler, quoi de mieux que de venir dans les commissions, entre parenthèses, démocratie sur la place. Il est d'autant plus qu'il y a effectivement la présence physique, c'est pas évident parce que, comme vous le voyez, effectivement, comme par hasard, les femmes ont moins de temps, donc elles sont moins présentes. C'est une question que les gens de démocratie sur la place se posent sans arrêt. Par contre, il y a des outils numériques qui sont en train de se mettre en place et qui sont vraiment très très chouettes. Donc la question de la capture du pouvoir est une question, mais elle est en fait à expérimenter en travaillant avec les gens des commissions et pas en la remettant au milieu de la place en disant mon Dieu, quelle horreur, Danone. Moi j'en ai un petit peu des outils qui sont chouettes. Je débarque quelqu'un qui parle de l'université du nous, et ça je crois que ça concerne tout le monde. Je voudrais qu'on reprécise en quoi est-ce que cette institution est concernée dans quoi que ce soit ici, parce que si c'était le cas, franchement, ça veut dire que la récupération est en cours, hein, vraiment. Elle est en cours. Alors donc si vous voulez bien, s'il vous plaît, repréciser de quoi on parle quand on parle ici de l'université du Nou. J'étais pas là quand on en a parlé. Ça m'intéresse de savoir et je pense que ça intéresse tout le monde. Attends. Oui, si ça intéresse tout le monde, du coup il faudrait que quelqu'un de l'université du Nou en reparle. Si Gildo ou quelqu'un de l'université du Nou, parce que moi je ne peux pas. Bon, en attendant, on va repasser l'annonce. Si quelqu'un... c'est comment trouver quelqu'un de l'université du Nou pour nous expliquer en une, deux minutes et on va avancer pendant ce temps sur les pour et contre. Alors, Moi, j'ai compris la question, que c'était si on était pour ou contre ce système d'expérimentation. Sur le fond, faire l'expérimentation, ok. Seulement, je trouve qu'un dimanche, quand il peut y avoir les travailleurs qui viennent ici, quand il y a les gens de l'international qui sont ici, qu'il y a des filles qui viennent d'Argentine et Brésil qui voulaient emmener leurs propositions ici, elles n'ont pas pu avoir les paroles parce qu'on n'est pas en AG. On a dû nous expliquer qu'on n'est pas en AG, c'est un truc d'expérimentation. Je trouve vraiment que le dimanche, à cette heure-ci, et d'ailleurs ça se voit, l'Assemblée est super dispersée, enfin il n'y a pas tant de monde que ça, je trouve que voilà, si on veut exclure les travailleurs, on veut exclure ceux qui... Je ne comprends pas par rapport au thème du week-end. Voilà, je ne comprends pas pourquoi on fait ça à cette heure-ci. On peut le faire soit plus tard, soit on peut le faire en semaine. Mais en tout cas, ça ne doit pas être le truc clé de Nuit Debout. Nuit Debout, ça doit être actif, ça doit être mouvant, ça doit suivre l'actualité, les actions qui se font, ce que les commissions ont travaillé. Ça ne doit pas parler tout le temps d'organisation. On n'est pas en technocratie, c'est mon avis. Voilà. Ok. Et donc, évidemment, on prend en compte, puisqu'on est des deux côtés, on prend en compte toutes les critiques, on les note, mais venez aussi nous les dire en direct ou nous les envoyer pour qu'on n'en oublie pas non plus et qu'on ait des réponses, en fait, puisqu'on a certaines réponses à ces questions-là, même si ce n'est pas pour dire qu'on a raison, mais pour dire comment on en est arrivé à choisir le dimanche, par exemple. Radio Debout, sous la bâche, sur la place de la République. Alors, il faut savoir qu'on ce soir se termine le week-end global Debout, qui était un appel donc à l'international. C'est-à-dire qu'il y avait des gens venant de l'Europe entière qui sont venus pour partager leurs expériences, leurs savoirs, et donc apporter un peu de l'eau au moulin des Nuits Debout. Autour de la table avec moi ce soir, il y a Alexis, Élise, qui donc sont... plus ou moins proche de la Commission internationale, mais aussi Ramon Adey Argiles, qui est sociologue et politologue à l'Université de Madrid et qui est venu en tant que sympathisant de la lutte pour nous offrir son regard sur les choses. Peut-être qu'on peut commencer donc avec vous, Alexis et Élise, et que vous nous racontiez un peu qu'est-ce qui s'est passé à Global Debout et quelle conclusion, quel savoir est-ce qu'on peut en tirer. Oui, bonsoir. Tout d'abord, préciser que Global Debout, c'était pas que ce week-end. Global Debout, c'est un processus qui se déclenche ce week-end avec une rencontre internationale dans laquelle on a fait un appel aux étrangers, un peu du monde entier, à venir se rencontrer sur la place pour divers motifs, pour échanger, pour préparer la deuxième partie du Global Debout qui aura lieu le 15 mai à l'occasion de l'anniversaire des mouvements des indignés en Espagne et qui tentera justement de manière simultanée occuper des places partout dans le monde. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est venu? C'est un peu difficile d'évaluer, mais oui, il y a quand même les gens pas mal répondu à l'appel. On pense qu'en 200 personnes ont dû venir, ou peut-être plus. Est-ce que tu peux nous citer les pays où ces gens sont venus et peut-être les mouvements auxquels ils appartenaient? Pas forcément les mouvements, parce que j'étais tellement dans la coordination de tous les ateliers que je ne sais pas exactement de quel mouvement ils venaient, pas forcément. Les pays, c'était les gens que moi j'ai rencontrés, ils venaient de Grèce, de Hollande, d'Angleterre, d'Allemagne, de Belgique, du Luxembourg, d'Italie et d'Espagne principalement, si j'oublie pas. Ouais. Et qu'est-ce que c'était que ces ateliers alors? Les ateliers en fait, ils ont été divisés en deux jours et en deux parties. Étant donné qu'un des objectifs était vraiment d'échanger sur le plan physique, en se rencontrant les uns avec les autres, on a d'abord le samedi, on l'a axé sur des ateliers dans lesquels on réfléchissait aux différents modes d'action. Pour la transformation politique et justement le point était vraiment d'arriver à discuter autour des faiblesses et des points forts de ces différents modes d'action. Du coup on a fait toute une méthodologie en divisant par modes d'action qu'on appelait de résistance qui sont plutôt du type de la grève, la manifestation, modes d'action qui passent par la proposition d'alternatives au système, mode d'action qu'on a appelé de incidence plaidoyer dans la mesure où il se cadre un peu dans une tentative d'apporter des propositions législatives au cadre déjà établi pour les améliorer ou pour changer, transformer radicalement, mais dans le cadre législatif. Et le dernier était vraiment centré, il était beaucoup plus pratique sur des termes de stratégie globale et communication dans les réseaux. Ça, c'était la journée du samedi. Et la journée du dimanche, elle était plutôt axée vraiment sur la préparation du 15 mai, c'est-à-dire du global debout, de l'occupation des places simultanées dans le monde le dimanche prochain. Alors, qu'est-ce que ça va être, cette occupation des places simultanées ? Bah, c'est justement ce qu'on vient de préparer pendant les ateliers d'aujourd'hui. Il s'agit, l'objectif de créer cette journée était, on s'était rendu compte que finalement ce qui s'est passé pendant les 6 dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans différents endroits en différé, et que du coup on pourrait penser que ça vient de choses différentes, tous ces mouvements. Et on s'est dit, pour gagner de la visibilité, de la légitimité, il faut vraiment qu'on simultanise tous ces mouvements, et on va créer une journée pour le faire. La problématique un peu avec laquelle on a dû faire face, c'était à faire un truc quand même qui visibilise qu'on fait partie de la même chose, mais qui soit pas très complexe et pas très particulariste, c'est-à-dire qui arrive à fédérer toutes ces villes. Donc il fallait faire vraiment en sorte que ce soit un truc très simple, et quitte à chacun dans chaque ville de, en parallèle, faire d'autres actions. Et toi, Élise, il me semble que tu as travaillé sur l'action qui était celle du boycott, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Comme disait Alexis, il y a eu différentes propositions de fêtes. Je pense que tu reviendras peut-être dessus, mais par exemple, l'idée, c'est qu'à l'heure locale, à 20h, heure locale de Paris, avec des ajustements dans chacune des autres villes, il y a un même mouvement qui sera fait, qui sera de se lever tous ensemble. Donc ça, c'est une action sur le court terme pour le 15 mai. Et il y avait cette proposition de Global Debout, de réaliser aussi, ça c'est un autre outil d'action qui est global, qui est le boycott. Et moi en fait je suis juste une spectatrice qui a participé juste durant le moment du débat sur pourquoi boycotter et surtout comment et quoi. Donc de façon générale l'idée c'était de faire un mouvement avec un boycott qui dure sur le long terme pour que l'action globale elle soit pas juste éphémère. Et donc ce qui avait été décidé par Global Debout c'était d'avoir un boycott qui commence le 15 mai, où il y a une cible qui sera définie durant une semaine, et chaque semaine il y a une nouvelle cible qui se rajoute. Donc c'est-à-dire qu'on continue le boycott qui s'est fait durant la semaine précédente, mais elle se rajoute. Donc après, l'idée de l'atelier c'était de débattre de ça, quelle cible, etc. Donc l'envie c'est que le boycott il s'inscrit dans une lutte plus générale des façons de consommer, de produire, etc. Il y avait cette envie de vouloir par exemple boycotter les supermarchés de façon générale, mais il y avait cette envie aussi de ne pas avoir seulement le boycott qui dit non, mais aussi un boycott qui propose des alternatives. Pas être juste dans le non, mais aussi une proposition autre. Donc par exemple, privilégier des petits épiciers à un supermarché. Voilà, exactement. Donc ça, c'était une première proposition. Après, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que finalement, pour que ce soit efficace, facile à faire au niveau global, fallait partir de façon progressive. Donc en fait, c'est un boycott qui va se faire de façon progressive. Donc ce qui a été décidé, c'est qu'il y a déjà un mouvement qui s'est monté à Madrid, je crois, qui s'appelle Coca-Cola para luchar ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être que Ramon... Et l'idée, c'est de partir de ce mouvement-là pour la première semaine. Donc c'est-à-dire que le 15 mai, il y aura un mouvement qui se définira, qui est No Coca-Cola. Et en fait, qui s'inscrit dans la mise en place d'une blacklist, où en fait, qui va être décidée de façon participative. C'est-à-dire que chaque semaine, les personnes, il y a une plateforme internet qui va être mise en place, où les gens vont pouvoir faire des propositions de nouvelles marques qui pourront être identifiées, et les gens pourront donner leur accord ou pas. Et la marque qui aura reçu le plus d'accords sera la nouvelle marque qui sera boycottée. Mais après, l'idée, c'est aussi de pouvoir communiquer sur pourquoi cette marque-là. Donc il y aura un communiqué chaque semaine qui sera réalisé sur pourquoi cette marque est boycottée, quelle est sa conséquence sur le système actuel, et avec toujours cette envie de proposer des alternatives associées. Donc si jamais on boycotte je sais pas, Danone ou Nestlé, déjà savoir pourquoi, le rendre visible, et aussi proposer des alternatives, parce qu'il y a des alternatives locales ou d'autres modes de communication, de consommation qui peuvent être mises en place. Merci. Justement, Ramon, là, notre Élise vient d'évoquer le boycott de Coca para luchar qui est parti de Madrid. Vous êtes ici donc, en tant que sociologue, mais aussi en tant qu'Espagnol. Oui. Donc on sait qu'en Espagne, il y a quand même un mouvement de Los Indignados qui a beaucoup fait parler de lui, beaucoup inspiré le mouvement Nuit Debout aussi. Quel regard est-ce que vous portez sur ce qui se passe ici? Bonsoir. C'est très intéressant tout le processus qui a commencé ici le 31 mars et on suit de l'Espagne tout ce processus parce que réellement il y a des choses en commun, beaucoup de choses en commun aussi, le style propre de chaque pays, non? Mais c'est intéressant voir le moment où les gens trouvent la convergence de lutte par des problèmes en commun, non, pour vaincre l'état de choc de la crise, pour vaincre l'état de choc de l'état d'émergence, etc. Il y a franchement une situation où la politique, le système se ferme en soi-même et les gens se rendent compte qu'ils ont beaucoup de choses en commun, qui ne peuvent pas être divisées en portions, les conflits en portions, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. En le cas espagnol, bon, on est maintenant en une campagne électorale, alors c'est une situation un peu spéciale, on va attendre qu'est-ce qui se passe le 26 juin, mais pour l'instant, on est très encouragé de voir Global Debout qui commence, ce n'est pas une révolution d'un jour à l'autre, c'est un processus long de coordination globale où les gens prennent plainte de voir que le gouvernement ne gouverne pour les citoyens, ne gouverne pour les personnes, gouverne pour eux, pour les marchés. Le coup d'État à l'Europe de l'OTTIP. En Espagne, on a eu avant un coup économique aussi, changeant la constitution pour avant tout payer la dette aux entreprises, à l'Europe, etc. Alors c'est franchement encourageux voir que les gens prennent conscience de que nous sommes beaucoup avec des problèmes communs et qu'on en a marre, en parlant franchement. Et justement, vous qui êtes professeur de sociologie, est-ce que vous voyez un peu dans quelle mesure aussi est-ce que ces alliances peuvent se faire? Parce que de façon internationale, par les réseaux sociaux, les gens bougent. Comment est-ce qu'on peut s'allier? Ouais. Bon, c'est triste de voir que dans les démocraties, il faut retourner à la proto-démocratie. Commencer avec les assemblées, commencer, mais c'est nécessaire. C'est triste comme paradoxe, je dis, non? Parce que les démocraties, il faut les construire, mais après, ce n'est pas seulement blablabla ou gna gna gna. Les démocraties, il faut les défendre, il faut les donner vie chaque jour. Et maintenant, les gens ont vu qu'ils sont ségrestés, pris pour les bureaucraties, pour la corruption, pour les intérêts qui ne sont pas les intérêts des personnes. Et les personnes, maintenant, découvrent avec ce processus très simple que c'est parler, avoir le droit à parler, avoir le droit à se mobiliser, à prendre plainte, à dire ça, on en a marre, ça c'est pas possible, ça vous ne gouvernez pas pour nous. Alors il faut changer le langage, décodifier tout le langage bureaucratique qu'on a eu pendant beaucoup d'années et qu'on a affaibli la masse critique des citoyens. Une situation d'impotence, de craindre qu'on ne peut faire rien, qu'on est les coupables de la crise, les gens qui travaillent tous les jours, les gens qui sont au chômage, non, qui disent ben, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est un état d'urgence mondiale en certaines mesures, parce qu'il y a un changement de système global. On ne peut pas continuer comme ça. Ça, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas d'un jour à l'autre. C'est un processus, mais très intéressant, parce qu'il part de la base. Il recommence de nouveau. Et ça, c'est ce qui est joli et que tu donnes de l'espoir aux gens, non ? Pour que la jeunesse ne reste seulement en voyant que tous les droits qui ont conquis les grands se perdent simplement. Il faut travailler pour 600 euros le moins et que le futur est catastrophe. Non, il ne faut pas tomber dans le désespoir. Il faut prendre autrefois l'autostime des citoyens, non ? Voir qu'on peut faire des choses, on peut changer, premièrement personnellement, après en groupe, après au village, au district, et global, non ? Et bah, c'est ça intéressant. Et ben bah voilà, bah écoutez, merci beaucoup. Un changement global, hein, c'était le... Peut-être que pour finir, tu veux peut-être ajouter quelque chose rapidement. Ouais, je voulais rajouter que finalement, du coup, par rapport à l'action du 15 mai, ce qui a été décidé, c'est assez simple. C'est à tout le monde, dans toute la ville, on occupe les places. Il faut revendiquer l'occupation d'un lieu, de l'espace public, comme si on revendication en soi-même. Deuxième chose, revendiquer l'assemblée comme mode de participation. Et donc, du coup, il y a une demande pour que tout le monde fasse une assemblée dans tous ces endroits. Et troisièmement, il y a une action symbolique qui va être mise en place, c'est dont Élise parlait avant, c'est à 20h, dans toutes ces villes, on prétend que tout le monde se mette à genoux pendant une minute pour juste après se mettre debout. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup, merci Élise, merci Alexis, merci Ramon. Merci vous. Et on va retourner justement à l'AG, écouter là où se fait cette proposition démocratique. Onze jaunes et 30 roses. Un quart, donc ça passe. Ok, donc on l'entoure aussi. Bah voilà, on a été au bout des. On en a fait 2 x 6 et 1. Donc je vous rappelle surtout. Les proposants, il faut que vous vérifiez bien, nous on est en train de vérifier, que vous aviez laissé, que vous avez bien laissé vos coordonnées. Ça c'est très important, parce que vous allez recevoir un code pour pouvoir mettre votre proposition sur la page question, au pluriel, pointnuitdebout.fr. Nous pendant ce temps, s'il vous plaît, il faut qu'on récupère les cartons, parce que ça coûte de l'argent, et que plus on doit en refaire, et plus ça vide notre caisse. Donc, en deux mots, et après on passe à la parole libre, en deux mots, tout va se trouver à partir de demain sur la page question@nuitdebout.fr avec un slash 75 mars. C'est là où vous retrouverez les, je crois qu'il y en a à peu près 12 ou 13. N'hésitez pas à aller mettre vos avis pour les gens qui vont travailler pendant une semaine. Je vous le redis, n'hésitez pas à aller au rendez-vous des commissions quand c'est de commissions, ou de vous rapprocher des gens, soit parce que vous avez été d'accord, soit parce que vous n'avez pas été d'accord, pour les aider à finaliser. Parce que comme ça sera un vrai 80-20 le jour de la décision, il faut vraiment que les choses soient bien travaillées pour qu'elles puissent passer. Et deuxièmement... si vous avez la moindre question sur les adresses internet, sur où trouver les informations, aussi bien en papier, parce qu'on a en papier, que sur internet, vous pouvez vous rapprocher de l'accueil dès demain. Vous pouvez nous envoyer un message à nous, commission sur la place, ou aller sur le wiki, ou aller sur Facebook. On va essayer à chaque fois de donner la même adresse, qui est question@nuitdebout.fr, avec un onglet en haut, 75 mars. Toutes les questions qui n'ont pas été posées, on avait comme principe de vous les lire, mais il y en a plus de 25, c'est plus d'une minute. Je pense que ce qui serait beaucoup plus simple, c'est que les gens qui les ont mis dans la boîte les rajoutent sur question@nuitdebout.fr, et nous, on va garder les papiers qu'on va mettre dans un classeur pour que les gens puissent les lire. Et puis, vous pouvez les reproposer si jamais on garde ce processus. Bien sûr, vous pouvez les reproposer. Je redis une dernière fois, parce que autant le répéter. Ce processus 1 est un test, et 2 n'exclut absolument pas une autre façon de voter tous les soirs pour des choses qui ne nécessitent pas une semaine de discussion. C'est pour ça qu'on a un peu insisté sur la façon de poser la question. Ce sont 2 processus différents pour des propositions de nature différente. Voilà, ben, merci à tous. On repasse donc, oui, on repasse en assemblée populaire classique avec des prises de parole. On a besoin de volontaires parce que les équipes de modération aujourd'hui ont été mises. On a travaillé pendant 4 heures, donc là, il va falloir qu'on reprenne un petit peu notre salive. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble de faire facilitateur, chronomètre, même modération, si quelqu'un se sent d'essayer, c'est le moment. C'est pareil, c'est pas seulement qu'on a besoin de gens nouveaux, c'est qu'on a envie en fait que des gens se disent tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire un de voir de l'autre côté comment ça se passe. Peut-être que du coup demain vous aurez envie d'aller en réunion de modération pour dire mais moi je trouve que ça se passe pas bien. Et puis voilà, comme ça que les choses tournent entre les groupes de travail pour éviter aussi le voilà. Donc est-ce que quelqu'un se sent de venir nous aider s'il vous plaît? C'est pas compliqué. C'est pas s'il vous plaît d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que quelqu'un a envie de venir ici faire facilitateur, facilitatrice, chronomètre? Ouais. Super. Même modérateur hein. Et même modérateur ou modératrice, c'est pas la radio reste debout. Le principe là c'est qu'il va y avoir des paroles libres, on prend des tours de parole. Ouais. Super. La nuit est tombée sur la place de la République. Nous avons allumé notre petite lumière rouge qui est posée au centre de la table avec un joli régime de bananes. Il faut savoir qu'à Radio Debout, on mange beaucoup de bananes parce que la banane, ça rend content. Voilà, autour de moi, autour de la table, près de moi, il y a Deli, Gonzalo et Carla qui nous viennent du Chili et qui sont là ce soir pour discuter avec nous de la situation au Chili. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que vous êtes là et pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Et bonsoir, je suis franco-chilienne. Ça fait longtemps que je suis là, mais je suis là pour vous féliciter d'abord pour cette grandiose idée, pour ce moment formidable qui nous arrive, mais pour aussi dire qu'il y a dans des peuples très lointains des gens aussi qui sont décidés de se mettre debout. On vient ici pour parler d'un problème très important qui vient de passer au Chili. Chili, qui c'est le berceau du néolibéralisme. Chili, nous on vient ici aussi à vous dire, à vous alerter, que ce qui passe au Chili va arriver ici si on se met, si on continue pas debout. Si on ne se met pas debout. Parce que Chili, ça a installé un système où tout est vendu, tout savon, tous ces marchandises, la santé, l'éducation, la retraite, l'eau, toutes nos richesses naturelles. Aujourd'hui, il vient d'arriver une grave tragédie écologique. Parce que dans le sud du Chili, une archipel qui s'appelle Chiloé, où ils font le cultif de saumon qu'ils cultivent en piscine. Et ils sont versés, il y a eu des plaies, il y a eu des infections de ces poissons-là. Donc il y a eu 9 000 tonnes de poissons versés, contaminés, versés dans les plages en face de ces archipels. Alors peut-être pour revenir, parce que tu nous as dit plusieurs choses là, tu as commencé en nous disant que vous venez pour nous alerter, pour nous dire qu'il fallait continuer à être debout parce que au Chili ça n'allait pas aujourd'hui et notamment parce que c'était un pays où tout se vend. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un pays où tout se vend? En fait le Chili est le berceau du néolibéralisme. Depuis la dictature de Pinochet, on a installé le système capitaliste néolibéral au Chili, donc étudié et conçu par l'école de Chicago, les Chicago Boys. Et le Chili, c'est le laboratoire de ce système économique et politique, idéologique. Et donc c'est là où on a fait toutes les réformes de base pour installer le néolibéralisme. Et c'est au Chili que Reagan et Thatcher sont allés en 89 pour regarder comment fonctionnait le modèle néolibéral. Donc aujourd'hui, cette grande tragédie écologique qui s'est passée à Chiloé, c'est pas quelque chose de dû au hasard ou juste conséquence d'un mauvais traitement des saumons, c'est quelque chose de systémique qui fait partie de tout le modèle. Donc c'est pour ça que Nelly, je pense, disait qu'il faut regarder avec attention ce qui se passe là-bas, car c'est en train d'être installé aussi en Europe. le système néolibéral depuis déjà une dizaine d'années, pas mal. Peut-être que tu peux nous expliquer justement comment est-ce qu'on arrive à cette catastrophe écologique. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système de pisciculture des saumons pour qu'au final on ait 9000 tonnes de saumons contaminés qui arrivent dans l'océan? Oui, en fait ça appartient déjà à la mer, elle est privatisée, les eaux sont privatisées, ça appartient en gros à cette famille les plus riches du Chili, et il y a beaucoup de pisciculture dans ces îles-là, l'archipel de Chiloé et au sud notamment. Et il y a... Les pêcheurs sont affectés, les cadres. Oui, il y a toutes les familles de pêcheurs sont atteintes par ce problème. Et donc le problème, c'est que ces poissons étaient morts à cause d'une maladie qui est due au traitement intensif de saumon. On les nourrit avec de la farine de poisson, d'autres poissons qu'on tue pour nourrir les saumons, qui sont en grande partie exportés en Europe. Et ça, c'est des saumons qui sont, c'est des poissons qui sont pas élevés dans la mer libre, donc qui sont élevés dans des bassins. Oui, dans des bassins, tout à fait. Oui. Et en plus, on les bourre d'antibiotiques. Et on les nourrit avec des merdes, quoi. Et puis, les 9000 tonnes ont été jetées au large. Et ensuite, il y a eu une grande catastrophe. Et en fait, depuis ce qu'il disait Nelly tout à l'heure, depuis même février, il y a eu des morts de baleines en masse. 300 baleines qui sont allées mourir sur les plages, sur les côtes de Chiloé. Et aujourd'hui, il y a 10 jours, il y a eu des fruits de mer, des poissons morts en énorme quantité qui étaient dans les plages, et du coup il y a des oiseaux qui sont morts, il y a une mortalité énorme de la faune. Oui, c'est vraiment une catastrophe énorme. Alors, et puisque vous dites que la mer est privatisée, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui sont des petits pêcheurs? J'imagine que dans ces archipels il y a quand même beaucoup de populations de pêcheurs. Comment est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles ont le droit d'aller pêcher? Est-ce qu'elles doivent... Comment est-ce que ça se passe? La mer, elle était privatisée. Il était vendu à des grandes entreprises multinationales. Elle a été vendue par le gouvernement. Par le gouvernement, par tous les gouvernements qui se succèdent, avec des lois de pêche, avec une loi de pêche dans laquelle les députés, les sénateurs, ils ont été achetés par ces mêmes sociétés. Ils ont financé leur campagne. Donc c'est une loi qu'ils ont fait pour des multinationales, dans laquelle les pêcheurs artisanaux, ils ont laissé un espace infime. Infime, par exemple, les gens de Chiloé, ils ne peuvent pas aller pêcher un peu plus loin. Donc, ils ont laissé une place infime pour que les pêcheurs ils pêchent... Au niveau de leur zone de pêche, ils ont le droit qu'à une certaine distance au-delà des côtes. Voilà, au-delà des côtes, très infime, très petit. Et il faut savoir que pour un kilo de poisson, pour un kilo de saumon, qui s'est fait dans ces piscines, il faut 3 kilos de poissons natifs, poissons de pays, qui sont riches, sont excellents, 3 kilos de crustacés pour nourrir, pour faire la farine. Ils ont fait des industries de farine pour faire la farine, pour nourrir ces poissons-là, qui en réalité les Chiliens ne consomment pas beaucoup, c'est pour la transporter, en Europe. Ces poissons qu'on mange ici, qu'on achète ici, et qui ont fait vivre ces grands multinationales en nous vendant des poissons infectés. Parce que Chili, les règles qui sont dictaminées en Europe, ils ne sont pas respectées. Chili, c'est le pays, c'est le verso du néolibéralisme. C'est-à-dire que c'est les industries qui commandent. S'il faut faire passer telle loi, le gouvernement fera passer telle loi, c'est ça? Oui, c'est privé. La chose positive, c'est les mouvements sociaux qui se réveillaient à Chiloé. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ça un peu? Oui. Et beaucoup récemment, la rue s'est fermée. Les passages dans la île s'est fermé. Et les pêcheurs, toute la population s'est rassemblée et s'est manifestée au contraire. Mais aussi, il y a beaucoup de médias qui sont associés au duopolio, qui en Chili, les médias sont les deux, Copesa et le Mercurio. Le Mercurio, c'est collaboratif, c'est collaboré beaucoup sur la dictature de Pinochet. C'est ça, c'est connu pour toute l'Amérique latine, pour tout le monde, et que le Mercurio et Copesa sont de la classe politique, des gouvernements. Et sont stigmatisés tous les temps, les mouvements en Chili. Ça, c'est un peu, comment on dit, c'est c'est pas bon pour réfléchir sur comme la société, c'est pas comme apporter à les débats. Et mais aussi les personnes, réveiller les propres médias, prendre la roue et manifester la colère. Parce que c'est, déjà, il y a beaucoup de choses qui s'est passé chez Loé, les malls, les centres commerciaux. Et les personnes disent non, mais ils s'installaient aussi. Donc les gens résistent. Le peuple chilien manifeste son opposition. Surtout dans cette région. C'est une région très pauvre, avec presque la plupart des pêcheurs. Ils résistent. Ils sont fermés l'archipel. Ils sont fermés avec des barricades. Donc le gouvernement, ils ont envoyé la répression. Ils ont envoyé des camions lance-bombes, des lacrymogènes. Ils sont arrivés par hélicoptère. Les pêcheurs, ils ont arrêté ces hélicoptères. Et c'est pareil. Ils ont été jusqu'à amener à jeter des bombes lacrymogènes dans les petites maisons des pêcheurs. Donc c'est un problème de répression. Une répression très très forte. Peut-être ils ont mobilisé des troupes depuis la capitale pour les amener à Chiloé en fait. Et elle en est où cette lutte en ce moment justement? Est-ce que c'est en train de se passer en ce moment? Il est en train de se passer en ce moment qu'on parle là. Il y a eu une négociation parce que le gouvernement, qui est complice de ces crimes, ils disent que c'est le changement climatique, que c'est la faute de Niño, de la marée, qui c'est la marée rouge. Mais en fait, non, ces poissons-là, ils ont été infectés. Il faut savoir que Chiloé, ce n'est pas une zone de pêche de saumon. Ils n'existent pas à Chiloé. Mais ils ont instauré ça là-dedans. Les œufs, ils partent d'ici d'Europe, de Norvège. Ils partent d'ici, ils les font grandir dans des piscines dans le sud du Chili. Ils ont exterminé toute la richesse. Toutes les autres poissons. La biodiversité, ce qui existait déjà. Maintenant, ce n'est pas seulement la pêche, c'est aussi l'eau. Parce que l'eau, elle est privatisée au Chili. L'eau douce. L'eau potable. Elle est privatisée et les grands actionnaires de l'eau, c'est Suez. Une compagnie Suez Environnement. Une compagnie française. Cette Suez Environnement, il est propriétaire de tout l'eau au Chili. On a des graves problèmes de l'eau potable. Ils ont une filiale au Chili qui s'appelle Aguandina. Aguandina, on vient de découvrir qu'Aguandina a financé des campagnes, des députés pour faire passer leurs lois, pour vendre l'eau. Ces sociétés-là, ces compagnies multinationales, ils ne payent pas des impôts au Chili, comme ils ne payent pas ici en France. Mais au nom de la France, ils vont expolier d'autres pays. Et ces richesses-là, ni c'est ni pour le peuple français, ni c'est pour le peuple chilien. Donc c'est parce que cette lutte, cette guerre qu'il y a en ce moment, c'est mondial. Il faut qu'on sache, il faut qu'on fasse tout pour continuer debout. Et pour que dans chaque coin du monde, les gens ils se mettent debout. C'est pour ça qu'on vient nous, parce qu'on est heureuse, qu'ici vous soyez debout, et que loin d'ici, à kilomètres d'ici, dans des petits villages, les gens ils sont décidés aussi de se mettre debout. Je voudrais juste rappeler, aujourd'hui on a fait un rassemblement ici à Nuit Debout entre 18h et 20h, on était une cinquantaine de personnes, donc on a lu les revendications des pêcheurs, et l'une des revendications les plus importantes des communautés des pêcheurs organisées là-bas, c'est la dérogation de la loi de pêche qui favorise toutes les grandes entreprises. Et aussi dire que ce qu'on peut en faire en France, si on veut aider à peu près cette lutte, c'est ne pas consommer les saumons venus du Chili, généralement étiquetés comme venus de Norvège, parce que ce que disait Nelly, c'est que les œufs partent de Norvège et puis on fait grandir les poissons là-bas et du coup, il y a l'étiquetage norvégien. Donc on appelle à ne pas consommer ces produits venus du Chili et, et voilà, et à vous informer le plus possible. Eh ben écoutez, merci beaucoup, merci à tous les trois d'être venus nous parler de cette lutte. Et on va retourner faire un petit tour à l'AG. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci. Donc, merci à toute l'équipe de la radio. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il disait qu'en gros, les gens devaient se coucher par terre pour que ces casseurs se fassent interpeller. Non, mais on est dans quel monde, là? Enfin, dans le monde de Valls ou dans le monde de la nuit debout? Enfin, j'aimerais bien savoir à un moment, quoi. Donc, faut vraiment se mettre d'accord sur le fait qu'on n'a pas à condamner les méthodes d'action des uns et des autres. Certains prônent l'action directe, on n'a pas à la condamner. Certains prônent l'action pseudo-pacifiste ou pacifiste, hein, je veux dire, à partir du moment où vous ne vous battez pas, pacifiste, si vous voulez. Mais on n'a pas à la condamner non plus. C'est-à-dire que ce que vous appelez les casseurs, moi ce que j'appellerais les gardiens de la démocratie ou les gardiens de la République, ne contestent absolument pas ce genre de mode d'action et nous pensons que c'est absolument interdépendant. Donc je vous demande de respecter les choses et d'arrêter de raconter n'importe quoi. Pour ceux qui racontent n'importe quoi, bien sûr. Merci. Au revoir. Merci. Alors, c'est au tour de Edouard, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous. Alors, moi, j'aimerais, réveiller vos oreilles, parce que des cris d'alarme, il y en a beaucoup dans le monde, on pourrait en citer plein. Les cris d'alarme du peuple africain, saigné à blanc. Les cris d'alarme chez nous, de nos agriculteurs, de nos marins-pêcheurs, de tous les corps de profession, notre classe moyenne, dont je ne fais pas partie, qui est saignée à blanc, notre argent à tous qui part dans les Panama Papers, qui veut défendre celui qui crée l'alerte, de notre argent à tous qui paierait la dette de la France. Qui est prêt à se lever, à se battre pour lui, qui vous amène la preuve qu'on vous vole, qu'on... Putain, mais votre oreille... Réveillez. Merci. Je vais redemander à la majorité des personnes de s'asseoir et si ce serait hyper sympa d'avancer, parce qu'on se sent un peu seul et on préfère être avec vous. Merci. Alors là, j'ai une démonstration de comment s'asseoir avec classe. Voilà, on plie, hop. Voilà, merci, c'est sympa. Alors. Donc c'est au tour de Emmanuel, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tous, donc c'est la dernière fois que je prends la parole ce soir parce que je l'ai beaucoup prise. J'ai deux choses à faire, un avertissement et une question. Un avertissement personnel, les méthodes staliniennes ont toujours cours. Mes camarades ouvriéristes sont déjà en train de raconter que tout à l'heure j'ai dit que le colonialisme on s'en fout. À tous ceux qui répandent ce genre de rumeurs, je le dis, j'hésiterai pas à les attaquer en diffamation parce que je ne cède plus aux méthodes staliniennes. Je ne plaisante pas avec ça et je n'hésite pas à le dire. J'ai plus confiance dans l'ordre bourgeois que dans leur sens de la justice. Non, deuxième chose, voilà, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez être une force politique? Comment vous pensez qu'on se constitue en force politique? Est-ce que c'est seulement en suivant des mots d'ordre? Est-ce que vous pensez qu'être une force de révolution, c'est la même chose qu'être une force révolutionnaire? Est-ce que vous pensez qu'on peut obtenir une victoire contre la loi El Khomri et que demain, on ait une loi El Khomri 2? Voilà. Merci. C'est qui? Hein? Alors, ce sera au tour de Olfi, s'il vous plaît. Alors, merci. Oui, bonsoir à vous. Je sors un petit peu du sujet, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait... Aujourd'hui, on célèbre le 8 mai. Le président de la République a été l'arc de triomphe pour poser une gerbe et ceci, cela. Je voulais vous rappeler que le 8 mai 45, des jeunes garçons pleins de force... qui ont fait confiance à l'État français. Ils ont été donc enrôlés dans des régiments et ils étaient toujours les premiers dans les combats. Quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont aperçus que leur frère a été tué par l'armée française, leurs cousins, même des fois leur père. Et ils sortaient simplement ce jour-là, 8 mai 45, à Sétif et à Guelma, simplement pour fêter la victoire, parce qu'ils étaient aussi des acteurs de cette victoire. Et vous connaissez l'histoire, ça s'était terminé par un massacre, pour ne pas dire presque un crime énorme qui a été commis. N'oublions pas, malgré les dénégations qu'aujourd'hui le pouvoir français veut dire, que la révolution algérienne est ceci ou est cela, je vous rappelle simplement... C'est la première révolution en Afrique. c'est une révolution qui a éveillé toute l'Afrique. Et tous les révolutionnaires, que ce soit américains, sud-américains, africains, dans Mandela et tout ça, ils allaient en Algérie. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. On ne peut pas oublier des morts comme ça. Il faudra qu'un jour ou l'autre, on fasse l'histoire de ça. Merci, merci monsieur. Je vais appeler Kader, s'il vous plaît. Merci. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. J'aurais pas mieux fait que mon prédécesseur par rapport à la question du 8 mai 45 à Sétif, Galma et Kherata en Kabylie. Bon, mais je suis venu pour parler d'autre chose, puisque chacun parlera de choses. Et moi, je reviens à ce qui nous préoccupe ici et à la loi travail, la loi El Khomri, cette loi pourrie, qui nous pourrit la vie et que nous devons complètement, tout à fait abattre. Et je rappelle à cette Assemblée Générale ce soir que depuis le début, depuis le 31 mars, nous avons dit que nous irons devant l'Assemblée Nationale, nous nous coucherons s'il le faut devant l'Assemblée Nationale, que nous irons interpeller tous les députés dans leur circonscription en leur disant que si jamais ils votaient cette loi, eh bien, qu'on va leur pourrir la vie. Bon, et je vous assure que ça va être bientôt. Et je pense qu'il va falloir commencer. Et moi, je dirais à tout le monde d'y aller là, dans la région parisienne, à vos députés qui sont élus actuellement. Moi, dans ma circonscription, c'était le Front de Gauche avant. Et dans la dernière législature, c'est le PS. C'est M. Bachelet, pour ne pas l'appeler, et qui a dit ouvertement à l'Assemblée nationale qu'il allait voter cette loi. Alors, moi, je demande à tous les gens, à tous les chômeurs, étudiants, travailleurs, actifs ou non actifs, d'y aller en délégation et d'aller occuper justement la permanence de ce député du député de leur coin et de lui dire « Si jamais tu votes cette loi, on saura de toute façon si tu l'as votée, on te cassera la gueule et que tu ne seras pas élu l'année prochaine. » C'est l'année prochaine. Voilà. Voilà, on ne dira pas qu'on va boycotter d'emblée comme ça. On sait que ce ne serait peut-être pas le PS qui va passer, mais s'il passe ou s'il passe ça, on s'en fout. Mais de toute façon, il faut leur dire maintenant que de toute façon, ces députés-là qui nous ont baisé la gueule, excusez-moi l'expression, l'année dernière, enfin il y a quelques années, et ben, l'année prochaine, ils ne l'auront pas. Si la loi Khomri, elle passe, ils ne l'auront pas. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à vous inscrire pour un tour de parole, plutôt que de crier, parce que nous, on ne vous entend pas. Merci. Alors, je vais appeler tous, s'il vous plaît. Tous ? Tous, pardon. Désolée, excuse-moi. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Je voulais parler, en fait, en réaction à personne qui était là et qui parlait... du fait qu'il fallait un petit peu agir contre les violences policières, parce qu'on ne peut pas rester comme ça à ne rien faire. Je comprends bien que les gens qui n'en ont jamais vraiment subi pensent que c'est que de la violence gratuite, mais quand on est quelqu'un qui l'a vraiment subi, c'est un petit peu c'est pas pareil, parce qu'on ne se réveille pas de la même manière le matin. C'est-à-dire qu'on a des difficultés à fermer ses lacets, on a des difficultés à prendre sa douche, on a des difficultés, et c'est de la pure violence gratuite policière. Maintenant, je comprends bien qu'il y ait des gens qui fassent la confusion entre les casseurs et d'accord, peut-être qu'il y a des casseurs, et j'en suis pas certain, mais pour moi, c'est des gens qui réagissent à une violence qui est gratuite. J'étais tout à l'heure à Ballard, j'ai vu quelque chose d'inouï. J'ai vu des femmes tomber, j'ai vu des coudes qui saignaient, j'ai vu des trucs atroces, j'ai vu des gaz partir de partout. Et j'ai vu une trentaine de manifestants pacifiques qui se sont fait charger par peut-être 80 CRS sans pitié, d'une violence inouïe. Je suis choqué, je vous le dis en toute sincérité. Et donc, le fait de rester pacifique et ne faire que... Non, moi, je propose qu'on leur fasse front pacifiquement. Front Je propose qu'on leur fasse front et qu'ils vont pas croire qu'ils vont nous faire peur comme ça. Ils m'ont enlevé un bras, ils peuvent m'enlever l'autre. Voilà. Bravo. Merci. Merci. Alors, c'est au tour de Mamadou. Mamadou. Ouais. Merci. Du coup, moi, j'ai participé à l'AG avant et je voulais revenir sur une chose que la commission média a exprimée lors d'un point technique. C'est vrai que la diffusion du message de Nuit Debout est une chose sur laquelle on doit se focaliser. Parce que se focaliser là-dessus, sur le message qu'on veut transmettre aux autres, c'est-à-dire se focaliser sur le socle démocratique, le socle de valeurs qu'on a. Voilà. Et je pense aussi qu'il faut faire de Nuit Debout une entité qui peut s'exprimer d'elle-même via plusieurs canaux avec un message univoque. De la même manière qu'on fait des points techniques ici, qu'un individu vient s'adresser à l'ensemble de l'AG, il faut qu'on soit capable ailleurs, via d'autres moyens, de faire la même chose. Donc ça passe par les médias et la communication. Ensuite, je voulais revenir sur une proposition que Reggiano Regalo, je crois, a fait de l'Assemblée constituante, parce que je le vois aussi comme une priorité. Il faut que cette semaine, on améliore vraiment cette proposition qui a été faite, donc je vous invite à aller sur, encore une fois, question avec un s.nudebout.fr, parce que c'est la seule proposition qui nous fera vraiment avancer dans la construction de notre démocratie et qui nous permettra de nous intégrer tous ensemble autour d'un but commun et majeur dans un processus, encore une fois, démocratique que nous voulons perpétuer à travers le temps. Voilà, merci. Merci. Je vais appeler le comité international. Radio. Voilà, nous sommes toujours en direct de la place de la République. Ça m'a fait vraiment énormément. Alors, je suis avec Inès, à ma droite. Bonsoir. J'ai beaucoup de son dans les oreilles, mais c'est normal. Ok, ok. Tout va bien, tout va bien. En fait, Inès participe à la commission prison qui se tient place de la République. Un instant, s'il vous plaît. Moi, j'entends rien. Voilà. Et donc, on accueille Inès ce soir. Excusez-moi, j'ai un petit problème de casque. En fait, je voulais juste lire ce petit texte avant que les casques fonctionnent normalement. Nous parlons d'humanité, il parle de texte de loi. Nous parlons de besoin de communiquer, de discuter, de se rencontrer. Eux parlent de sécurité et d'isolement. Ils font leurs lois, ils créent des systèmes de contrôle qui naissent des besoins de réprimer les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est la machine qui s'alimente elle-même. C'est en nous menant à bout et en créant des tensions qu'ils justifient leurs dérives sécuritaires et répressives. Donc Inès, là, en fait, j'ai lu un extrait d'une lettre qui a été donc publiée le mercredi 4 mai 2016 dans un journal que tu peux peut-être un petit peu nous raconter. Solidarité avec les femmes en lutte à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et donc vous vous rassemblez sur la place par rapport à la commission prison. Et également, il y a eu deux rassemblements qui ont été faits devant la prison de Fleury pour soutenir les femmes en détention. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelque chose sur la commission et sur ce rassemblement, s'il te plaît? Oui. Alors, je vais commencer par le début, c'est-à-dire que... Moi, je participe un petit peu à une émission de radio qui s'appelle L'Envolée. C'est une émission anticarcérale qui diffuse sur Fréquence Paris Pluriel tous les vendredis de 19h à 20h30. Et donc, ce collectif de L'Envolée, il rédige aussi un journal qui est en gros un outil pour passer les lettres, les paroles des prisonniers, pour les diffuser entre eux, pour pouvoir échanger et pour pouvoir raconter les conditions de vie et les luttes à l'intérieur des prisons. Donc c'est un outil pour les prisonniers. D'échanges entre l'intérieur et l'extérieur et d'échanges entre différentes personnes incarcérées dans les prisons. Et donc il se trouve qu'il y a un mois, au début du mois d'avril, donc on a à l'envolée, on a reçu des lettres de prisonnières politiques basques qui sont incarcérées à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, où donc elles racontaient les nouvelles conditions de vie qui sont imposées par l'administration pénitentiaire depuis le mois d'avril. C'est de nouvelles conditions très restrictives. Ils sont en train de mettre en place un régime disciplinaire sous prétexte de la mise en place d'un nouveau logiciel qui s'appelle Genesis. C'est un logiciel de contrôle des détenus, un logiciel national en fait, qui est censé contenir toutes les données de chaque prisonnier depuis leur parcours. C'est un truc parcours individuel en plus. Voilà, c'est un suivi individualisé des prisonniers, mais depuis leur condamnation, depuis leur incarcération, enfin voilà, qui comporte, c'est ça leur condamnation, les modalités de la détention et les modalités de sortie. Et donc, sous prétexte de la mise en place de ce logiciel et aussi sous prétexte de uniformiser les conditions de vie pour les hommes et les femmes, parce qu'il faut savoir que la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, c'est un complexe pénitentiaire immense, donc où il y a un centre pour mineurs, un centre de détention pour mineurs, une maison d'arrêt des hommes, c'est une des plus grandes maisons d'arrêt d'Europe, et la maison d'arrêt pour femmes. Et donc, ils veulent uniformiser les conditions de vie pour les uns et les autres. Et donc, sous ce prétexte-là, ils ont cassé ce qui était déjà en place, donc un système de 2 promenades par jour, pour le remplacer par une promenade unique, alternée en fonction des jours pairs et impairs, une le matin et une l'après-midi, et en supprimant 1 heure de promenade. Donc, jusqu'à présent, il y avait 3 heures de promenade. Maintenant, il n'en reste plus que 2. Il faut savoir que ces 2 heures, elles intègrent aussi les mouvements, donc c'est-à-dire les mouvements, le temps où les femmes sont sorties de leur cellule, accompagnées jusqu'à la cour de promenade, etc. Donc ce qui fait qu'à la place des 2 heures, elles se retrouvent avec 1 heure et demie de promenade, en fait. Et donc ça, c'est le plus gros changement, celui qui est le plus nuisible, le plus néfaste. Mais à côté de ça aussi, ils ont également supprimé 2 jours de parloir. Donc jusqu'à présent, il y en avait 5, ils en ont supprimé 2, donc il n'en reste plus que 3, lundi, mercredi, samedi. Et puis pour finir, ils veulent aussi restreindre l'accès à la salle de sport. Cet aspect-là, il n'a pas encore été mis en place parce que justement, depuis le 3 avril, donc il y a des mobilisations à l'intérieur de la prison. Donc les femmes, en gros... Ces femmes basses qui sont incarcérées, qui ont alerté aussi sur ce... Voilà, elles ont écrit... c'est elles qui ont signé les lettres, mais elles ont écrit aussi au nom des autres détenus, puisque c'est un mouvement... toutes les femmes sont concernées par les luttes qui ont été menées à l'intérieur. Enfin, toutes les femmes ne se sont pas mobilisées, mais une grande partie, quoi. Des femmes, en bloquant les cours de promenade, c'est-à-dire en refusant de réintégrer leurs cellules à la fin du temps de promenade, par exemple, en refusant des plateaux repas, en signant des pétitions. Il y a eu des pétitions signées par 100 femmes, par exemple, ce qui est interdit, théoriquement, tout ça, par l'administration. C'est réprimé, en fait. Qu'est-ce qui se passe derrière pour elles? Est-ce que ça les empêche de sortir après, du coup? Qu'est-ce qu'elles... Donc il y a eu 3 premiers jours de mobilisation début du mois d'avril. Au bout du 3e jour, l'administration a commencé à convoquer les femmes une à une et à les menacer de transfert disciplinaire, par exemple, de commission disciplinaire, c'est-à-dire avec un risque de mitard, de confinement. Donc le mitard, c'est le cachot à l'intérieur de la prison. Et également de suppression de remise de peine. Donc, remise de peine, en fait, c'est des choses qui permettent de d'écourter la peine, quoi. Ou alors encore de menaces sur leur affectation pour les femmes qui sont condamnées pour de longues peines et qui doivent être transférées en centre de détention. Parce que la maison d'arrêt, c'est que pour les courtes peines ou les personnes qui sont en attente de leur condamnation. Alors vous, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Comment vous êtes constitué? Cette commission, elle a quoi comme lien avec ce qui se passe à l'intérieur de cette prison? Moi qui suis aussi à l'envolée, enfin qui participe pas complètement mais un petit peu, quoi. Je passe souvent à cette émission. Je viens aussi régulièrement sur la place de la République. Et il se trouve qu'au même moment, j'ai entendu parler la création d'une commission contre la prison qui a été annoncée en Assemblée Générale. Et donc je me suis dit, c'est génial, quoi. Et j'ai essayé de les contacter, je me suis renseignée auprès de l'accueil, etc. Et donc j'ai rencontré cette commission et puis on a discuté. Eux, visiblement, de leur côté, ils avaient déjà, en assemblée, lu la première lettre qui était parue sur Internet, sur le site de Paris Lutte Info. Et donc ça tombait à pic, parce que qu'on avait l'idée un petit peu d'organiser un petit rassemblement devant la maison d'arrêt pour soutenir les femmes. Et voilà, et l'idée de la commission à ce moment-là, c'était de relayer la parole des détenus aussi au sein de la Nuit Debout. Et puis de voir comment il était possible de faire participer aussi les détenus à la Nuit Debout, quoi. Enfin, jusqu'à présent, ça ne s'est pas trop mis en place, cet aspect-là. Mais en tout cas, de relayer la parole des détenus et de construire aussi un discours anticarcéral ici dans le mouvement, quoi. C'était un petit peu les premiers objectifs de la commission. Et vous êtes combien dans cette commission et qui est-ce qui l'a rejoint? Parce que moi, la dernière fois, les personnes que j'ai rencontrées étaient assez jeunes. Oui. Du coup, et après, je ne connais pas leur parcours, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont sur le terrain depuis longtemps qui vous rejoignent? Est-ce que, parce que toi, tu es assez jeune aussi. Non, mais comment vous en êtes venu là? Toi, tu en es venu là comment, en fait? Comment tu t'es retrouvée à l'envolée? Comment tu t'es retrouvée à t'intéresser à la question des prisons? Qu'est-ce qui mène quelqu'un vers cet endroit? Alors, en ce qui me concerne, je connaissais depuis... Ça fait au moins 10 ans que je connais l'émission de l'envolée. Parce que je suis un petit peu... Je participe aux luttes. Je participe à des luttes. Je milite depuis longtemps et puis il se trouve que je me suis retrouvée moi-même en prison, incarcérée pendant un an à peu près. Et donc j'ai connu le milieu carcéral, j'ai rencontré des gens, des femmes avec qui j'ai noué des liens d'amitié et qui durent encore. Quand je suis sortie de prison, c'était en préventive, j'ai maintenu ces liens, notamment en visitant des femmes au parloir que j'avais rencontrées, des amis, quoi. J'ai continué à écrire parce qu'on écrit beaucoup. Maintenant, il y a de plus en plus de téléphones qui rentrent dans les prisons, mais jusqu'à présent, pendant longtemps, c'était très très. C'est toujours réprimé, évidemment, mais bon, ils ont du mal à contrôler ce truc-là, quoi. Et donc le courrier, c'est une des bases, quoi. En fait, on n'a que cet élément-là de lien avec l'extérieur et même entre personnes incarcérées dans différents centres pénitentiaires. Et donc voilà, je suis sensible à la question carcérale. Enfin, je suis contre les prisons, je lutte contre les prisons. Et puis pour maintenir le lien entre les personnes incarcérées et puis l'extérieur. C'est important. Et ça, du coup, par rapport à ça, parce que tu disais que vous tentiez de créer un lien entre l'intérieur et l'extérieur, donc par le biais du journal, par le biais de lettres, c'est l'intérieur qui vient vers vous. Mais comment on peut faire que l'extérieur vienne vers eux, vers elles? Okay. En fait, déjà, juste pour resituer, l'envolée, en fait, à la base, c'est un collectif qui s'est créé par des anciens, qui a été créé par des anciens détenus. En fait, c'est des gens qui sont issus, qui sont sortis de la prison, qui ont vécu la prison. Donc ces personnes-là se sont rencontrées et avaient envie justement de maintenir le lien. En fait. Si, je pense la radio, le journal, pour les gens qui sont à l'intérieur, c'est super important parce qu'on raconte un petit peu ce qui se passe dedans, mais aussi ce qui se passe dehors. Enfin, comment... Si, c'est vraiment un lien avec l'extérieur. Enfin, les infos de l'extérieur rentrent à l'intérieur, quoi. Mais voilà, je sais pas trop si c'est clair, mais... Non, c'est pas très clair. Non. Si, ça peut rentrer par la radio, parce que j'imagine par la radio, il y a des ordinateurs, ils ont accès à... Non, ils se branchent. En fait, la radio, elle diffuse par le téléphone, alors. C'est... Ah non, ils ont des radios, oui. Ouais, voilà. Radio, donc ça. Après, c'est la FM, quoi. Voilà, c'est ça. Que tout ce qui n'est pas FM, ils n'ont pas forcément accès. Et après, c'est le journal papier, quoi. Ouais. D'accord. Qui est envoyé gratuitement aux prisonniers. Voilà. Et cette commission prison, alors du coup, c'est quoi son objectif, s'il y en a un, ou vous êtes voilà. combien à la... Bah, du coup, la commission prison, elle est constituée... Il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites. Après, dans les réunions, on tourne un peu parfois autour de 7 personnes. C'est pas facile. Hein. Y a beaucoup d'anciens du Génépi. Le Génépi, c'est une association, c'est un collectif aussi qui intervient dans les prisons. C'est des étudiants essentiellement qui interviennent dans les prisons pour donner des cours aux prévenus, enfin aux détenus, quoi. Et voilà, plus ou moins, c'est leur objectif, c'est d'aider à la réinsertion des personnes incarcérées. Après, les gens qui sont ici présents, ils sont pas plus forcément au Génépi. Et voilà. Et après, il y a d'autres personnes qui se sont inscrites à la commission parce que la commission, elle a organisé des débats, notamment depuis le début de sa création. Un qui a eu lieu dimanche dernier. Aujourd'hui aussi d'ailleurs, jeudi dernier, il y a eu aussi une autre discussion. Et en fait, tous ces temps qui ont été organisés, ils ont permis aussi de greffer de nouvelles personnes. De différents horizons, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui les a amenés à se joindre à la commission. Mais bon, il y a aussi les prises de parole à l'Assemblée qui ont permis aussi de greffer de nouvelles personnes. D'accord. Et voilà quoi. Donc ça se met en place tout doucement, voilà, ça prend du temps. Inès, on va retourner sur l'AG. Dans l'artivisme, c'est de l'activisme. On va aller vers l'AG. L'art de chacun, oui. Et on revient un petit peu. L'envie de s'exprimer de sa manière. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Attends, faut que je le fasse. Je vais appeler le point technique, la commission logistique, c'est Stéphane. Bonjour. Deux choses différentes. On parle beaucoup d'argent, d'histoire de vol d'argent, je sais pas quoi. Sachez une chose, c'est que si des gens passent, vous demandez des sous. Ça n'est pas possible. C'est seulement dans les comités, différents comités. L'infirmerie a besoin d'argent, la logistique, la cantine, bien sûr, quand vous allez manger, au prix que vous voulez. Mais voilà, il n'y a pas de personne qui passe sous le nom de Nuit Debout. C'est forcément pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîte qui tourne nulle part, jamais. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des appartements qui donnent vue sur la place de la République ? On fait des jolis stands, on a des jolis... On aimerait bien avoir des photos. Donc s'il y a des gens qui nous disent qu'ils habitent... à je sais pas quel étage et qu'on peut venir dans leur appart un jour ou l'autre faire une image, une petite vidéo. Vous venez à la logistique, vous nous donnez votre nom et votre adresse. Merci. Alors, tour de parole, je vais appeler Naïve, s'il vous plaît. Naïve et Waka, c'est ça ? Ah, c'est là. C'est... Attention. Oh, ok. Non, excuse-moi. Ok, merci. Là. Bonsoir. Bonsoir. En fait, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Rappel. C'est un groupe en non-mixité de meufs et de trans. Et on voulait participer à Nuit Debout. Et on s'est dit que la meilleure façon d'y participer, c'était de... Ouais. C'était de rapper un peu. Derrière. Là, ça va ? Au même niveau, tu vois que le bar, comme ça. Là, ça et va. Ouais, et le principe, c'est que les meufs et les trans prennent la scène, celles et ceux qu'on ne voit pas souvent, justement, qui sont... Invisibles. Invisibles. Et du coup, quoi de mieux que genre une chanson, enfin un rap, en gros. D'accord. Moi, je veux rapper juste en tant que meuf 6. Du coup, meuf 6. Pareil. Pas trans, du coup, parce que je suis une meuf biologique. Pas oui. Voilà. Si vous ne connaissez pas le terme cis. Voilà. Voilà. Bon, ça s'appelle... Et puis quoi ? Ça te dirait Jovine. Je suis une pute, et puis quoi ? Ah ! Ah ! Je suis une blédarde, et puis quoi ? Ah ! Ah ! Je suis une goudou, et puis quoi ? Ah ! Ah ! Je suis féministe, et puis quoi ? Ah ! Des diatribes tous les jours, c'est les mêmes. Depuis quand ça règle, les problèmes, l'équité n'existe pas. Il suffit de te voir, quoi que tu dis, je suis fière d'être noire. J'en ai ma dose, je suis ni bonne, ni amère. Encore une chose, apprends à te taire. Ah ! Tu penses être humaniste et loin du compte. Compte, c'est triste, à quel point tu te trompes. Trompe, tu veux penser que je te suis inférieur. De quoi t'as peur, j'ai juste envie d'être supérieur au moi antérieur. Je suis pas raciste, j'ai un ami blanc dans Blanc Black City. La blanchisserie, leurs habits sont tachés de nos sangs. Les problèmes d'hier sont encore nos soucis, comme d'hab, ils voient rien. Mais si tiens, répète ton cœur, je comprends pas. En plus, ils disent qu'on est égaux, structurellement, c'est faux. Le général est toujours homme. Homme, j'ai pas le syndrome de Stockholm. Stockholm, les grands, on s'est vu avec leurs yeux. Ils méritent bien tous des coups de feu. Oui, vous, blancs ou hommes, les privilégiés en somme, qui s'entangent pas, peu importe leur faux pas. Ils s'entangent pas, peu importe leur faux pas. Ils s'entangent pas, peu importe leur faux pas. Hein. Je suis une pute et plus quoi, hein, hein. Je suis une blédarde et plus quoi, hein, hein. Je suis une goudou et plus quoi, hein, hein. Je suis féministe et plus quoi, hein. Mais pourquoi tu me parles de PD? C'est parce que t'es refoulé, taxa bagnole ou poupée. Tu crois vraiment que c'est ta fierté? Tu pars à ta virilité, ce ramassis de fausseté. Tout ça n'a jamais existé, en vrai t'es juste apeuré, hein. Si t'es un mouton, tu seras pas mon maton. Maton, je te dis, meurs pas, strangulation. Action. Avec mes menstruations. Pense pas à la cavale, la règle ici, c'est aval. Non, je parle pas de foutre. Oui, je veux que tu souffres. Tu veux que je t'explique quoi? Si tu me vois même pas. Tu veux que je t'explique quoi? Si tu me vois même pas. Tu veux que je t'explique quoi? Si tu me vois même pas, hein. Je suis le pute et plus quoi? Hein. Rappel. Voilà. Voilà. Bonne soirée. Ben, nous non plus, nous ne voulons pas être matés par les matons. Voilà. Et donc, nous sommes toujours avec Inès, et en fait, qui nous parlait de la prison, de la commission prison, de la solidarité avec les femmes en lutte de Fleury-Mérogis. Et donc, il y a eu deux rassemblements, un il y a 15 jours, je crois. Voilà, c'est ça. Et un samedi, là, qui vient de passer, là, le 7 mai. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé samedi, comment ça s'est passé? Ouais. Bah alors, on était 30 personnes, très motivées, beaucoup d'énergie. Un petit peu moins que la première fois où on était 60, mais bon, 30, c'était quand même... Enfin, il y avait beaucoup d'énergie, on avait une sono. Malheureusement pour nous, je crois que les femmes à l'intérieur ne nous ont pas entendues parce que le vent était contre nous. Bon, ça, le vent ne nous a pas été favorable. Mais bon, elles étaient au courant qu'on était là. Et puis les familles, parce qu'on était, on était devant les parloirs, donc pour parler aux familles aussi, pour discuter avec les familles. Les familles nous ont vues, elles étaient contentes de nous voir. Il faut savoir que voilà, quand on va visiter quelqu'un en prison, et ben c'est... voilà, c'est les familles, elles subissent une humiliation systématique de la part des surveillants. Enfin, c'est des conditions affreuses. Et puis, ils se sentent souvent seuls, surtout devant la maison d'arrêt des femmes, qui est très éloignée, où il n'y a pas beaucoup de parloirs. Donc il y a un sentiment un peu de résignation, etc. Et donc là, de voir qu'il y a un rassemblement qui se solidarisent des femmes, des prisonniers, des proches des prisonniers, etc. Et ben ça leur donne la pêche, ça leur remonte le moral. Et voilà, et c'est super. Et puis en sachant qu'on est parti en cortège également devant la maison d'arrêt des hommes, où il y a beaucoup plus de monde. On a été très bien accueillis également, avec des gens qui se sont joints à nous pour crier les slogans, etc. Pour prendre le micro aussi, parler de ce qu'ils subissent aussi. En tant que proches, et ce que subissent leurs proches aussi, qui se retrouvent en prison pour des petits trucs de rien du tout. Enfin voilà quoi, pour dire qu'en gros les gens qui sont stigmatisés par la prison, c'est les pauvres, c'est les gens qui veulent pas rentrer dans le système, dans le moule, les gens qui veulent qui refusent un petit peu d'intégrer ce système capitaliste d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils veulent pas être exploités, parce qu'ils veulent pas être de la main d'œuvre bon marché, et qui trouve d'autres alternatives pour se gagner la vie, et voilà quoi. Et donc c'est important de d'être présent devant les prisons. Oui. et de porter le combat contre la prison, surtout au sein d'un mouvement qui aussi remet en question le travail, la société la société capitaliste, etc. Donc la prison, c'est un outil de ce système, et donc c'est nécessaire de le questionner et de le renverser, tout comme le reste, voilà quoi. Et est-ce qu'il y a un autre rassemblement? Là, la commission prison, c'est quand? Les horaires, tout ça? Oui, alors demain, on se retrouve avec la commission contre la prison, lundi, à partir de 19h. Et le jeudi également, il y a des réunions. Nos réunions, c'est le lundi et le jeudi à 19h. Et donc, on va mettre en place une table de presse aussi pour diffuser des textes, des tracts qui ont été écrits. Et puis voilà, le journal de l'Envolée également. D'accord. Voilà. Super. Et ben on suivra ça de près, Inès. On te remercie. Bah merci beaucoup d'être venu. Puis on va retourner à l'AG pour voir ce qui s'y passe. Ce que je vous propose, c'est que le lundi, mardi et mercredi, donc le 16, 17 et 18 mai, il va y avoir le vote à l'Assemblée nationale de la loi El Khomri. D'accord. Et donc, ce que je vous propose, c'est de se déplacer ces 3 jours, et on revient après, aux Tuileries, qui sont entre l'Élysée et l'Assemblée nationale. Il y a la place pour tout le monde. On sera tout près de l'Assemblée et de l'Élysée. Et on pourra appeler toute la population de Paris à venir nous rejoindre là, tout près de l'Assemblée. Voilà. Merci. Je vais appeler la commission SDF. C'est un temps, s'il vous plaît. La commission SDF. Ok. On appellera plus tard. Alors, donc je vais appeler Teddy, s'il vous plaît. C'est un temps. Alors, c'est un temps. Et après, il y aura Teddy. Merci. Ah voilà. Ouais, bonsoir commission SDF, Tintin, T-I-N, T-A-I-N sans N. N'oubliez pas que ça se prononce Titan. Moi j'ai une proposition à vous faire. Sérieuse. Tous les propriétaires des magasins qui ont été interdits d'être ouverts pour raisons commerciales, rejoignez-nous et ouvrons pour les SDF. Des magasins solidaires, avec le respect et la dignité de vivre, debout. Merci. Et vous êtes, et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Debout en direct de la place de la République. Et on est avec Elisabeth qui nous a rejoint en plateau et qui a fait une proposition. Ce soir, c'était la première assemblée de propositions qui se tenait sur la place de la République. Une proposition pour inclure l'espéranto dans le mouvement de la Nuit Debout. C'est bien ça, Elisabeth? Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, je suis venue hier parce que c'était justement la journée ouverte pour les internationaux. Et ce que je craignais de constater, effectivement, ces produits, c'est-à-dire que beaucoup de gens étaient là, écoutaient des trucs en anglais, et la plupart, on voyait bien qu'ils ne comprenaient rien du tout, parce que quand on leur posait des questions, ils n'avaient pas compris qu'il s'agissait d'une question. Bon, ça ne m'étonne pas. Ce que vous proposez, c'est notamment d'utiliser l'espéranto. Alors, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, sur cette langue qui a été créée il y a plus de 100 ans? Voilà. En dire quelques mots pour les auditeurs, les auditrices qui ne connaissent pas l'espéranto. Voilà, donc l'espéranto, pour la petite histoire, en fait, ça entre dans une grande histoire, c'est-à-dire que depuis le Moyen-Âge, il y a des personnes érudites la plupart du temps qui ont trouvé que ça serait bien s'il y avait une langue pour communiquer entre gens qui n'ont pas la même langue. Et donc, il y a eu plus de 500 propositions, et la seule qui, à l'heure actuelle, est utilisée dans le monde entier s'appelle Esperanto. C'est un jeune Polonais qui l'a inventé, donc en 1887, dans date de la publication, mais il y a travaillé toute sa jeunesse, depuis l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Voilà, il s'appelait Ludovic Zamenhof. Et donc, et aujourd'hui, c'est une langue qui est parlée par combien de personnes aujourd'hui dans le monde ? Actuellement, on estime à entre 5 et 10 millions le nombre de locuteurs, mais ils sont répartis sur tous les continents, y compris au fin fond de l'Afrique, en Laponie, ou en Asie, etc. Alors, on peut lire, moi j'ai la proposition que vous avez déposée auprès de l'Assemblée, deux propositions qui a été d'ailleurs tirée au sort ce soir. Donc, je le lis. Nous heurtons un problème de communication entre militants des différents pays. Il y a une vraie barrière linguistique. L'anglais est de fait la langue de Wall Street et du TAFTA. Tout ce que nous rejetons. Seuls ceux qui maîtrisent bien l'une des langues choisies peuvent s'exprimer. Il s'agit d'une discrimination par la langue. Tout ça justifie le fait que, pour vous, adopter l'espéranto serait vraiment un message fort et une solution, une alternative possible pour que tout le monde puisse s'entendre ici sur la place. Voilà, exactement. Ceci dit, le but n'est pas du tout d'imposer, de refaire la même chose que ce qu'il fait avec l'anglais, c'est-à-dire de l'imposer à tout le monde. C'est simplement déjà qu'il y ait une information qui circule, que les gens sachent que cette langue existe et qu'elle est à leur disposition s'ils ont envie. De faire des choses constructives avec des gens d'autres pays. Alors, est-ce que ça peut fonctionner ? Parce que ça fait quand même longtemps que ça existe, l'espéranto. Finalement, il est plus facile d'apprendre l'anglais ou d'autres langues internationales comme l'espagnol. Quel est le frein au fait que les gens se mettent massivement à apprendre l'espéranto ? Alors, parce que ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'on entend parler, et pourtant, parler, en fait. C'est vrai que ça fait longtemps que ça existe et ça fait longtemps que c'est utilisé par une petite minorité. Et tous les gens qui utilisent la langue en sont satisfaits. Le gros problème, c'est le manque d'informations sur le fait tout simplement que la langue existe. Et il faut savoir aussi qu'en 1922, à la Société des Nations, il a été refusé. Enfin, la France a mis son veto. À la proposition de 11 pays, dont le Japon, qui proposait que l'espéranto devienne la langue internationale officielle, si on veut dire. Et c'est donc la France qui a pensé que l'espéranto pouvait faire de l'ombre au français, qui était à l'époque une langue importante et une langue diplomatique, qui s'est opposée formellement à cette décision. C'est politique, en fait. D'accord, c'est un frein éminemment politique, d'après ce que vous nous dites. Tout à fait. Alors, ça fonctionne. Vous disiez comment ça peut fonctionner. Oui, ça fonctionne. Il y a ça, c'est présent sur Internet, d'ailleurs. Plusieurs millions de personnes qui le pratiquent, et notamment qui le pratiquent au quotidien, aussi en famille, puisque des personnes qui se sont rencontrées lors des congrès mondiaux ou autres, de langues différentes, ont fondé une famille. Et maintenant, on utilise l'espéranto chez eux toute la journée, quoi, avec les enfants. Donc, c'est en plus l'avantage de l'espéranto, c'est qu'il permet d'apprendre plus facilement d'autres langues étrangères. Pour ceux qui seraient intéressés, il y a des liens pour pouvoir se renseigner sur l'espéranto sur Internet. Voilà. Des ressources, des lieux où les gens peuvent apprendre, commencer à apprendre ou se renseigner sur l'espéranto. Alors, vous défendez ? Tout à fait. Oui, bien sûr. Si vous tapez espéranto dans Google, vous allez avoir une avalanche de pages, hein, des milliers de pages. Mais si vous cherchez concrètement un lien pour trouver des cours gratuits. Donc c'est à la disposition de toute personne qui a envie de l'apprendre et ça ne prend que quelques semaines. Donc vous pouvez taper par exemple espéranto-jeune au pluriel .org. Et là vous avez proposition de cours gratuits, il suffit de s'inscrire et on a même un correcteur. Et en quelques semaines, vous êtes en mesure de discuter avec des gens de n'importe quel pays. Merci beaucoup, Elisabeth, pour ça. Juste un dernier mot, qu'est-ce qui en a été dit de cette proposition à l'Assemblée de propositions qui s'est tenue sur la place de la République aujourd'hui ? Alors, donc, il y avait un procédé de vote. Déjà, savoir si la question intéressait était pertinente pour le mouvement. Apparemment, non, les gens ne sont pas prêts encore, pas mieux pour dire qu'il faut qu'il y ait de l'information qui circule sur la langue. Quoi. D'accord. Moi, ça ne m'étonne pas parce que ça fait 20 ans donc, que j'essaye de militer pour cette langue et qu'on me rétorque oui, mais il y a l'anglais. Il est faux de penser que tout le monde parle anglais. Oui, on baragouine, oui, on peut comprendre, on peut commander une bière, oui, on peut dans un, voilà, s'en servir à l'occasion. Mais quand il s'agit de vraies discussions, je vous garantis, moi j'ai fait 7 ans en anglais, je suis loin de le parler couramment, mais moi, au bout d'un an d'espéranto, j'étais prête à, j'avais déjà commencé à l'enseigner. Ça s'apprend incomparable, même pour un asiatique, beaucoup plus rapidement que l'anglais, de l'ordre de 1 à 10, quoi. Et donc, ça fonctionne. C'est... Parfait. Bah, écoutez, on vous remercie d'être venu en tout cas en parler au micro de Radio Debout ce soir, et puis on suivra la suite. N'hésitez pas à revenir au plateau de Radio Debout. Et je rappelle en tout cas l'adresse que vous avez mentionnée tout à l'heure pour retrouver des cours d'espéranto, c'est esperanto-jeune.org. Merci beaucoup. Merci. Et on va repartir du côté de l'Assemblée Générale qui se tient à quelques mètres de nous sur la place de la République. Le plus il y a d'amour propre, le plus il y a de fraternité. Merci. Merci. Je voulais juste vous dire qu'on allait clore les prises de nom pour les tours de parole, parce qu'on va devoir rendre le matos. Et je vais appeler René Louis. Merci. La journée du... comment dire, du 18, mercredi 18 mai, est vraiment une journée ridicule. Et ce serait dommage de ne pas y aller. Mais regardez-moi ça. Non, des casseurs, bon, disons des cognes, viennent, des cognes viennent manifester contre d'autres cognes. Je trouve cela très drôle. Bon, pour ma part, moi, j'ai toujours été avec les casseurs, mais je suis partisan de fraterniser avec les cognes. Non, mais je veux dire, c'est cette journée d'un ridicule qu'il faut être là. C'est la moindre des choses. Alors, le problème, c'est ce qui pose problème, c'est le délit d'outrage à agent. Et il est réprimé par les magistrats. Alors, par avance, à ces magistrats qui répriment des moqueries à l'égard des flics, alors à ces magistrats, je dis par avance, mort aux vaches. Merci. Merci. J'ai appelé Sophie, s'il vous plaît. Sophie. Sophie ? Ah, elle arrive. Super. Ah ouais, attention au truc. Ouais. Poser le sac, non ? Ça va aller ? Oh ouais, c'est bon. Bon, bonsoir à tous. Voilà, j'ai eu une petite idée. C'est pour SDF debout, jamais au garde à vous. En fait, c'est pour pouvoir récupérer des t-shirts blancs. Et puis ensuite, s'il y a des artistes, des graphistes, etc., qui sont volontaires pour décorer ces t-shirts, et après les vendre. Et ce bénéfice ira directement à SDF debout, jamais au garde à vous. Et comme ça, bon ben voilà, c'est une idée que j'ai eue et ça peut être très sympa. Donc les t-shirts blancs sont bienvenus à la commission SDF debout. Voilà, alors merci pour votre participation et bonne soirée à vous. Merci. Alors, si je comprends bien, tu veux traduire ? Bah, viens me proposer. Quel est l'arabe là ? L'arabe ? Ah ! France, c'est un peu comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. 69. 69 mars. 69 mars. 69 mars sur la République. 69 mars toujours sur la République. Nous sommes donc bien le 69 mars en direct de la place de la République pour les Nuits Debout. Bon, ce soir, on vous en a parlé tout à l'heure, il y avait une assemblée un petit peu particulière qui était une des premières assemblées de propositions pour arriver à des votes. Depuis une heure, on est repassé à une assemblée populaire plus classique où tout le monde peut prendre la parole. Et du coup, je constate que malgré l'heure, il y a plus de monde sur cette assemblée-là Alors que celle votante avec des petits papiers jaunes et roses, c'était un petit peu vidé. Mais il y a toujours plein de monde différent sur cette place de la République depuis laquelle on émet. On émet Radio Debout sur Internet, on émet sur radiodebout.net. On passe par un système informatique qui s'appelle MixLR, avec plein de 1, plein de 0, plein de fichiers informatiques qui fait que vous nous entendez. Et hier sur la place, j'ai croisé Alexis et Keltoum qui avaient un petit track qui s'appelait Écran Total et qui nous mettait un petit peu en garde face à tous ces systèmes informatiques avec des 1 et des 0. C'est ça ? Alors, le sous-titre, c'est Résister à l'informatisation et à la gestion de nos vies. Hein, donc, c'est une des choses effectivement qu'on critique. C'est le fait que l'informatique prend de plus en plus de place dans nos vies et pas uniquement nos vies professionnelles, même si c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés au sein de ce collectif et de ce réseau qui s'appelle Écran Total. Alors j'espère juste, alors bonsoir déjà, et puis j'espère juste être assez claire en fait dans ce qu'on va pouvoir se dire ce soir. Donc en fait Écran Total c'est une mise en réseau de beaucoup de personnes qui peuvent être effectivement un peu partout en France, qui ont des métiers auxquels ils tiennent. Alors ça peut être des éleveurs, des travailleurs sociaux, des enseignants, des médecins, des boulangers, des menuisiers, des plombiers, voilà, et des gens qui n'ont pas de travail et qui effectivement essayent un petit peu de réfléchir à la place du travail dans nos vies, du travail salarié. Et puis à la dépendance justement de nos vies à ce qui est le fruit et ce qui est censé être le fruit du travail, c'est-à-dire l'argent. Et comment faire en sorte justement que certains qui ont choisi de se déconnecter un peu du monde salarié puissent en vivre en fait, puissent vivre par leurs propres moyens et en fonction de leurs besoins, en créant aussi des façons de faire solidaires, collectives et des façons de vivre aussi. Qui sont un peu plus collectifs que celles qu'on connaît, notamment dans l'urbain, mais pas uniquement. Mais alors, du coup, le rapport avec l'informatique, enfin, moi, en lisant votre tract, il y avait ça qui était un petit peu évoqué, mais il y avait aussi des choses un petit peu plus concrètes de ce que l'informatique peut avoir de nocif, justement, sur certains travailleurs et sur certaines disciplines. Dans votre tract, on évoque le puçage des animaux pour les éleveurs, on évoque le fichage des élèves à l'école ou des usagers des services sociaux. Santé. Alexis. Ouais, de santé, ce qu'on a pris conscience récemment, enfin, ces choses-là n'arrivent jamais vraiment à la conscience parce que immédiate, puisque c'est toujours présenté quand on recueille vos données dans des logiciels, dans des dossiers de santé, qui plus est dans la santé, c'est toujours évidemment pour votre bien. Pour l'efficacité, pour regrouper un tas d'informations qui, évidemment, vous aideront à vous soigner. Et en fait, on s'aperçoit, ce regroupement de données pose pas mal de problèmes, notamment dans le secret médical, parce que beaucoup de personnes qui ne sont pas soumises au secret médical, par exemple, ont accès à ces données au niveau de l'hôpital. Donc, il y a eu des impairs, quoi. Moi, je suis un infirmier, par exemple. Moi, je vais pas donner. Enfin, je peux avoir une information si je suis mal intentionné sur un collègue qui aurait été hospitalisé, dans un des services. Voilà, je l'aurais appris, quoi. Donc, voilà. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, voilà, donc ça n'arrive pas forcément à la conscience immédiate des gens. Alors on se dit, c'est toujours très bien, c'est bien Internet, c'est un outil de formidable, on a accès, moi c'est ça qui me préoccupe, on a accès à plein de choses. Et en fait, finalement, ça a plein d'effets. Alors, plein d'effets qui ne sont pas immédiats, effectivement, et qui pose question, comment est utilisé cet outil, comment il est arrivé. Moi, c'est là-dessus que je m'interroge actuellement, c'est-à-dire que on a connu des périodes de l'histoire, l'imprimerie par exemple, ça a été une révolution effectivement, mais aujourd'hui l'internet n'est plus questionné, quoi. Et il induit, moi, une question de déshumanisation aussi des gens, quoi. Il y a plein d'aspects à étudier. C'est ça, votre tract s'appelle, et votre collectif, votre réseau s'appelle Écran Total. Il y a une remise en question aussi des écrans. Ouais. En fait, le nom même vient du fait que, au début, on se questionnait beaucoup sur la place de l'informatique dans des métiers comme l'élevage, l'enseignement, le travail social, le médical. Et que, effectivement, on se rendait compte surtout que dans Écran Total, l'écran faisait écran en fait à la relation à l'autre. Que ce soit un patient, que ce soit un usager, comme on les appelle dans la novlangue, mais effectivement aussi aux élèves et puis aux bêtes. Alors, juste pour revenir à l'exemple du puçage, puisque tu en as parlé, Olivier, en fait, les éleveurs qui s'opposent au puçage, ils s'opposent non seulement à la transformation de leur métier, c'est-à-dire qu'on, grosso modo, on leur demande de gérer leur troupeau par voie informatique, hein, c'est à ça, terme. Ça, pour rappeler, le puçage, c'est que, en fait, dans les animaux, dans les moutons, dans les chèvres, on introduit une petite puce RFID, oui. Voilà, qui permet d'avoir une sorte de contrôle, c'est-à-dire que l'éleveur qui a 4000 bêtes est derrière son ordinateur avec des petits pips qui clignotent sur son écran pour voir un petit peu où ils en sont. Dans cette puce informatique sont rentrées plein de données de santé, etc. Et on peut se dire, bah, c'est cool, en fait. En fait, bah, c'est très bien, en plus, que tu prennes l'exemple du troupeau de 4000 bêtes. Parce qu'en fait, ce dont on parle peu, c'est du fait que ces systèmes informatiques sont conçus pour des gros. Et que effectivement, les gros, c'est ceux qui alimentent effectivement le système. Et en fait, c'est ceux qui font vivre ce système informatique. Concrètement, c'est comme un cercle vertueux pour eux, en fait. Hein. Le contrôle, effectivement, des bêtes, des 4000 bêtes en l'occurrence, on va présenter ça à l'éleveur comme étant lui faciliter son travail au quotidien plutôt que de courir après ses bêtes pour pouvoir effectivement les reconnaître. Sauf que, par exemple, les éleveurs, les copains éleveurs du collectif Faut pas pucer, ils nous disent, mais ils en ont une centaine de bêtes, ils les connaissent une par une, hein, leurs bêtes. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut transformer effectivement la relation qu'ils ont avec leurs bêtes. Et c'est ce qui fait leur amour du métier, un savoir-faire. Effectivement, on veut faire rentrer une raison de gestion, de contrôle, de traçabilité. Donc tout ça, c'est pour de la sécurité sanitaire. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Concrètement, quand on entend les copains éleveurs, de sécurité sanitaire, il n'en est pas du tout question quand, effectivement, ils élèvent une centaine de bêtes qu'ils connaissent une par une et qu'ils vendent aux alentours à des gens qui se connaissent, par exemple. Donc voilà, on pense des choses de manière informatique pour des gros systèmes. Et sous couvert de traçabilité, ben on a effectivement des scandales sanitaires comme on en a connu aussi ces derniers temps. Donc les puces RFID sur les bêtes, c'est ce qu'ont commencé à dénoncer effectivement pas mal d'éleveurs. Il faut savoir qu'ils sont soumis, que leurs subventions dépendent effectivement de leur acceptation de ce système de contrôle et que des éleveurs qui le refusent se voient supprimer leurs subventions. Donc en fait, ce qu'on dénonce aussi derrière, c'est toute la folie gestionnaire. Et l'informatique est un outil de la folie gestionnaire. C'est-à-dire que des bureaucrates dans des bureaux pensent le métier... Une micro-coupure électricité, on va juste vérifier qu'on est bien toujours à l'antenne. C'est bon, a priori. C'est ça, on n'est pas vraiment maître du truc. C'est bon ? Et en fait, effectivement, c'est toute cette folie de gestion par des bureaucrates dans des bureaux, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Paris, qui pensent le métier d'infirmier, qui pensent le métier d'assistante sociale comme le mien, qui pensent le métier d'éleveur et qui, effectivement, demandent à ceux qui font leur travail au quotidien de le faire d'une certaine manière qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils veulent faire, en fait. Donc c'est plus que, en fait... une facilitation ou tout ce qui est prôné dans le discours de gestionnaire, c'est aussi comment s'immisce en fait la bureaucratie dans des lieux où elle n'a pas sa place. Concrètement, elle n'a pas sa place. Et l'informatique est un outil qui permet à cette bureaucratie gestionnaire de s'immiscer effectivement peu à peu, comme c'est le cas dans nos vies, dans notre quotidien, comme l'a rappelé Alexis, par rapport à des données informatiques, dans effectivement ce qui fait notre vie intime en fait. Concrètement, l'intimité de ce qu'on vit, qu'on le vit dans le travail ou qu'on le vit voilà, en allant voir son médecin, en allant dire certaines choses à un moment donné, on n'a pas forcément envie que ça se retrouve dans un fichier informatique. Et ça, il faut le redire, en fait. Et par rapport aux enseignants, par exemple, aujourd'hui, ce qu'ils dénoncent, c'est non plus uniquement le fichier base élève, comme ça a été le cas au début des années 2000, puisque le fichier base élève a fait l'objet quand même d'un mouvement de résistance assez important au niveau national, où il y a eu effectivement un certain nombre de personnes. On est revenu. En fait, il y a des coupures d'électricité sur la place de la République. Visiblement, on est toujours à l'antenne. Et on était en train de parler de l'arrivée de l'informatique un petit peu partout dans nos vies. On va écouter justement un petit son en réaction à ça. Derrière la promesse futuriste d'un monde d'hommes et d'objets intégralement connectés, quand voitures, frigos, montres, aspirateurs et godemichets seront directement reliés entre eux et à l'Internet, il y a ce qui est déjà là. Le fait que le plus polyvalent des capteurs soit déjà en fonctionnement, moi-même. Je partage ma géolocalisation, mon humeur, mes avis, mon récit, de ce que j'ai vu aujourd'hui d'incroyable ou d'incroyablement banal. J'ai couru, j'ai immédiatement partagé mon parcours, mon temps, mes performances et leur auto-évaluation. Je poste en permanence des photos de mes vacances, de mes soirées, de mes émeutes, de mes collègues, de ce que je vais manger comme de ce que je vais baiser. J'ai l'air de ne rien faire et pourtant je produis en permanence de la donnée. Que je travaille ou pas, ma vie quotidienne comme stock d'informations reste intégralement valorisable. J'améliore en continu l'algorithme. La voix d'Alain Damasio qui reprend un extrait de À nos amis du comité invisible pour justement rebondir sur cette informatique qui nous fiche, qui nous empêche, qui nous traque. Vous justement, et peut-être pour finir, votre réseau Écran Total sert justement à mettre en lien les gens qui sont en résistance par rapport à tout ça. Oui, par exemple, je suis assez récent dans le groupe, enfin dans le réseau, pour l'appeler comme ça. Et c'est par connaissance en fait, c'est pas effectivement d'aller chercher sur Internet la chose, parce que vous la trouverez sans doute très difficilement, mais parce que je connaissais un psy qui m'a dit, c'est intéressant de. Par rapport à une discussion qu'on a eue, il y a ce groupe, et de fil en aiguille, je rencontre Keltoum, qui est assistante sociale, qui elle-même me fait rencontrer des éleveurs, c'est ce lien d'humain à humain et qui est privilégié, d'autant plus que, effectivement, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est quand même frappant. On peut avoir effectivement cette illusion qu'on touche. On touche beaucoup de monde et une vision un peu narcissique, qu'on est au centre de quelque chose, d'un réseau effectivement virtuel, comme on peut le dire, l'entendre. Alors, à propos de réseau virtuel, vous, je vous ai découvert, vous étiez sur la place, vous avez profité de cette nuit debout pour diffuser votre track, votre information, votre réseau. Ici, on est à Nuit Debout. Nuit Debout, c'est quelque chose de vivant qui existe dans le réel, mais qui se sert d'une multitude d'outils informatiques. Toutes les comptes rendus d'Assemblée Générale sont postés sur des wikis, toutes les commissions ont leur wiki, leur propre site, tout le monde a son compte Twitter, son compte Facebook, il y a même des batailles pour savoir qui est propriétaire du compte Twitter officiel de telle commission. Tout le monde, nous les premiers ici à Radio Debout, on s'organise avec une application qui s'appelle Telegram pour chatter en direct sur nos smartphones pour que les informations passent assez vite. Quelle est votre vision, vous qui n'êtes pas non plus complètement dans l'anti-technologie, mais qui êtes très très vigilant face à ça? En fait, moi, je voudrais dire d'abord que pour moi, c'est justement ce qui se passe ici sur la place de la République et ailleurs dans d'autres villes en France, c'est un peu l'antithèse de ça. C'est-à-dire qu'en même temps, ça peut être effectivement facilité ou diffusé, on va dire, par des voix qui sont des voix numériques. Mais en même temps, rien ne remplace ce qui se passe entre les gens. Et moi, ce que je vois depuis quelques jours que je viens ici, c'est toutes les discussions informelles qui ont lieu en dehors des espaces formels d'AG, de commission. Ça, encore une fois, on aura développé encore dans quelques années un certain nombre de choses qui sont de pire en pire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais ça ne pourra pas se remplacer. Alors plutôt, vous dire comment on fonctionne, nous, dans ce réseau, c'est effectivement autour de rencontres. Donc on essaye d'en régulièrement. Non, on est revenu plus rapidement que tout à l'heure. Les micros coupurés. C'est ça. Plein Paris. En fait, on se rencontre, on essaye d'avoir des temps de rencontre qui se passent sur un week-end, en fait, ou qui peuvent se passer dans des villes comme à la campagne. Ça veut dire concrètement avoir des hôtes. Donc ça veut dire que ce réseau, c'est aussi des gens qui accueillent. Ça veut dire effectivement des gens qui mettent la main à la pâte. Ça veut dire effectivement qu'on ramène chacun effectivement les victuailles, que pendant tout le week-end on cuisine ensemble, qu'on fait des chantiers ensemble, qu'on discute ensemble, qu'on se retrouve le soir effectivement pour danser, pour chanter, voilà. Donc en fait, ce qui se passe dans ce réseau et dans ces rencontres, c'est un peu effectivement ce qui se passe ici sur la Nuit Debout à la République. En dehors de tout, effectivement, quasiment tout outil numérique, parce qu'on fait effectivement encore, on tient à faire des comptes rendus, donc on les écrit, on les envoie par voie postale, voilà, donc ça existe encore. Si tu nous as rencontrés sur la place, c'est qu'on est sous format papier et qu'on en a besoin et que ça nous permet de discuter avec les gens plutôt que d'envoyer un mail où il n'y a pas forcément l'échange tout de suite après. Voilà, il y a plein de petits toutes petites micro-choses comme ça qu'on oublie trop trop vite sous prétexte de gagner du temps, en fait, hein, avec pas mal d'outils qui sont à notre service et qui vont de plus en plus être à notre service pour nous faire perdre de vue justement ce qu'on peut créer par nous-mêmes et ce qu'on peut maintenir tout simplement par nous-mêmes. Donc ce réseau se rencontre au moins une fois dans l'année, autour d'un week-end de 2-3 jours. Voilà, on espère le prochain à la Toussaint. Et alors, si on veut vous rejoindre, si on a envie de rentrer en résistance face à certains fichages informatiques, comment on vous contacte ? Il y a une adresse postale ou il y a une adresse mail ? Alors, déjà, je dirais, quand vous voyez un panneau quelque part, écran total, allez parler aux gens. C'est pas forcément de la crème solaire. Et c'est pas de la crème solaire, c'est pas de l'indice 50, au contraire. Et par contre, il y a juste une adresse de contact, une adresse mail de contact. Ah. Une adresse mail de contact qui est ecrantotal@riseup.net. Et effectivement, ça permet aussi à des personnes de nous contacter par ce biais. Mais comme l'a dit Alexis très justement, le réseau qui effectivement se constitue depuis maintenant 2 ans et demi se fait beaucoup de bouche à oreille et autour de rencontres physiques. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on espère qu'on se rencontrera quelque part, en fait. Dans une librairie, sur une place, dans une auberge, dans une ferme, voilà. Merci Alexis, merci Keltoum, et merci, continuez bien d'écran total. Merci beaucoup à vous et bonne continuation. Sur la Nuit Debout. L'objet de la grande récolte des informations personnelles n'est pas un suivi individualisé de l'ensemble de la population. Si l'on s'insinue dans l'intimité de chacun et de tous, c'est moins pour produire des fiches individuelles que de grandes bases statistiques qui font sens par le nombre. Il est plus économe de corréler les caractéristiques communes des individus en une multitude de profils et les devenirs probables qui en découlent. On ne s'intéresse pas à l'individu présent et entier, seulement à ce qui permet de déterminer ses lignes de fuite potentielles. L'intérêt d'appliquer la surveillance sur des profils, des événements et des virtualités, c'est que les entités statistiques ne se révoltent pas, et que les individus peuvent toujours prétendre ne pas être surveillés, du moins en tant que personne. Quand la gouvernementalité cybernétique opère déjà d'après une logique toute neuve, ces sujets actuels continuent de se penser d'après l'ancien paradigme. Nous croyons que nos données personnelles nous appartiennent, comme notre voiture ou nos choses. actuelle, en décidant de laisser Google, Facebook, refusent et qui seront désormais traités en suspect, en déviant potentiel. Vous êtes toujours sur Radio Debout, en direct de la place de la République pour ce 69 mars. Sur la place, l'ambiance a changé puisque l'Assemblée Générale s'est terminée. On entend au loin des djembés. Il y a fréquemment des coupures d'électricité, ce qui va peut-être mettre en péril notre concert électronique qu'on avait prévu pour terminer. Ouais, je crois que là, ça va être en péril. On va avoir peut-être quand même un solo de saxo tout à l'heure. Mais il y a encore, du coup, vu qu'il n'y a plus d'âgés, il y a plus de gens qui sont autour de nous et il y a encore des commissions qui travaillent. On est avec la commission écologie. Comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Maxime. Tu t'appelles Maxime et tu avais une annonce à faire. Ouais, j'ai une annonce pour demain, lundi, à 19h. On va recevoir Pablo Servigne, qui est donc un chercheur agronome qui a fait beaucoup de recherches sur notamment l'effondrement qui vient. Donc c'est un des livres qu'il a publié. Donc comment tout peut s'effondrer. Il fait partie d'un bureau de recherche en Belgique et donc il a publié un livre, deux livres avec Raphaël Stevens donc sur l'ensemble des crises écologiques, financières et politiques que le monde a connu depuis plusieurs centaines d'années. Il a fait le bilan de tout ça et il prévoit donc, enfin, dans son livre, il nous prévoit un effondrement donc du système actuel. Et il vient demain à 19h, à partir de 19h, pour nous parler de tout ça, de ses recherches. Et donc on a prévu un débat à la suite de sa conférence. Ouais, sur la place. Enfin, ce que tu me dis là, c'est qu'il vient nous annoncer l'apocalypse demain ou il vient nous annoncer comment on va pouvoir essayer de l'éviter. Il nous parle pas vraiment d'apocalypse, il nous dit que c'est une possibilité, que ça peut arriver si on continue dans le système actuel, à produire comme on fait et à vivre comme on fait, à consommer comme actuellement. Mais il nous dit qu'il y a des moyens qui sont déjà en œuvre, comme Nuit Debout par exemple, comme alternative. À l'effondrement qui pourrait amortir l'effondrement. Pour qu'on rebondisse en douceur. Voilà, c'est ça. Donc demain 19h. Demain 19h derrière la commission écologie. La commission écologie qui est... Juste en face la sortie de métro qui est donc fermée au milieu de la place. Okay. Juste à côté. Et puis on continue les commissions. Merci. Bonne soirée, au revoir. Oui, on est avec Steph qui était. On est parti tout à l'heure du côté de la cantine et on se croise assez souvent, mais on n'a pas trop le temps de parler en général. Et les gens qui sont dans les commissions les plus vitales quand même de Nuit Debout, il faut le dire, c'est les gens qui sont à la cantine, les gens qui sont à la logistique, sont toujours à l'infirmerie aussi, sont toujours sur le feu, sont toujours sur le pont et ont pas le temps en fait de prendre part au débat, de venir s'exprimer. On a Sam qui est venu quelques fois ici au plateau de Radio Debout. On s'est croisé tout à l'heure. J'ai dit viens, et tu m'as dit ouais, moi ça, j'ai envie de venir, de parler de quelque chose, donc voilà, on est là et puis on est ravis de t'accueillir ce soir. Ben, merci de m'accueillir déjà, et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que sur la commission Resto Debout, sur la cantine, on est une équipe où on est là quasiment tous les jours, où on est quelques-uns à tourner, mais par le boulot permanent. Et on n'est pas les seuls, on n'a pas souvent la possibilité de pouvoir prendre la parole ou intégrer une AG. Aujourd'hui, ça a été possible et merci à eux aussi, grâce au groupe qui nous a proposé une journée vegan, donc cuisine végétalienne, qui ont pris le relais et qui a permis de mettre l'équipe en place habituelle, un peu en off, en repos. Et ça fait du bien aussi. Alors tu voulais nous parler d'autre chose parce que toi tu fais partie de la cantine mais tu fais pas que ça, tu as d'autres choses à dire j'imagine. Oui. Donc là c'était ton oui, point après, off de quoi tu voudrais parler sur Radio Debout. Moi j'aurais voulu parler un peu du problème des sans domicile fixe qu'on trouve un peu partout dans le monde. Maintenant j'ai envie de parler surtout de comment on voit les SDF, de comment les gens peuvent voir les SDF à travers les infos, à travers la façon de les croiser dans la rue. J'ai envie de résumer les choses assez simplement, dire simplement un SDF, c'est bien souvent un alcoolique, mais ce n'est pas que ça. C'est bien souvent un drogué, mais ce n'est pas que ça. C'est bien souvent un fainéant, mais ce n'est pas que ça. Avant tout, un SDF, c'est un être humain. Simplement, dans les conditions actuelles d'hébergement d'urgence, il y a des personnes qui ne demanderaient pas mieux de bosser. Mais quand déjà vous sortez d'un centre d'hébergement, il est 8 heures, que la première chose à laquelle vous pensez, c'est où je vais dormir ce soir, c'est comment faire, comment voulez-vous que la personne se lance dans une démarche d'insertion ? Et même si la personne trouve un travail, comment voulez-vous faire qu'elle tienne le travail si le soir en sortant du boulot, même en ayant des horaires de bureau, elle n'a pas un endroit de dormir. Après, le SAMU social, quand vous l'avez au téléphone, vous dira, mais voyez, un travailleur social, allez demander à un patron une journée de repos, une matinée de repos pour voir un travailleur social alors que vous êtes en période d'essai. C'est lui expliquer la situation. À moins de tomber sur un patron compréhensif, en règle générale, il va se dire, mais attends, le mec, comment il va tenir le boulot ? C'est pas possible. On ne peut pas se permettre de demander une journée. Ensuite, un autre problème, c'est que les listes d'attente pour un hébergement stable autre que de l'urgence ou les centres d'hébergement d'urgence sont catastrophiques. J'ai cité deux exemples, le centre d'hébergement de la Chapsa à Nanterre et la boulangerie qui se trouve Paris, Porte de la Chapelle. Boulevard Ney, je n'ai plus l'adresse exacte en tête, je m'en excuse. Tout d'abord, la Chapsa de Nanterre est un hébergement qui a une capacité, ces deux centres d'hébergement ont une capacité de 500 à 700 lits. Il me semble le nombre exact, encore une fois, je ne l'ai pas, je m'en excuse. À Nanterre, vous êtes accueillis par des policiers. Une chose que j'ai vécue pour y avoir été, la dernière fois que j'y suis allé, je me suis levé le matin avec un mal de tête pas possible. Avoir été voir la personne qui était à l'accueil, donc une policière en tenue, lui dire bonjour madame, lui demander excusez-moi, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un cachet pour la tête parce que j'ai mal à la tête, la personne n'a su que me répondre, est-ce que vous croyez que je suis médecin ? Alors que je savais pertinemment qu'il y avait un médecin dans le centre d'hébergement pour des personnes qui étaient malades, qui étaient sans abri et qui n'avaient pas forcément de couverture maladie, de rencontrer, même pas capable de me le dire, désolé, je sais pas où il est, je vais me renseigner, patienter deux minutes. Ensuite, le centre d'hébergement, donc la boulangerie qui se trouve du côté de la Porte de la Chapelle, j'y ai jamais dormi, mais j'ai eu l'occasion de m'y rendre pour rendre service à une personne, pour récupérer des duvets pour une autre association, avec une autre personne. On est tous les deux habitués à la rue, par le vécu. On est habitués à des odeurs pas possibles. Le centre d'hébergement avait soi-disant été nettoyé. On est sorti de là, excusez-moi l'expression, on a vomi nos tripes. Et il n'y avait personne d'hébergé encore d'arriver à ce moment-là. Et comment ça se passe pour toi depuis le début de Nuit Debout ? Tes conditions, est-ce que ça a changé ? Est-ce que tu as trouvé d'autres endroits ? Comment ça se passe pour toi ? Moi, les centres d'hébergement, je ne veux plus en entendre parler. À l'heure actuelle, je ne veux plus en entendre parler. Maintenant, j'ai trouvé un endroit que j'ai depuis un moment où je suis à l'abri. Je me tiendrai l'adresse précise en silence. Les gens qui habitent l'immeuble m'ont accepté. Je dors au dernier étage de l'immeuble. L'avantage, c'est que... Dis-moi l'avantage, façon de parler. Moi, je fais en sorte que quand je parte le matin, je laisse l'endroit propre. Comme si que personne n'y avait dormi. Les gens savent que je suis là. Il y a des gens qui m'amènent du café ou me laissent un croissant en partant du boulot. Il y a des gens, dernièrement, par exemple, une fois, après avoir passé la soirée ici, avoir donné un coup de main à la cantine, le lendemain, j'étais tellement crevé, à 11h, je dormais encore. Une personne sentait son chien ou faisait une course, je pourrais plus vous dire, est venue me réveillant en se demandant s'il n'y avait pas un problème. la personne semblait même m'excuser. J'ai dit non, vous n'avez pas à vous excuser. Au contraire, c'est moi qui vous remercie. Ça voulait dire que des personnes m'ont accepté dans ce lieu et par ce genre de geste, par ce genre de geste, m'acceptent et me considèrent comme un être humain, s'inquiètent. Et ça, c'est rassurant. Tu sais, moi, je t'entends là nous raconter tout ça, c'est super émouvant. Toi, tu fais partie de la cantine et c'est peut-être ceux qui prennent le plus soin avec la logistique, avec l'infirmerie, de Nuit Debout. Parce qu'en fait, sans vous, Nuit Debout, ça tiendrait pas. Parce que si on n'avait pas des bâches, si on n'avait pas à manger, si on n'avait pas des gens pour réparer nos bobos quand on se fait mal, ça tiendrait pas. Et merci, en fait. Merci de prendre soin de nous. Bah, en même temps, à titre personnel, si je peux encore avoir 2 minutes, je vais raconter un peu comment je suis arrivé sur la cantine. Moi, j'étais venu la première fois à Nuit Debout par curiosité, vraiment par curiosité, j'en avais entendu par les médias et j'ai dit tiens, je vais aller voir ce que c'est. Moi, ce qui m'a marqué la première fois, c'est déjà le fait où toute personne, quelle que soit sa situation, pouvait prendre la parole. Le premier soir, j'ai poussé une gueulante. J'y ai mis toute l'émotion que j'avais, toutes mes tripes, j'ai poussé une gueulante. Le deuxième soir, je suis revenu en ayant une proposition. Et après cette proposition, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'en reste là ou je vais plus loin? Et le troisième soir, je suis revenu. Je me suis adressé à la caisse, j'ai dit, voilà, mon métier, c'est la cuisine. Je sais qu'il y a une cantine, je ne sais pas où. Est-ce que je peux m'y rendre et me rendre utile? La personne qui m'a reçu, elle m'a dit oui, bouge pas, dès que je croise le responsable, je te le présente. Tout en fait, au bout d'une demi-heure, pas vu la personne revenir ni le responsable, j'ai vu la tente se monter et je me suis incrusté. Tout en fait, on m'a laissé prendre ma place. On avait reçu du poisson et différentes choses à préparer. Des personnes se demandaient mais comment on les prépare. Moi j'ai entendu ça, j'ai dit bah écoutez moi je sais le préparer. Et depuis donc t'es à la cantine. Voilà. C'est ça. Bah écoute, merci beaucoup Steph d'être venu sur Radio Debout raconter tout ça. Puis on se recroise bientôt. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux sous la bâche de Radio Debout. Et merci encore à l'équipe de la cantine, de la logistique et Mais merci à vous aussi de donner la parole vraiment à toutes les personnes qui le souhaitent. Et ça a vraiment de l'importance. Ben Radio Debout est fait pour ça. Aussi bien en AG que Radio Debout, que TV Debout et j'en passe. Merci beaucoup. Et on va écouter tout de suite la chronique de Fanche qu'on a reçue ce matin. Cric crac. Petit à petit, à la République, Nuit Debout fait son nid. Et on a beau entendre pas mal de noms d'oiseaux vomis par Sarkozy, Ciotti et autres estrosi, une convergence d'intellectuels s'organise pour prendre acte que quelque chose est en train de changer, au point que Gaël Brustier, chercheur, ose qualifier Nuit Debout comme premier mouvement post-marxiste. J'en suis. Mais écoutez plutôt. Il y a quelques jours, Michel Serres est venu au micro de Radio Debout pour dire qu'il était en phase avec les Nuits Debout. J'ai retrouvé une archive radio de mars 80 où le philosophe disait « Le changement, c'est la définition de l'intelligence. Si les choses doivent rester les mêmes, c'est ça la définition de la sottise. Si les choses doivent se répéter, c'est la définition de l'instinct de mort. Je crois que dès que quelqu'un se répète, dès qu'une institution dit la même chose, dès qu'une société recommence dans le même sillon, les mêmes habitudes, alors elle est morte. Voilà une prophétie de Michel Serres que quelques carterons de politique has-been feraient bien de méditer. À dimanche prochain. Please wait. Ah, attendez. Et nous voilà... Non, non, non. Bah non, on y est là. Hein. Ça décompte ou pas? Ouais, ça décompte. Congratulations, you're live on MixLR. Est-ce que je suis à l'antenne? Est-ce que félicitations, je suis on air sur MixLR? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Ouais. Bon, alors... on va se dire qu'on y est. Au pire, je parlerai dans les méandres d'Internet. Voilà, l'électricité a été coupée sur la place de la République. Antenne d'urgence. On est dans le noir. On devait avoir une performance électronique ce soir. Alors le problème de l'électronique, c'est que sans électricité, c'est un peu compliqué, hein, parce que dans l'électronique, il y a ELEC. On a été voir si c'était possible de récupérer l'électricité. Mais sinon, peut-être qu'on peut faire un solo de saxo. Ça marche? Ah bah je suis à l'antenne. Ah bah c'est super, je parle pas toute seule depuis tout à l'heure. Alors on va faire un petit. Sinon on peut chanter une chanson. Bon, je vous explique. La place est presque vide parce que l'assemblée est finie. La commission logistique a vraisemblablement coupé l'électricité. C'est pas la commission logistique, c'est la mairie de Paris. C'est Anne Hidalgo. Ça, c'est encore un truc de Anne. Je l'ai appelée cet après-midi pourtant pour dire Anne, arrête de couper l'électricité et elle veut pas. Donc voilà, on n'a plus d'électricité, mais le saxo commence. Ah ouais. La lumière est revenue, merci Anne, merci, tu m'as entendu. Alors, voilà, la lumière est revenue et je passe le téléphone. On va repartir pour la dernière des dernières sessions de la semaine de ce 69 mars. On va couper ici, on va couper avec le téléphone, on va reprendre notre vraie antenne normale. Mais c'est bon ? Coupe, alors il faut couper alors, ici, attends. Est-ce que je suis, oui, on est reparti sur le non, priori. Non. Ah, recule un peu des micros, on est reparti sur le micro. Coupe le téléphone. Ça doit être bon. La lumière est allumée. Alors il faut faire le code du téléphone. Et c'est toujours un petit peu laborieux. Hein. Ouais, là c'est bon là. Alors, est-ce que je suis. Oui, on est reparti sur le micro. On est reparti sur le micro, on coupe le téléphone, la lumière est allumée. Et on a. Alors il faut faire le code du téléphone, et c'est toujours un petit peu laborieux. Hein. Voilà, et on va repartir sur la musique. Hein. Pour terminer avec Lucas, on devait avoir une sorte de performance électro-live-saxo. On va avoir une performance électro-live-saxo, mais juste saxo solo, avec des effets qui rentrent dans notre console. Debout, un saxophoniste debout. Et on est tous debout d'ailleurs. Pour cette radio debout, on est tous debout. On est pratiquement les derniers de la place, tout le monde a plié avec la télé est en train de plier aussi. Et bah c'est bon en fait, Lucas, ils nous ont autorisé 4 minutes. Allez. Ça va être pour terminer ce 69 mars de cette radio debout. Ah ça y est, on t'a dans le. C'est parti, Lucas pour terminer. 71 mars, à bientôt, bonne soirée.